Retro Nouveau. Salut tout le monde! Bienvenue au 21e épisode de Rétro Nouveau, Colin. Ben oui, deuxième semaine deuxième sans semaine arrêt. De suite. C'est quasiment un nouveau record. Ouais. Et puis, vous avez peut-être pas fini d'écouter le dernier épisode encore parce qu'il est quand même fucking long. Mais celui-ci sera pas moins long. On vous avertit. On vous avertit tout de suite. Ah ouais, ça, vous allez vous en servir pour faire la vaisselle, conduire en char jusqu'à Drummondville. Ah ouais. Montréal-Drummondville. Si vous êtes déjà à Drummond, ça aide pas, là. Ouais. Mais trois heures quand même, t'as le temps de faire bien des affaires. Oui, oui, oui. Fait que, on peut commencer quand même en... Je sais pas si t'avais quelque chose à souligner, mais on a un invité cette C'est semaine. Notre premier épisode avec un invité. Un invité très spécial. Ben, le premier épisode de 2012, là. On a eu Joël Martel auparavant. Excuse, parce qu'on était d'une chambre d'hôtel, tu sais, ça faisait un petit peu moins officiel, ça faisait plus trash. Ouais, c'est mais ça. Mais là, on a un invité en studio, mesdames et messieurs. Donc, c'est avec pas le premier invité que vous avez. C'est le deuxième invité qu'on a. T'es le deuxième, mais le premier avec un micro à toi. Allez-vous aussi m'oublier comme vous avez fait avec l'autre? Ou... Non. Ça, c'est de la faute, Adam. C'est tout de ma faute, ça. On a quelqu'un ici qui est parti de Shawinigan pour venir enregistrer ce soir avec nous. Ouais. Puis j'y ai donné la mauvaise adresse, le mauvais numéro de téléphone. Je l'ai fait poireter pendant 40 minutes au quatrième étage d'un édifice industriel vide. Fait que c'est le sort qui vous est réservé si vous êtes invité à Rétro Nouveau. C'est ça. On aime ça à la dure. T'sais, on est genre de monde qui font une excursion dans une montagne puis qui crisse le lunch en bas quand ils sont rentrés en haut. Le lunch en bas. Donc, notre invité s'appelle Brian Lajoie. Yes. Il est un gars que j'avais jamais vu et j'avais juste lu ses commentaires sur le forum du Club de collectionneurs de jeux vidéo du Québec et sur son site web Québec Gamers. Gamer? C'est Québec Gamers. Avec Gamers. Ça fait presque 12 ans que j'avais aimé. Ouais, c'est ça. Mais depuis quelques temps, il est moins updaté, par exemple, parce que avec le temps, j'ai comme peut-être perdu un peu l'envie de le mettre tout le temps en jour, vu que ça ne rend pas grand-chose autant. Tu sais, maintenant, c'est plus Facebook ou YouTube. Mais dynamique, si on peut dire, ou plus interactif avec les gens. Puis, t'es-tu actif sur YouTube, Facebook? Ben, j'aimerais ça faire plus de vidéos sur YouTube, honnêtement. Là, ça me tente. Mais vu que je suis pas bon, je me trouve pas bon. Ah, voyons. Moi, j'ai en fait, c'est toi qui m'as... Moi, j'ai découvert Québec Gamers, puis le forum, le CCJVQ, en même temps que j'ai lancé, dans le fond, mon blog Papa Cassette, dans le temps, tu sais, parce que je me suis dit, un jour, bon, je vais faire ça, je vais faire un blog, je vais voir qu'est-ce qui se fait au Québec, puis je suis tombé sur ton site très rapidement, puis sur CCJVQ aussi. Puis, écoute, j'adorais tes chroniques, genre, quand tu prenais des photos de tes acquisitions, tu sais, puis tout ça, puis ça m'a vraiment donné le goût de le faire, puis je le fais, moi, avec, sur Papa Cassette. Sur Rétro Nouveau maintenant. Il y a quelque chose de le fun à regarder ça. Tu vois, là, tu me le dis, je trouve ça intéressant, mais si j'avais, tu avais fait ça sur YouTube, tu vois les commentaires en bas des gens, fait que tu as comme un feedback des gens quand tu c'est vrai. Tu vois, comme ça, tu n'as pas de feedback, tu l'apprends comme sur le bord. Ouais, mais même les sites web les plus populaires, des fois, c'est des sites web là, hyper importants, mettons MTV ou si on parle des jeux vidéo, IGN, tout ça. Des fois, tu sais, c'est quand même des sites qui rejoignent 50 000 joueurs à la minute, puis pourtant, t'as comme 22 commentaires. Fait qu'on dirait que les gens ont peur de donner des commentaires dans les sites web. Sur YouTube, je sais pas, il y a de quoi de plus facile où les gens veulent donner leur opinion tout de suite sur ce qu'ils viennent de voir, parce que c'est de l'information qui retire plus rapidement, finalement. C'est fait pour ça aussi, d'une certaine façon. Oh, oui. Tu te sens comme plus à l'aise de laisser des commentaires. C'est ça. Faut pas que tu sois logué dans le site. Ça me bloque souvent, moi, sur le laissage de commentaires. Ouais. Ça, de me loguer en tant que si, me partir un compte, tout ça. Là, c'est fatigant, ça. C'est le fun de répondre de façon anonyme. Aussi, je pense qu'il faut marcher avec Facebook. Comme vous, je vous vois aller. Vous allez souvent sur Facebook poster des liens pour vos nouveaux podcasts, ces trucs-là. C'est comme ça que tu attires du monde aussi. Ouais, vraiment. Ben, c'est le fun aussi parce que ça amène à la discussion. Tu sais, tu peux échanger avec le monde tellement facilement. C'est plus motivant comme ça, c'est ça. Je voulais dire, moi, avec mon site, vu que je fais pas ça, j'ai pas de commentaires. Rarement des commentaires. Donc, des fois, c'est moins motivant de continuer à poster des articles sur le site. As-tu des stats? Peux-tu voir les stats? J'ai des stats. Ouais. Je sais pas si je peux les dire. Là, tu voulais en venir? Oh non, non, non. Ben, l'air un peu du gars qui pas obligé. Ses stats. Tu peux dire ce que tu veux, là, en fait. Ben, j'avais en moyenne 15 000 personnes à chaque mois qui venaient. C'est pas, 15 000? C'est pas énorme. Ben, je sais pas si ça non. Ben, c'est quand même bon. Ben, C'est assez pour encourager à continuer, là, me semble. Ouais, ben, ce que je vois, c'est que la plupart du monde qui viennent, ils viennent des États-Unis. Ouais. Ça, c'est assez bizarre quand même de voir que 80 % du monde, ils viennent des US. Mais non, mais on se rend compte que les vrais connaisseurs de rétro, il n'y en a pas tant que ça. Tu sais, des vrais. Ben, au Québec, ouais, ça, c'est au Québec, vrai. Au Québec, il n'y en a pas beaucoup. Des gens qui ont développé une expertise. Tu sais, vous deux, là, déjà, c'est quand même assez fort. Puis moi, j'en connais pas beaucoup parce que c'est une grosse mode, le rétro. Ben, moi, c'est ça qui est dommage présentement. Ouais. Il y a des gens qui viennent de se racheter un NES avec Mario Bros puis Duck Hunt puis qui se disent que waouh, hey, c'est des professionnels du rétro, c'est mais tellement c'est plus beaucoup que plus ça, que ça. Moi, je te dirais qu'il y en a beaucoup quand même des connaisseurs, c'est juste qu'ils restent chez eux. Ils vont nécessairement aller faire un site web ou sortir pour dire je connais ça, ils vont être chez eux, ils vont jouer. Puis... Ben, c'est ça un peu qui m'arrive dans mon cas, parce que moi je collectionne puis tout, mais je me considère pas comme le plus grand des connaisseurs, parce que toi je te connais, puis comme je discute avec d'autres gens qui en connaissent comme vachement plus que moi, là, dans pis ces gens-là, ils sont bien underground. Ça, c'est que souvent, ils font juste ça aussi. Ils font juste ça, puis ils restent chez eux. Ils n'ont pas de podcast, ils n'ont rien d'autre, là, ils jouent. Comme moi, c'est un peu ça, je joue vraiment beaucoup, même des fois peut-être un peu trop. Ouais. Sauf qu'à longue, tu viens que t'en connais. Ouais, c'est clair. Puis d'ailleurs, on aura l'occasion tantôt, lors de la discussion, de parler un petit peu plus de ta collection. Pas de problème. Parce que dans le fond, Brian, il passe peut-être pas à TV, là, mais je pense qu'on pourrait. Il serait pas faux d'affirmer qu'il est un peu une vedette de l'underground côté collection de jeux vidéo au Québec. C'est très underground, moi, dire, parce que ça paraît pas tant que ça. Je me sens pas comme une vedette, en tout cas. C'est la première fois, en fait, qu'on m'invite pour parler de ma collection de jeux vidéo. Là. Ouais, ben, c'est peut-être. Parce quand même, le fun, c'est flatteur en même temps, là, remarque. Ah, ben écoute, moi, j'étais super content que tu viennes parce que j'avais vraiment l'impression que, tu sais, comme peut-être un gars qui restait chez eux et qui voulait pas ça, comme, exposer rien ou trop parler de ses affaires ou se montrer à face, tu sais. Ouais. Donc, on est vraiment content de t'avoir. Puis, il y a du monde aussi qui pose des questions, donc on va tout checker ça plus tard. J'ai bien hâte de t'entendre en parler aussi en vrai. Parce que c'est un peu mon idole, toi, là. Oh, ouais. Ce gars-là, il y a des photos là, sur ça. J'ai vu des photos incroyables là, de tout son matos. C'est vraiment vrai. Yes. Donc, voilà. Alors, dans le fond, on va enchaîner tout de suite avec nos jeux de la semaine. Moi, je vais commencer avec un jeu qui était même pas sur ma liste aujourd'hui avant de commencer le podcast. Hier, j'ai téléchargé parce qu'on pouvait télécharger Journey. Ça a l'air super beau. Pas le Bend, là. Ouais, non, pas le Bend. Ni le jeu sur Atari, là, qui est fait à partir du Bend. Pas vraiment ça. Non, je parlais plutôt de Journey, qui est un jeu de Dat Game Company. Puis c'est ceux qui ont fait Flower et Flow. Puis, Flower, c'était pas Suda 51, ça? Non, c'est pas Suda. Non, sinon Flower, la fleur à 5 C'était quoi son affaire à lui, zombie, là, de fleur, je sais de pas trop. Lui, là, de... Ouais, non, ça c'était Flower Rain. OK, excuse. Quoi, là, c'est juste Flower. Mais non, là, c'était juste Flower, puis c'était un excellent jeu de PlayStation Network. Mais là, Journey est sorti hier exclusivement pour les joueurs du PlayStation Plus. OK. Puis ça, c'est le fun parce qu'entre autres, c'est la première fois que je sens que j'ai le PlayStation Plus, puis que ça me donne un avantage parce que. Ben franchement, à part payer un petit peu moins cher mes jeux, j'ai pas senti que j'avais tant d'avantages que ça. Ouais. Fait que c'est ça, mais dans Journey, c'est vraiment une expérience. Là. Tu commences, t'es dans le désert, c'est le désert à perte de vue, puis ton personnage se promène au milieu d'un désert pratiquement vide, puis on se rend compte après ça qu'on s'en va vers des espèces de petits foulards qui volent dans les airs. C'est très, comme dirait Denis Talbot, oui. C'est très bucolique. Ah, c'est bucolique. C'est bucolique. Il n'y a pas de pointage, il n'y a pas de rien. Non, là, t'avances. Pas de pointage, mais t'as un but. T'as vraiment un but dans le jeu, c'est d'avancer puis de te rendre plus loin, tout simplement. Puis tu te rends compte qu'il y a comme des espèces de ruines, des espèces de châteaux qui sont là. Puis que tu vas falloir que tu ouvres des portes, que tu ouvres certaines lumières. C'est complètement flou ce que je dis présentement, mais c'est parce que quand tu joues, moi j'ai fait les trois premiers tableaux, c'est flou. T'as l'impression de jouer à une œuvre d'art, mais c'est vraiment un jeu, puis c'est vraiment le fun. Puis c'est fait de façon à ce que ça soit beau tout le temps. Fait que les angles de caméra, tout ça, c'est tout le temps très, très, très, très bien fait. Même que hier, mon gars, là, j'étais ému. Pour une fois de mais plus. Mais toi, t'es là, facilement émuable. Je suis facilement émuable, mais par les jeux vidéo, là, c'est rare que ça m'arrive. Ouais, quand même. Puis là, vraiment, là, il y a une scène, si vous jouez au jeu, vous allez savoir tout de suite de quoi je parle. À un moment donné, on glisse dans le sable, parce qu'on glisse dans le sable comme si on faisait du snow sur des grandes pentes. Okay. À un moment donné, la caméra tourne de côté, puis on voit tout le paysage au loin, puis le soleil est contre nous, c'est à contre-jour, les ombres, les lumières, c'est hallucinant avec la musique qui est impeccable. Moi, j'achète la trame sonore maintenant. OK. Puis c'est juste beau. C'est comme l'affaire la plus belle que j'ai vue sur une console, là. Tu sais, c'est pas beau dans le sens que c'est le meilleur graphisme de tous les temps, mais toutes ces petites composantes-là c'est poétique, qui font le là, jeu, vraiment. C'est ça, c'est poétique, c'est super beau. Flower m'avait fait un peu le même effet, mm-hmm. parce que That Game Company joue plus sur l'émotion puis sur le gameplay que sur le pointage où je vois ouais, mourir ça, ou combien de zombies m'ont mitraillé. Ouais. Fait que, moi, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. C'est très japonais comme approche, puis j'adore. D'ailleurs, la personne qui est à la tête de That Game Company, c'est un japonais, puis il est brillant. D'ailleurs, par rapport aux japonais, je vais juste faire une petite parenthèse. Il y a Phil Fish, le créateur de Fez, qui a dit récemment à la sortie du visionnement du film Indie Game The Movie, un film que vous devriez voir. D'ailleurs, il a dit que les jeux japonais, c'était de la merde. Genre, your game sucks. Il a dit ça aux développeurs japonais. C'est que, faut pas que tu te penses pour un autre, rien qu'un peu, là. T'es un jeune développeur. Ouais. Ton premier fucking jeu est même pas sorti. Puis là, tu dis que les jeux japonais, c'est de la merde. Je trouve vraiment que c'est très prétentieux. Mais là, il a pas sorti son jeu encore, lui, là. Non, Fez est même pas sorti encore. Okay, okay. Ça a l'air bon, Fez. Ouais. Puis moi, je suis sûr que c'est bon. Quand j'ai vu le trailer de ça, moi, je pensais que Fez était déjà sorti puis que c'était big. Non, c'est un jeu qui tarde à sortir. Ça va sortir sur XBLA cet été. Ah ouais. En tout cas, ben moi, en même temps, je trouve ça drôle puis je trouve ça agréable des fois, un baveux comme ça. Ouais. Tu sais, ça en prend du monde qui met du piquant un peu dans la place. Là, c'est sûr. Pas tout le monde qui se flatte tout le temps. Quand t'as pas sorti ton premier jeu, je trouve que voir. Tu devrais quand même te retenir des fois de faire un aussi gros statement que c'est pas rien pareil. Là. Non, c'est pas rien. Imagine, mon gars, t'es au Japon puis tu dis aux Japonais, vos jeux, c'est de la marde. Uh-huh. Tu sais, même les plus grands développeurs de jeux de tous les temps ont jamais dit quoi que ce soit de même. David Jaffe, le créateur de God of War, arrête pas de se mettre les pieds dans la bouche. Il a jamais rien dit du genre, là. Mm-hmm. Tu sais, tu vas pas chier sur tes investisseurs puis sur ceux qui risquent de te donner ta prochaine job, tu sais. Fait que c'est un peu... En même temps, ça lui fait une publicité. Là, lui, présentement, ça lui fait de la publicité. Le monde l'attend. Ce qui est triste pour lui, c'est qu'il y a beaucoup de fans du jeu qui ont subitement arrêté d'être fans. Ah ouais? Parce que, justement, ils ne sont pas d'accord avec sa théorie. Puis, je veux dire, veux pas, là, tu sais, on est trois ici à soir. Puis, probablement que 75% des jeux auxquels on joue sont japonais. Fait que, si on dit que les jeux japonais, c'est de la merde, il ne nous reste plus grand chose. Nintendo, ça n'existe plus. Tout simplement. Ouais. Fait que c'est ça. Je trouvais juste que c'était gros quand même. Mais anyway, tout ça pour dire que Journey, téléchargez ça, c'est malade. Ça sort la semaine prochaine pour tout le monde. Ça coûte 15$. J'ai pas joué encore énormément, mais j'ai rien vu comme ça. C'est phénoménal. Nice. Yes. Great. Alright, ben moi je vais parler d'un jeu NES que j'ai retrouvé dernièrement puis que je suis vraiment content. C'est Monster in My Pocket. Yes. Puis je suis tombé là-dessus par hasard, là, au pawn shop. Je l'ai eu à bon prix parce que j'en ai acheté un paquet en même temps, fait que ça m'a fait un deal. Puis le jeu est vraiment clean. Puis écoute, j'avais joué à ça quand j'étais plus jeune, j'avais loué ça au club vidéo. C'est un jeu qui est sorti, me semble, quand même assez tard, ça, sur le NES, parce que c'est un jeu de Konami. Puis, il n'y a pas de, tu sais, les bandes grises de chaque bord, là, tu sais, il n'y a rien, ça, c'est comme une pochette complète, l'illustration fait toute la boîte aussi, complète, là, avec les jeux plus récents de Konami, c'est comme ça. Ouais. Puis, vous avez joué, vous autres, les gars, à ça? Ouais, moi, j'ai terminé le jeu. Ouais, c'est quand même pas un exploit. C'est facile, hein, parce que... c'est un jeu qui est facile et qui n'est pas tellement long, hein. Je sais pas si tu l'as terminé, toi. Oui. Puis, c'est ça qui est plate un petit peu. Ben, c'est vraiment le fun, ce jeu-là, parce que tu prends un genre Frankenstein ou bien un vampire. Là. Choisis ton personnage au début, hein, me semble, c'est ça. Tu peux jouer à deux en même temps. Pas grand-chose côté gameplay. Ça change absolument rien. Mais tu peux jouer à deux en même temps, par exemple. Ça, c'est vraiment, vraiment ça, le fun. Ça, c'est fun. Mais ce jeu-là, la musique, elle est bonne. Tu sais, le personnage bouge bien, les contrôles, tout. C'est super agréable. Mais, d'un, il est pas assez long, il est trop facile. Puis, je trouve qu'on dirait que c'est un jeu qui a pas été fini visuellement. Moi, je trouve qu'il commence bien. Au début, tu commences dans des environnements gigantesques, vu que tu es plus petit. Vers la fin, je trouve que malheureusement, ils ont abandonné ça. Tu te retrouves moins dans des grands environnements. Au début, on est dans une chambre, tu vois le lit, la rampe d'escalier. Tu descends la rampe d'escalier en courant. Tu vois une grosse clé, un gros radio. Ouais. Ouais. Vers la fin, ils ont un peu laissé tomber ça pour des environnements plus, je dirais, random ou plus simples, peut-être. Moins spectaculaires, si je peux dire. Et puis à chaque boss, en plus, tu sais, il n'y a jamais de background. Là. C'est tout le temps le boss, c'est sur fond noir. Mais je pense que c'est parce que les sprites étaient trop gros aussi. C'est ouais. Pour ça qu'il fallait qu'ils mettent moins de détails dans les environnements. C'est vrai, peut-être. Mais tu sais, on se bat contre une pieuvre à un moment donné, puis elle fait juste comme sortir du plancher. Une fois que tu sais le pattern, ouais. Est super facile. Ouais, super, ouais. Super facile, puis super long, parce que tu peux pas ben la frapper à chaque shot. Là. À la fin, ce qui est cool, c'est que tu bats la grosse télévision que tu vois au début dans l'intro. Ouais, ouais. Ça, c'est vraiment cool, le fun, ça. Parce que c'est ça, tu penses que t'as fini le jeu, puis t'as tué le boss, ben c'est ce que tu fais, mais. Là, whoop, c'est pas fini. Tu es comme un nouveau boss là, qui ouais. Ressort de nulle part, qui est pas ben dur non plus. Mais c'est ça. Non, la musique est bonne. Tout est parfait dans ce jeu-là. À part, je trouve, j'aurais aimé qu'il pousse le graphisme un petit peu plus, tu sais, l'environnement un petit peu plus détaillé. Mais c'est juste le fun. Mais c'est très simple, très court. Tu sais. Ça m'a comme laissé down un peu. Mais moi, j'ai. Parce que c'est ça. On en a déjà parlé de ce jeu-là ensemble, toi, puis moi. Je pense que c'était dans le fameux épisode pété. Qui a scrappé, ouais. L'épisode qui a scrappé. Parce que c'est ça, je me demandais d'où ça venait, Monsters in My Pocket, parce que j'avais déjà vu ça quand j'étais jeune, mais c'était une série de jouets faits par Mattel. Petits jouets faits par Mattel, puis c'était vraiment pas des. Sûr que c'est Mattel, par exemple. Des jouets minuscules. Minute, j'ai Matchbox. Matchbox. 1990. C'est ça, c'était des petites figurines. C'est ça, c'était des tout petites figurines, puis il y en a eu vraiment beaucoup, là. Il y a eu, sept séries. Qui s'échelonne sur une dizaine d'années. J'ai des photos ici. Puis c'est ça, c'était comme des. Ça a l'air cheap au bout. Ouais. Il n'y a même pas. C'est des figurines toutes d'une couleur. Là, c'est t'sais. Comme des espèces de pas petites yeux, figurines pas, en plastique. Pas rien d'autre. Mais c'est ça. Puis c'était comme une espèce de collection. C'était comme collectionner des cartes. Mais je me souviens. Ouais. Je me souviens quand j'étais jeune, j'en ai acheté de ça. Puis le jeu. Veux pas, tu sais, les jeux sur des produits dérivés, la plupart du temps, c'est tout le temps de la boîte. Ouais. Fait que ça, c'est quand même pas pire que ça ait été bon. Ça me faisait penser, dans ce temps-là, il y avait des jeux comme Yonoid ou les jeux de Domino's Pizza ou je sais pas trop quoi. Ben, Yonoid, c'était les mascottes de Domino's Pizza. Il était pas si mauvais que ça, le jeu de Non, Yonoid, il était pas mauvais. Mais c'est par ça, il était bon. Mais c'est ça mon point, dans le fond. Okay. C'est drôle que dans ce temps-là, les grosses marques comme Kids, ça, c'était bon. Super bon. Oui, ouais, c'était pas mauvais non plus. Pas mauvais. Bon. Ouais. Fait que c'est cool. Monster in My Pocket, c'est quand même une bonne surprise. Hein. Ben ouais, c'est une bonne surprise quand même, mais c'est juste pas assez long. Ouais, vraiment. Et on le termine pour l'oublie vite un peu. Ouais, un peu c'est cool. Ça. Disons, mettons, tu le sors une fois par année pour le refaire, pour le ouais, fun. Ouais, c'est ça, parce que c'est un petit jeu simple. C'est ça, tu sais, tu fais ça pour te dégazer un peu en fin de soirée. Ah, c'est ça, tu te donnes des chances quand même, tu te pognes un petit jeu pas trop tard. Mais à deux, ça serait vraiment le fun. D'ailleurs, pour en revenir encore à Tremblant, ouais. Si j'amène mon NES, je l'amènerai ce jeu-là, puis on jouera à deux, je suis sûr que ça va être super le fun. Sûr, tu vas amener ton NES, voyons donc. Ouais, hein? Ben c'est ça. D'ailleurs, je voulais voir qu'est-ce que j'allais amener, il va falloir qu'on en parle. Mais ouais. On jouera à ça. Là. Bon, jouera en passant, notre fameuse escapade à Tremblant dont on parle souvent dans le podcast, on va faire des podcasts directement ouais. Là-bas qui ne seront pas édités. Il n'y aura pas de musique, il n'y aura pas de coupure, il n'y aura pas de jingle. Non. Mais de ce fait, ces épisodes-là vont être disponibles directement après leur enregistrement. Sur notre site, fait que... Ça risque d'être assez gras, là, tu sais, ouais. Parce que ça va se passer en fin de soirée, on va être chaud, il va y avoir du monde en masse, tu sais, fait que ça va ouais. Vraiment être un peu un petit résumé, là, de la journée. On va essayer d'en faire deux, ouais, un exact. Vendredi, un samedi, ah ouais. Puis ça risque d'être assez drôle, là, pareil. Ça va être arrosé pas mal. Donc. Ouais, ouais. Fait que toi, Brian, ton jeu... Moi, je vais vous parler des Flintstones. Le yes. Deuxième jeu fait par Taito qui s'appelle Surprise at Dinosaur Peak. Le premier était-il fait par Taito aussi? Oui, oui par Taito. Je pense qu'il est sorti en 90, le premier. Il s'appelait The Rescue of Dino and Hoppy. C'était pas mauvais, ça. Non, c'était pas mauvais. Il y avait un bon gameplay, un bon level design aussi. Le deuxième est sorti en 94. Okay. Imaginez-vous 94, ben ça, c'est dans le temps que le Super Nintendo était populaire. Ben, c'est ça. T'avais des gros jeux comme Super Metroid qui sortaient, A Link to the Past. C'est malade, ça, c'était sorti sur NES. Ouais, c'est sorti sur NES, wow. Le jeu des Flintstones. Ben, imagine que Taito, ils ont jugé qu'il y avait encore un marché pour la NES. Ouais. Ouais, c'est la licence aussi, quand même, les Flintstones, ça attire un certain public. Ouais, puis je trouve qu'ils ont fait une belle job pour recréer l'univers des Flintstones, des pierres à feu, en fait, comme qu'on connaît ici. En 8 bits, on reconnaît bien les personnages, on reconnaît Fred, on reconnaît Arthur. Puis ce qui est le fun, contrairement au premier jeu, c'est que maintenant, on peut jouer avec Arthur aussi. Parce que dans le premier, on pouvait juste jouer avec Fred. On peut jouer avec les deux en même temps? Oui, on peut changer instantanément en appuyant sur le select. Ah, OK. Donc, c'est vraiment comme dans Castlevania 3. Là. Oui, mais Castlevania 3, c'est un peu plus long. Ça prend 2-3 secondes, mais dans Flintstone, c'est instantané. Là, tu peux faire un saut, puis changer. Ouais, la Castlevania, c'est pas genre, il se téléporte, il y a une espèce de petite ligne horizontale. Ouais, ça prend 2-3 secondes, l'autre qui apparaît, là. Mais dans Flintstone, comme je disais, tu peux sauter, puis changer pour Arthur. Ah, ben ça, c'est en cool. Pendant ton saut, tu as des skills de plus que. Ouais, en fait, Fred, il est plus fort, il frappe avec un bâton, puis Arthur, lui, il tire avec un tir-roche. OK. Mais il fait moins mal, mais il a une plus longue portée d'attaque. OK. Puis, il y a certains boss que tu vas devoir prendre Fred et Arthur pour les battre. Est-ce que, comme Fred peut mourir, puis pas Arthur? Ah, si Arthur meurt ou Fred meurt, c'est les deux qui meurent. Okay, okay, c'est ça. Dans le fond, Fred est dans... Non, c'est ça, Arthur est dans Fred. Ouais, Arthur est tout petit, puis Fred, il est super gros. Ça, c'est Arthur qui est dans Fred, ouais. C'est comme des poupées russes, tu sais. Aussi, ça, je vous en parlais parce que j'ai récemment réussi enfin à trouver la cassette. OK. Ils disent que c'est la deuxième cassette US la plus rare sur Nintendo. Wow. Ah ouais, la deuxième? C'est quoi, c'est la première, c'est pas un grand tirage? Non, même pas, c'est Nintendo World Championship la première. Ah ben oui, super ben connue. Okay. Ouais. Puis, ça, c'est la deuxième, vraiment? Ils disent ça. OK. Mais c'est-tu vrai? Je sais pas. Mais c'est ce que je lis un peu partout, c'est la deuxième plus rare. Ça, c'est quand même assez un exploit, là, parce que des jeux de même, ils en passent pas souvent. Ben, c'est qu'il est sorti seulement dans les blockbusters à l'époque. OK. Donc, si t'allais chez à l'époque, c'était quoi? C'était Zellers avec Kmart. Ben, il n'avait pas les Flintstones. Là. C'était juste Blockbuster qu'il l'avait. OK. Fait que c'est pour ça que la cassette est rendue assez rare aujourd'hui. Et aussi parce qu'au Québec, on n'avait pas ça, des Blockbusters. Non, c'est ça. Mais il y avait des petits clubs vidéo qui avaient quand même la cassette malgré tout. OK. Oh. Je sais pas comment ils ont fait. Sûrement qu'ils l'ont importé. Ouais, ils sont allés l'acheter aux États puis ils l'ont ramené c'est ici ça, pour ils l'ont un loué. Club vidéo. Genre. Ouais. Aïe, aïe. Mais faut dire, c'est ça, tous les jeux qui sont sortis à la fin de la NES, tu sais. Dans le fond, tous les derniers jeux de la NES valent comme plus cher. T'sais. C'est vrai, comme tu disais tantôt, pour Little Samson, Panic Restaurant, ces jeux-là. Ouais. Tous ces jeux-là, c'est ceux-là qui reviennent toujours dans les jeux. Les, c'est comme, vrai. Puis, si tu es indiscret, t'as demandé comment t'as payé ça. Ben, en fait, je voulais l'acheter il y a 2-3 ans. Sur eBay, était à peu près, juste la cassette loose, était genre 100-150$. OK. Et je voulais pas l'acheter à ce prix-là, je trouvais ça trop cher. Ouais. Puis aujourd'hui, il est rendu à se vendre 500 sur eBay, juste la cassette. Oh. Wow! Puis, j'ai passé une pub sur le CCJVQ. J'ai dit que j'offrais 300 pour, puis il y a une personne qui a décidé de la vendre pour 300. Fait que je l'ai acheté. Fait que tu l'avais pas acheté à 150 dans le temps? Non, puis je l'ai regretté. Je trouvais ça trop cher avant ça, mais aujourd'hui, j'aurais dû l'acheter. Fait que là, t'as ça, loose. Quand on dit loose, c'est juste la cassette. Juste la cassette. Parce que le manuel puis la boîte, vu que c'était des jeux qui étaient disponibles. Ça doit monter à 700, genre. Non, une copie complète, c'est près de 2000 sur eBay maintenant. Ah, complète, ouais. Shit! Fait que, OK. Parce qu'à l'époque, les blockbusters, veux pas, c'était surtout des clubs vidéo, fait qu'ils louaient. Ouais. Fait que souvent, la boîte, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils apprenaient puis achetaient. Ouais, c'était comme une espèce de petit boîtier transparent. C'est ça, il louait ça là-dedans en place. Fait que la boîte, puis surtout le manuel, sont très difficiles à trouver. Oui. Juste le manuel, je pense qu'il part pour 400 ou 500 sur eBay. C'est fou, pareil. Sur une affaire des Flintstones, en plus. On s'entend que les manuels qu'ils ont fait vers la fin, ils faisaient vite. Là, c'était rien que du texte, mais souvent, là, t'avais pas des beaux petits artworks à rien, là. Ah ouais. Ah, c'était un art, les manuels avant. Là. Je me rappelle le manuel de Metroid, je sais pas si vous l'avez vu. C'était Zelda, Icarus, c'était des beaux manuels à l'époque. Ouais. Ben, ils faisaient des petits dessins, on dirait homemade un peu. C'est là, ça, c'était des beaux petits dessins. Fait que tu voyais les ennemis en dessin, puis tu regardais ça dans le jeu, c'était pas pareil pantoute. Non, c'est ça. C'était cute pareil d'avoir les dessins. Ben, c'était comme le design des personnages, comme moi, je me souviens surtout de ceux-là de Castlevania. Et c'était... Ouais. Il mettait une coupe de monstres, là, puis une coupe de boss. Tellement beau, là. Ouais. C'était justement des super bon belles temps. Illustrations. T'étais content, c'est ça. Tu regardais ton manuel. Là, ah! Là, t'avais hâte de voir les ennemis dans le jeu, à quoi ils ressemblaient. Mais ils ressemblaient pas tout le temps à ça, non? C'est clair. Ah non, moi, je me souviens des raids de char avec mes parents. Tu reviens, tu t'achetais un jeu, tu checkais ton manuel, mon gars. Tu checkais ta boîte, c'était tellement trippant. Mais à ce prix-là, tu joues quand même, là? Ouais, ben, c'est sûr que quand je l'ai eu, ben moi, je l'avais déjà terminé en émulation avant. Ah, OK. C'est sûr que le fait d'avoir la cassette, tu te dis, gars, je vais y jouer à ce temps que j'ai la cassette. Ah, là, ouais. Je l'ai fini genre 3-4 fois ces derniers temps. OK. Je te dirais même qu'à quelque part... ton achat, 100$ la game. C'est ça, je me suis dit, à quelque part, j'aime un petit peu plus le jeu, puis je sais pas si je l'aime plus parce que j'ai la cassette ou si je l'aime plus parce que j'ai juste plus joué, puis je l'aime plus. Ouais, ben c'est un peu légendaire, ce jeu-là, en même temps. Fait que c'est ouais, sûr que ça donne le goût de l'aimer un petit peu plus. Ouais, c'est ça. Ça semble bon, là, quand même. Non, c'est un bon petit jeu, c'est un petit performant moyen. Le seul défaut que je donnerais, c'est que la première fois que tu joues, le dernier tableau, il est vraiment plus difficile que les autres avant. Genre, ça m'a pris plus de temps à mémoriser le dernier tableau que tout le reste du jeu. OK. Une fois que tu le connais, il est hyper facile, par exemple. Il y a combien de niveaux dans ce jeu? Il y en a à peu près 5 ou 6. C'est vraiment très court, là. OK. Je veux pas me tromper, peut-être qu'il y en a 7, là, mais c'est vraiment mais court. Mais quand même, c'est assez court, là. Ouais, c'est pas... ça. C'est fini vraiment rapidement, ce jeu-là. Une fois que tu le connais bien, c'est genre 30 minutes. OK. Wow. J'ai fait un survol d'ailleurs sur YouTube de ce jeu-là. Okay. Ah ouais? Tout le monde qui veut le voir. Ah. Je savais même pas que tu avais un YouTube channel. Ouais, c'est Brian5555. OK. Ben là, on va te linker sur notre blog. Ben oui, on va mettre ça. On va aller voir ça. Yes. Moi, le prochain jeu que je vais vous parler, je vais parler de Warp. J'ai fait la critique ce soir à Monsieur. C'est quoi Nett. Ce jeu-là? J'ai aucune idée. Là. Ben, Warp, c'est un jeu qui est développé par Trapdoor, qui est une compagnie montréalaise. Okay. D'ailleurs, Trapdoor, c'est la compagnie derrière Fez, que j'ai parlé tantôt avec Phil Fish qui engueule des Japonais. Ouais. Ça tient, man, ce soir. C'est de la magie. C'est cosmique. Fait que, non, c'est ça. Puis Warp, ce que c'est, t'es un espèce de petit martien qui se fait capturer par des scientifiques. Puis tu te retrouves dans un labo où on t'examine. Puis tu vas après ça, ils vont faire des tests sur toi. Donc t'es dans une espèce de pièce. Puis là, t'essayes de te sauver de ce labo-là. Puis tu retrouves des habiletés que tu avais auparavant, des pouvoirs. Puis ton pouvoir principal, c'est de te téléporter. Fait que tu peux te téléporter, mais juste à une petite distance. Fait que si tu es sur le bord d'un mur, tu peux te téléporter de l'autre bord du mur. OK. Ce qui arrive, c'est que ça fonctionne, sauf qu'il y a ce qu'on appelle en anglais des sticky controls. C'est-à-dire que tu as une mire pour savoir où tu vas te téléporter. Mm-hmm. Puis quand tu tournes autour de toi à 360, tu as l'impression que cette mire-là est... C'est saccadé, c'est comme si tu avais 10 ou 12 directions prédéfinies. OK. Fait que des fois, ça donne des résultats très agréables, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que, tu sais, il y a juste des trucs comme ça qui marchent moins bien, mais par contre, le jeu, c'est un bon jeu de puzzle. Il va falloir que tu saches comment sortir des pièces, puis comment te rendre d'une pièce à une autre, parce qu'il y a aussi des humains qui vont te courir après avec des fusils. Puis évidemment, tu peux pas juste t'en aller en avant d'un bonhomme, il va te tirer. Fait qu'il faut que tu le surprennes par derrière, tu rentres dans l'humain, tu te téléportes dans l'humain à l'intérieur, puis tu le fais exploser. Ah. C'est assez violent pareil. C'est Nightcrawler ce personnage-là finalement, non? Oui, c'est vrai, c'est Nightcrawler. C'est vrai. Puis ce qui est plate aussi dans les contrôles, c'est que le contrôle pour détruire un ennemi ou un objet de l'intérieur, c'est de bouger ton joystick sans bon sens pendant un certain temps. Ça, dans les jeux vidéo, tout le monde est écœuré de faire ça, des ronds de cercle puis des ronds sans arrêt. Tu sais, on fait juste penser à God of War, les espèces de mini-jeux où il faut que tu fasses un rond tout le temps. Tu manques tout le temps ta shot, ça t'écœure tout le temps. Fait que ça, c'est fatigant, tu le refais souvent. Puis en plus de ça, le jeu, tu vas mourir souvent. Puis à toutes les fois que tu meurs, il y a un loading, un temps de chargement de 5 à 12 secondes, dépendant de la zone où t'es. 12 secondes? Ça va tuer le jeu vers la Quasiment aussi pire que Castlevania, Lord of Shadows. C'est assez poche, ça. Ah ouais, hey, c'est vraiment c'est long, poche. Là. Ah, la musique qui part, là. Wesh. Non, c'est assez gossant. Fait que c'est ça qui est dommage, parce que le jeu, il est vraiment bien fait. Les puzzles sont bien pensés, sauf que les contrôles, puis le fait qu'il y ait souvent de chargement, ça finit par t'écœurer, puis ça finit par avoir raison de toi, tu sais. Ouais. Fait que moi, ce soir, à Monsieur Nell, j'ai donné un 7 sur 10. C'est quand même un bon jeu. C'est généreux. C'est généreux, mais c'est parce que j'ai quand même eu du fun avec. Malgré toutes ses faiblesses, ce jeu-là, c'est quand même un bon jeu. Tu sais, tu vas jouer une fois, tu vas le terminer, puis tu vas avoir eu du fun, tu sais. Malgré les faiblesses, tu vas avoir eu du fun. Sauf que tu y rejoueras plus jamais après. Okay. Fait que c'est pour ça que j'ai donné un 7, tu sais, c'est quand même un bon jeu, mais tu vas payer 10$, tu vas jouer pendant 4 heures, tu vas le laisser tomber. OK. Fait que c'est ça. Pas un grand jeu, mais un bon jeu. Oh. T'as de la jeu. Cool. Ben moi, je vais enchaîner avec un autre de mes classiques d'enfance que j'ai retrouvé aussi. Puis je suis ah, c'est content. Un autre de mes classiques d'enfance aussi. Moi, avec. Je trippe, c'est, c'est un peu le même genre de jeu que Monster in My Pocket, au sens que ça joue les deux en même temps. C'est un jeu de NES très facile, pas assez long. Et c'est Chip and Dale Rescue Rangers. Donc, les rangers du risque. Ouais. C'est ça que tu allais dire, c'est le même genre de jeu parce qu'on joue aussi dans des environnements gigantesques ben, par rapport vrai. Aux petits personnages. C'est en plein ça aussi. C'est un petit, ton sprite est très, très petit là-dedans. Ouais. T'sais. Puis, tout est gros dans le fond. Tout, tu joues dans un restaurant où est-ce que tu fermes des robinets. Ouais. Tu es dans des arbres. Tu es dans une... écoute, tu es partout là, finalement. des égouts, une cour. Tu ramasses des pommes, tu ramasses du stock. Ouais. L'environnement est super grand, tu sais. C'est un jeu de Capcom, la musique est super le fun, bien sûr. Tu sais, c'est dans le temps des bons jeux de Capcom. Là, ben, de, les bons jeux de Capcom de Disney aussi. De Disney, c'est ça que je veux dire. Tu sais, DuckTales, bon, ça, ouais. Mickey Mouse Cupid. Mickey Mouse Cupid, c'est Hudson qui l'a développé. Ouais, crois, Mickey Mouse Cupid, il est pas bon. Il est pas bon, moyen, aller, mais c'est puis... pas Capcom qui l'a développé. Non, Capcom l'a publié. Ils ont fait The Little Mermaid, ils ont fait oui. Little Nemo aussi. Ouais. Mais ça, c'est pas Disney, par exemple, Little Nemo. Ah, ça, je sais pas, par exemple. Non, c'est une création anglaise, il me semble. Ah, okay, c'est d'ailleurs un excellent bon mais film. Mais il est bon, hein? Little Nemo. Mais le jeu Little Nemo, ouais, je l'ai. C'est bon, c'est un bon petit jeu. Hein. Ok, moi je pensais que c'était Disney, tu vois. Non, mais on aurait pu y penser parce ouais, que c'est tellement tout dans la même veine. Oui. C'est vrai, Little Mermaid, je l'avais oublié, mais ça rentre dans la même gamique que tous ces autres jeux-là. Mais Chip and Dale, c'est vraiment cool. Dans le fond, c'est pas compliqué. T'avances, tu ramasses des boîtes, tu tires des boîtes sur le monde, puis tu te rends jusqu'au bout. Il y avait pas un moyen, il y avait Chip, puis t'avais Dale, puis tu lançais Dale. Ouais, tu peux c'est le lancer. C'est pourquoi j'ai ce souvenir-là. Ça, c'est quand tête, tu joues à deux, tu peux faire ça. C'est ça, c'est quand tu joues à deux que tu peux faire ça. Tu joues à deux en même temps, mais en même temps, quand tu le fais tout seul, tu peux aller partout quand même, il me semble. Okay. Donc, de jouer à deux, puis de lancer l'autre, ça te permet ça pas comme d'accéder rien. À des places qui seraient pas possibles quand tu joues tout seul. Non, c'est vrai. Mais non, mais c'est super beau, c'est super le fun, mais c'est encore une fois très court parce que c'est très facile. Moi, ce que j'ai aimé de ce jeu-là, c'est que c'est quand même rapide le gameplay. Ah, c'est, tellement! Tu contrôles hein? vite, mais en même temps, le jeu est pas difficile. Ouais. Mais c'est vrai parce que ça m'a, quand j'ai rejoué, ça m'a surpris la vitesse à laquelle les écureuils avancent puis qu'ils ramassent les boîtes puis qu'ils lancent les boîtes. Ouais. Là. Ça va c'est super vrai que c'est vite. Rapide. Puis ça, c'est. Ben, tu sais, d'ailleurs, tu passes les tableaux bien vite avec ça, là, mais. Les boss aussi sont bien faciles. Là. Ouais, 3-4 ouais. coups, ils sont morts. Là. Ah, vraiment. Il y a le boss final qui est quand même un petit peu plus difficile vu que. Il y a comme un save spot. Là, où est-ce que ouais, tu c'est tirais? Vrai. Je ne l'ai pas retrouvé. Ça, j'ai joué hier justement. Je n'ai ah, pas ouais? retrouvé le save spot. Ah, c'est comme. Il te lance des centres de cigares. Là. Ouais, il y en a 4, c'est après le deuxième. Là. Okay, c'est ça. Mais c'est vrai, les boss, là, c'est une vraie joke là-dedans. Là. Ah oui. Mais non, c'est écoute, j'ai eu bien du fun. Tu sais, c'est pas un jeu rare, ça coûte pas cher, là, ouais. tu sais, mais je l'avais loué très souvent dans le temps. Puis même si je le passais, tu sais, je le louais pareil. Puis dans le fond, t'as une map aussi où est-ce que tu peux choisir les tableaux que tu vas faire. Ouais. Il y en a que t'es pas obligé de faire, tu sais. Tu peux passer à côté puis aller direct plus loin, là, finalement. Il y a des détours. Bayonet Commando, finalement. Ouais. C'est le même principe. Mais de la carte j'aime que tu les peux faire, passer, moi, là. Ces tableaux-là, pareil, ouais. là, tu sais. C'est drôle parce que ceux-là, on dirait qu'il n'y a pas de boss dans ces tableaux-là que tu peux éviter. Il y a quelques tableaux qui n'ont pas de boss, ouais, c'est vrai. Il y en a quelques-uns. Okay. Mais tu ramasses rien de plus. Tu n'es pas récompensé pour avoir fait le détour. Tu es récompensé d'avoir eu du fun, mettons. Là. Aussi, le jeu, il te donne plein de vie supplémentaire aussi, genre à l'appel. Oui, hein, tu finis le jeu. Tu ramasses comme des. Ah, tu finis avec 20 vies, genre. C'est... Ouais, quasiment, là. Mais c'est vous dites que le jeu est facile, en même temps, le public, c'était les enfants, tu sais. Ouais. Fait que c'est sûr que ces jeux-là, c'est comme Monster in My Pocket, le public, c'était les enfants de 7 ans, tu sais. Mm. Maintenant, un enfant de 7 ans, ça torche tout le monde à Call of Duty, mais... Ben, je serais curieux de le bloquer sur Chip and Dale s'il serait capable, l'enfant de 7 ans, aujourd'hui. Je vais faire un test avec mon neveu, c'est vrai, je pense. Ça? Je vais l'embarquer là-dessus et je vais dire « Vas-y, mon petit gars! » Ah ouais, montre-moi de quoi t'es capable. Mais je sais qu'il y en a un deuxième, Chip and Dale aussi, Brian. Ah, tu joues au deuxième? L'as-tu? Hein? Ouais, je l'ai hey boy, aussi. Tu l'as. Ouais. Y a-t-il quelque chose que t'as pas? Il y en a pas mal, j'ai pas aussi. Il est rare, lui, non? C'est un peu plus rare maintenant, mais à l'époque, il était pas si cher que ça. Maintenant, il est rendu beaucoup plus cher, mais il ressemble au premier, c'est le même gameplay. Il y a du monde qui l'aime un peu moins que le premier. OK. Un peu moins inspiré, peut-être. Moi, je l'ai bien aimé le deuxième aussi. Ouais. Les graphiques sont vraiment très beaux dans le deuxième. Meilleur que dans le premier? Ou Semblable, une petite coche plus beau. Tu vois que la barre était mise un petit peu plus haut pour les graphiques. OK. Moi, je ne l'ai jamais vu en vrai jeu. Là. Comme, j'ai l'impression qu'il est sorti plus tard. Il n'est pas sorti genre à la fin de la NES un peu, lui ah, aussi? Mon Dieu, tu penses de quoi, là? Il est sorti plus tard, c'est ça sûr, un petit peu, mais il n'est pas nécessairement sorti très tard, me semble. Je peux me tromper là-dessus, par exemple. OK. Je ne peux pas dire n'importe quoi non plus, mais... C'est un jeu que tu as payé cher, ça? Ouais. Non, je l'ai acheté à l'époque, je pense, une dizaine de piastres. Ah, j'ai ouais. Chanceux. Ah, j'aimerais ça l'avoir, man. Il va falloir que je l'achète. Le pire, c'est un jeu que tu pourrais trouver en boutique, genre pour pas cher, on sait jamais. Ah ouais, tu penses tant que ça? Ouais, pensais, j'avais l'impression que c'était plus rare que ça, moi. Ah ben, je vais checker ça, certain. Cool. Parce que Rescue Rangers 2, là, comme de fait, c'est chien. Sorti par Capcom en 93. Ouais, c'est ça. Ça s'appelait Chip and Dale Rescue Rangers 2. That's it, that's okay. All. Fait que quand même sorti vers la fin de la vie de la console. Que, ouais, ça a achevé. Ça a achevé. Eh ben. Yeah. Cool. Fait que on est rendu où, Brian? Prochain jeu, Brian, okay. Ouais. Là, je vais parler de Rule of Rose. En fait, c'est toi qui m'as suggéré de parler de Rule of Rose. Ouais. Ben, c'est toi qui voulais en parler au départ. Oh non, je suis bien content d'en parler. C'est un jeu qui est pas tellement connu. Tu sais, quand on parle de Survival Horror, on parle de Resident Evil, on parle de Silent Hill. Ouais. Mais Rule of Rose, on en parle pas souvent. Puis je trouve que c'est un bon jeu d'horreur aussi. Contrairement à Silent Hill, c'est un petit peu moins gore. C'est surtout l'aspect psychologique qui est mis de l'avant dans Rule of Rose. Mm-hmm. Je te dirais que le seul défaut du jeu, c'est que les contrôles sont pas excellents, mais une fois que tu passes par-dessus ça, l'histoire, les personnages, c'est vraiment excellent. Ça raconte l'histoire de quoi? C'est une jeune fille qui se retrouve dans un orphelinat. On la voit, elle a à peu près 19 ans. Elle va dans un orphelinat où elle a l'impression qu'elle l'a déjà été avant. OK. J'explique peut-être mal, mais ça ressemble à ça, l'histoire. Puis les petites filles là-bas, ils ont tué son chien. L'histoire est compliquée. Honnêtement, je suis pas capable de la raconter. L'histoire est compliquée. Il faut vraiment y jouer. OK. Parce que c'est tellement suggestif que c'est toi qui tires toi-même les conclusions sur ce qui est arrivé. Ah ouais. Fait que c'est pour ça que d'expliquer l'histoire, ça serait trop aventureux pour moi de m'embarquer là-dedans. Là. Fait que non, c'est ça. C'est l'histoire est vraiment bonne à ce niveau-là. C'est... Ça, c'est sur PlayStation 2. PlayStation 2. Ouais. Développé par Atlus. Atlus, il est rendu. Non, c'est pas Atlus qui l'a développé. Non, c'est pas Atlus qui l'a développé. Mais Atlus l'a publié. Ouais, c'est ça. Malheureusement, maintenant, il est rendu un petit peu dispendieux. Oui. Mais, il a monté à quoi, là? 80$? 9 sur eBay, c'est 100$. OK. Hey, parce que, mais en tout cas, je check les images, là, puis c'est creepy, hein, ta bande. Ben, c'est pas sombre comme Silent Hill, c'est vraiment. Non, mais c'est. Psychologique surtout. Je pense que c'est le jeu qui réussit le mieux à créer un effet de. Comme on dit en anglais, Near Dead Experience. OK. C'est le jeu qui réussit le mieux à créer cet effet-là, selon moi. OK. Là, parce que la petite fille, comment je peux dire ça? Elle voit comme l'orphelinat où elle était avant, puis elle mélange ça avec un zeppelin, un ballon dirigeable où elle a été aussi, puis il y a eu un accident, en tout cas. Okay. Tu vois comme les deux endroits comme mêlés ensemble, tu vois des pièces d'orphelinat dans le zeppelin, etc. Ah ouais. C'est okay. L'expliquer, mais c'est fucké. T'es tordu. Ouais, c'est ça. Hey, j'ai le synopsis ici, parce que j'aimerais ça vous le dire, parce que moi non plus, je connais pas le jeu, puis là, je suis super intéressé à y jouer. C'est un jeu qui est sorti en 2006, premièrement, sur PlayStation 2, le 12 septembre 2006. Donc, il doit être quand même pas trop dur à trouver pareil. Le joueur incarne Jennifer, une jeune femme qui est menée à un manoir abandonné par un petit garçon. Après avoir vécu un événement traumatisant, elle se réveille dans un aéronef presque abandonné, mais qui est dirigé par un groupe d'enfants cruels appelé le Club des aristocrates du crayon rouge. Menacée de mort, Jennifer doit calmer les aristocrates en leur trouvant une offrande chaque mois. Ce faisant, elle doit rassembler des indices et se rappeler les souvenirs oubliés qui lui permettront à la fin d'échapper à leur emprise. C'est super compliqué. Je suis certain que tu lis ça et tu comprends rien. Là. Je comprends absolument rien. Ça, je ne suis pas capable d'expliquer là. L'histoire. Puis le pire, je ne me suis pas préparé rien. Moi, je pensais qu'on en parlait juste comme ouais, ça. C'est je ça me suis qu'on pas préparé, on en parle là, de même. C'est juste que c'est... moi, je n'avais jamais entendu parler du jeu. Puis je fais juste... J'ai juste ça, regardé quelques images. C'est un gars qui a fait un texte. C'est supposé être clair, mais on ne comprend rien malgré ouais, tout. On comprend tellement rien, mon gars. Là. C'est. Waouh. Le pire, c'est qu'en juin, la plupart du monde, je pense, ne comprendront pas l'histoire. Après avoir fini le jeu, ils vont dire qu'est-ce qui s'est passé. Puis c'est vraiment en allant sur Internet, en lisant sur des sites comme ruleofrosemysteries.com que tu vas apprendre sur le jeu. OK. Ça, c'est un peu malheureux parce que moi, quand j'ai fini le jeu, je l'avais trouvé so-so, puis c'est en lisant sur le jeu que j'ai appris à l'aimer plus. Ouais, c'est ça. C'est ça, parce que ça a l'air, ils disent aussi une polémique autour de son contenu a rendu les éditeurs frileux dans certains pays où, pour certains, le jeu n'a pas été publié. Ouais, c'est parce que c'est des jeunes filles, ça traite un peu de lesbianisme, c'est très okay. Subtil, ça laisse sous-entendre des choses des fois. Aïe, aïe. Wow! C'est assez intéressant, ça. Parce pareil, que ce jeu-là. Au Japon, c'est Sony Computer Entertainment qui l'éditait. Puis aux États-Unis, c'est Altus. Atlus. Pourquoi c'est écrit Altus? Puis en Europe. C'est moi qui c'est... l'ai écrit. Ouais, c'est ça. En Europe, c'est Digital Bros, puis le développeur, c'est Punchline. Un développeur que je connais pas en tout. Non, je pense qu'il n'existe plus aussi aujourd'hui. C'est ça. Punchline? Wow. Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont fait d'autre? Ils ont fait Chulip sur PS2. OK. Avant ça, il y avait un autre nom, cette compagnie-là. Je me souviens pas du nom, malheureusement. Ils ont changé de nom à un moment donné pour Punchline. OK. OK. Aïe, aïe. Bref, la dernière fois qu'on a entendu parler de ce jeu-là, c'était sur le site Siliconera. Puis Atlus expliquait ce qu'est Rule of Rose. Ouais, parce que c'est pas évident. C'est ça, parce que c'est vraiment pas évident, là, finalement. En fait, chaque personne tire ses conclusions sur qu'est-ce qu'il vient de jouer, qu'est-ce qu'il pense, selon ce qu'il a vu, selon ce qu'il a entendu dans le jeu. C'est fort pareil. Ouais, c'est hâte, hein? C'est comme un film. C'est comme un film, là, carrément. C'est comme un film. C'est comme Silent Hill un peu. T'sais, Silent Hill, c'est. Oui, il y a du gore, il y a du sang, mais c'est psychologique aussi pas mal. Ouais. Certain qu'il y a bien des gens qui ont joué à Silent Hill, s'ils vont lire sur des sites web, ils vont apprendre des choses qu'ils savaient même pas dans Silent Hill. C'est mon gars. Ben là, je vais arrêter de regarder ça parce que là, je suis plus dans le podcast, mais ça m'intéresse au bout. Moi, je vais continuer à lire là-dessus. Mais je suis bien content si ça peut t'intéresser. C'est vraiment, vraiment cool. Crime, checker ça, Rule of Rose. Essayez de trouver ça. Puis, c'était aussi un peu pour Horror Gamer avec qui j'ai tweeté cette semaine. Ouais. Il y avait de l'air. J'avais comme l'impression que c'était dans son genre. Là, ça, ouais. Ça fait que je suis content qu'on en parle. Ah, c'est vraiment cool. Belle découverte. Moi, pour continuer. Je vais vous faire un tout petit blitz de Vita. J'étais supposé parler d'un autre jeu, mais je vais parler rapidement de trois autres jeux parce que c'est des petits jeux quand même. Ben, c'est des gros jeux, mais la dynamique reste pareille. Blablabla. On continue. Wipeout 2048, j'ai commencé à jouer à ça, puis man, c'est malade. C'est vraiment le plus beau jeu de la PS Vita. Là. C'est assez impressionnant, puis ça roule très, très, très vite. Puis je trouve que la difficulté a été améliorée là, vraiment par rapport aux autres Wipeout. C'est plus réalisable. OK. C'est dur, Wipeout. J'ai tout le temps eu de la misère, moi, à ça. Ben, c'est dur, puis ça fait qu'il y a plein de monde qui lâche là, au milieu, qui arrête de jouer parce que c'est trop tough, tu sais. Puis celui-là, je trouve que c'est mieux fait de cette façon-là. Puis aussi, c'est le fun parce que ça garde tout le temps... ça garde tout le temps la traque de ce que tes amis font par rapport à Wipeout. Okay. Fait que moi, je peux voir dans mes amis. D'ailleurs, vous pouvez m'ajouter hein, quand vous voulez sur PlayStation Network. C'est Wolverine 977, mon nick. Puis j'ai entre autres Frank Courchaine qui joue souvent à Wipeout. Puis là, je vois tous ses trophées quand il arrive. Fait que c'est le fun. T'es dans ta game puis tu vois ce que tes autres amis sont en train de faire entre les tableaux. Fait que ça, je trouve que c'est très bien implémenté. Sur la Vita, c'est vraiment phénoménal là-dessus. Ça, c'est très, très bien fait. C'est tout le temps ce que tes amis font. Puis bien souvent, ça t'énerve. Fait que là, tu veux vraiment ça, tu faire un meilleur score. Maudit Franck Courchaine à la marde. Maudit Franck Courchaine. Quatre trophées à soir. Mais non, c'est ça. Fait que je trouve ça vraiment cool. Puis le jeu a été amélioré sous toutes ses formes. C'est vraiment le meilleur Wipeout qu'on a eu jusqu'à maintenant. Puis il se contrôle très bien. Moi, je le contrôle pas avec les mouvements de la PS Vita. Là, parce que j'aime pas trop ça, là, bouger ça avec... Bouger la Vita pour faire bouger mon vaisseau. Ah, j'ai l'impression que ça doit pas être précis. Ben, c'est que ça va bien trop vite. Fait que là, t'essaies de faire un virage, ça marche plus ou moins bien. Fait qu'en tout cas, mais de toute façon, tout ça pour vous dire que je pourrais en parler pendant des heures, mais à la place, je vais résumer ça bien vite. Achetez-le. Essayez même pas le démo. Achetez-le tout de suite. Okay. Puis, c'est bon d'acheter la version physique parce qu'il y a un online pass dedans, une passe en ligne. J'ai remarqué que pour la PS Vita, oui, tu as un rabais quand tu l'achètes digital, mais après ça, tu as comme un 55 et 10$ à payer pour le online pass. OK. Fait que c'est une méga crosse au final. Ouais. Ton jeu te coûte plus cher. Fait que, tu sais, quand j'ai vu ça pour Wipeout, j'ai fait comme, ben là, voyons, je me fais fourrer. Fait que là, je suis allé acheter la copie physique puis la titre. De toute façon, j'ai une carte de 4 gigs, puis avec ma carte de 4 gigs, j'ai pas le choix d'acheter tes jeux physiques. Ouais. C'est ça. Fait que, bref, c'est ça pour Wipeout. Deuxième jeu dont je veux vous parler rapidement une fois de plus, Luminous Electronic Symphony. J'ai participé récemment à la balado légendaire avec Maxime Tremblay, et Mel Boutin-Chartier, une ancienne de Monsieur Net. Mm-hmm. Et puis, Joël Martel était de la partie aussi où on a parlé énormément de la PS Vita. C'était un spécial. Écoutez ça d'ailleurs, si vous voulez, c'est très intéressant. Je suis garanti que c'est très intéressant. Oui, c'était très bon, je l'ai écouté. Très agréable. Puis c'est ça, puis Geneviève, pendant le podcast, m'a donné le goût de jouer à Lumines, elle m'en a parlé, puis c'est vraiment, moi, Lumines, c'est un jeu que j'ai tellement trippé là-dessus sur la PSP, on dirait que j'ai tellement joué que quand j'ai vu que ça sortait sur PS Vita, j'ai fait comme, ah, c'est revenu. Mais tu sais, j'étais comme, je me remets-tu là-dedans, tu sais, je passais des 6 heures, là, à, les parties sont longues à Lumines, parce que c'est un peu comme Tetris, tu sais, tu veux pas mourir jamais. Mm-hmm. Mais ça peut durer là, éternellement, là, puis tu veux pas arrêter ta game, tu vas perdre ton score. Tu sais. Fait que le jeu est excellent, vraiment, ça fonctionne bien. Le tracklist, les chansons sont vraiment bonnes. Puis il y a des petites nouvelles choses comme on peut peser sur notre icône pour avoir un multiplicateur de points. Mais à la base, c'est pratiquement le même jeu de puzzle qu'on connaît et qu'on aime de Lumines. Fait que je dirais que c'est quand même un très bon jeu pour la Vita. Moi, j'ai acheté la version digitale pour celui-là parce que je m'en sac de pas avoir de Online Pass. Puis je pense pas qu'il y en a un pour celui-là. Ils m'ont coûté 34$. Très bon jeu à acheter. Et aussi, je voulais rappeler au monde qu'il y a des mini qui sont disponibles sur le PlayStation Network. C'est quoi ça? Les mini, là, c'est le même... C'est le même principe que le DSiWare ou le WiiWare. OK. C'est des jeux de PSP? Ou XBLA, tout simplement. C'est la même chose que les indie games. OK. C'est des petits jeux. Puis c'est la même chose que le App Store, les apps. Parce que c'est des petits jeux qui coûtent environ 5$ maximum. Là. D'ailleurs, Mighty Flip Champ XD est là-dessus. Okay. Est un mini. Tu peux le télécharger pour ça. Mighty Flip Champs? Oui. Ils l'ont refait? Ils l'ont pas refait. C'est la même version. OK. C'est la même version que WayForward a fait. OK, parce que tu as dit XD, ça m'a comme fucké. Ouais, mais c'est ça, c'est parce que je pense que... C'est parce que je pense que cette version-là, c'est la version HD. Et là, je bouge mes doigts pour faire des guillemets, là, parce que c'est pas vraiment HD, parce que... De rétro gaming, là, c'est des sprites 8 bits. Ouais, c'est ça. Fait que, mais, bref. Version pas floue, en tout cas. C'est ça, version pas floue. Puis, c'est ça, mais il y a des bons mini qui existent sur le store, là. Puis d'ailleurs, il y en a un que je vous nomme même pas aujourd'hui parce que je vais en parler au prochain épisode d'un jeu que j'ai acheté il y a longtemps, puis je vais en reparler. Mais celui-là que je vais vous parler aujourd'hui, c'est Flying Hamster, qui est un jeu qu'on peut retrouver aussi sur iOS. Puis, si vous aimez les jeux comme Gradius, Life Force, vous allez triper là-dessus. Là. Okay. C'est juste qu'à place d'être un vaisseau de Life Force, ben c'est un hamster qui crache de l'eau. Okay. Crache de l'eau et qui crache des noix. C'est super beau graphiquement. Les noix, c'est les missiles, dans le fond. Ouais, puis c'est de ça. L'eau, c'est le pea-shooter. Exactement. Puis, tu peux aussi aspirer des ennemis puis les recracher sur d'autres ennemis. Tout ça est fait en illustration très japonaise. OK. C'est super beau, c'est le fun, ça va vite. C'est un jeu qui coûte, je pense, à peu près 3$. OK. Fait que si vous avez une PS3, vous pouvez jouer. Si vous avez une PSP, vous pouvez jouer. Si vous avez une PS Vita, vous pouvez jouer parce que c'est un mini qui est disponible à PS Vita. Puis il est disponible aussi sur iOS. Moi, j'avais acheté la version iOS. J'aimais pas les contrôles à cause que j'avais pas de manette dans les mains. Ouais. Ah ah, Dominique, tu peux dire, je te l'avais dit, colique. Ouais, c'est ça. Et que ça doit t'arriver souvent pour vous. Et que ça doit m'arriver. Mais ça m'arrive quand même. Ouais. Puis c'est ça. Puis bon, sur la PS Vita, ça joue super bien. Moi, je voulais voir de quoi avait l'air un mini sur la PS Vita parce que la qualité graphique est moins bonne qu'un jeu de PSP ou qu'un jeu de PS Vita, évidemment. Ça sort bien. Il y a un peu de pixels, évidemment. Là. Mais les mini, c'est fait, pas flou. C'est fait à la base pour à la base, les portables. Les mini, c'est fait pour des consoles portables. OK. Sauf que Sony s'est arrangé pour que les mini soient disponibles aussi sur PS3. OK. Quand tu y joues sur PS3, il y a un lissage qui est fait. OK. Fait que le jeu est quand même assez beau, tu sais. Okay. Fait que comme Flying Hamster sur une PS3, c'est quand même assez beau parce que c'est tout du design vectoriel. C'est tout des dessins vectoriels avec des gros traits. Là. C'est des illustrations là, dans le style de Dragon Ball rencontre Hello Kitty. T'sais. OK. C'est vraiment, c'est des gros traits, puis c'est des gros yeux. Puis tu sais, à un moment donné, tu as une vache qui court en avant de toi. Elle se retourne, puis elle pèse sur ses pieds comme une mongole pour te tirer dans la face, tu sais. Ça me fait penser à Earthworm Jim, ce genre de délire-là, tu sais. C'est vrai. Mais bref, c'est vraiment bon, puis tu sais, aller acheter à ça, là, ça coûte rien. Ah, c'est ça. Ça coûte rien, puis c'est super le fun. Fait que, That's it. Toi, Brian, tu joues-tu des jeux, des consoles portables? J'ai une PSP, j'ai une DS, mais je joue pas beaucoup sur portable. J'ai mal aux yeux à longue. Avec les autres, ça n'a pas l'air de faire mal aux yeux trop, là. Mais... Non, ça se passe bien. Non, là, ça se passe bien quand même. Ah, c'était juste moi, quand ça fait trop longtemps, je suis concentré sur un petit écran. J'ai mal aux yeux. Fait que, malheureusement, si c'était sur un grand écran, je jouerais beaucoup plus aux jeux sur portable. Ouais. Mais c'est ça, il y a peut-être une adaptation. Moi, je sais que c'est ça. Les consoles portables, je peux pas jouer aussi longtemps, mettons, qu'une console de salon, tu sais. Ouais. Je vais faire des shots de 1 heure, 2 heures, mais souvent, après ça, je vais arrêter. Moi, mon problème, c'est que je passe 10 heures devant des consoles. Ouais, c'est peut-être ça qui arrive aussi, là. Tes yeux sont habitués d'être grands, ouverts. Ouais, là, tu vois, j'ai comme trop de scènes. On dirait que à force de jouer, je viens les yeux tout petits, puis... Ouais. Ah ouais, c'est ça, là. Ils sont en train de bousiller ton existence. Ouais, c'est ça. Ils bousillent toutes nos Au existences. Moins, ça me permet d'être invité à des podcasts. T'as vu? T'as gagné. D'avoir la bière gratuite. La bière gratuite. La bière avec des filles tout nues dessus. La haute Milwaukee. Je suis vraiment les. C'est genre la bière vraiment pas chère. Mais ça rappelle mon enfance, là, tu sais. C'est ça que j'ai pensé, mais j'ai pas osé le dire. Elle était pas chère. Non, elle est pas chère. On n'est pas de la Wildcat, c'est pas pire. Non, d'ailleurs, là, live, je vais prendre un Instagram de cette magnifique bière qu'on utilise à soir. Toi, Brian, ton ben, le dernier jeu que j'avais choisi, c'était Castlevania 3. Je pense que tu me fais aussi. Plaisir. Que dire sur ce jeu-là? Écoute, après Castlevania 2, je pense que Konami ont compris que les gens avaient peut-être moins aimé Castlevania 2, qui était plus basé sur un jeu d'aventure avec des villages et des personnages avec qui tu pouvais parler. Donc, Castlevania 3 revient vraiment comme le premier Castlevania, avec des tableaux un après l'autre, mais cette fois, tu peux prendre les chemins que tu veux. Tu as des chemins différents que tu peux choisir. T'as aussi des personnages secondaires que tu peux t'allier avec eux autres, ils vont t'aider. Ouais. Comme on disait tantôt, en pesant sur Select, tu peux changer de personnage quand tu veux. Ouais, c'est ça. Ce qui est le fun, c'est que t'as des personnages comme Grand, que lui, il peut sauter, tu peux le contrôler quand il saute. Tu sais, Castlevania, on dit souvent que les contrôles sont pas très bons. Ouais, quand tu payes sur sauter, il n'y a pas de turning back. C'est ça, tu peux pas revenir en arrière. Tandis qu'avec Grand, il est trop tard. Avec Grand dans Castlevania 3, tu peux sauter, tu peux revenir en arrière, tu peux ramper au plafond. Ouais, il saute plus haut aussi. Il saute plus haut, il saute un petit peu plus loin. Ouais, il colle ses murs. Ça, c'était malade, ça, pareil. Ça, c'était hot en tabarouette. Puis ça te montre que Konami, s'il avait voulu faire un Castlevania avec des meilleurs contrôles, il aurait pu le faire, dans le fond. Ouais. Ils se sont juste dit, Ganzo de Castlevania, les contrôles, c'est comme ça. Puis on va mettre des personnages secondaires qui vont se contrôler peut-être mieux. Fond, mais ils se sont pris avec Super Castlevania 4, par exemple. Ou est-ce que Simon, il se contrôlait complètement mieux. De toutes les façons. Ouais. Puis après ça, ils ont comme downshifté avec Dracula X puis Rondo of Blood, je trouve. Mm-hmm. Ben, c'était encore contrôlable, mais moins que Castlevania 4. Ouais, mais moi, j'ai l'impression qu'il revenait aux sources. Je pense que c'était voulu, là, justement. X. Ouais, c'est ça. Ouais, c'était voulu. Je pense que c'est voulu parce que moi, ça me donnait l'impression de jouer au premier où tu sautes, plus. Là, puis t'as l'impression d'être un gros rocher quand tu tombes. C'est vraiment. L'autre, c'était plus fluide, justement. T'avais comme à quelque part, même si les contrôles sont pas parfaits, ça donne une identité à la série. Oui, c'est vrai. Ça se contrôle différemment de contrat, de marée. Oui, ouais. C'est vrai. Mais moi, le troisième, c'est mon préféré à vie de toutes les Castlevania. L'as-tu terminé, le troisième? Non. Parce qu'il est difficile, hein? Il est moi, ça m'a pris du temps là, de le finir. Ça m'a pris vraiment du temps. C'est un jeu que j'ai acheté quand j'étais jeune, distribution consommateur. C'est ma deuxième année de NES. Moi, j'ai eu un NES très tard, tu sais. Ma première année, j'ai eu Bayou Billy puis les Turtles, premier, tu sais. Mauvaise année. Mais l'autre année d'après, j'ai eu Castlevania 3, Blaster Master puis Dr. Mario. Ouais. Là, j'étais en business, là, tu sais. C'est tout des jeux pas faciles à part peut-être Dr. Mario, là. Ben, Dr. Mario, tu sais, ça se finit pas, dans le fond. Ça se joue, donc, mais Blaster Master. As-tu fini Lupin? Je l'ai fini avec un Game Genie. Ah, ok. Avec des vies limitées. Mais en fait, mon seul problème avec Blaster Master, c'est le crabe, le petit crabe à mal. C'est ça, que c'est là que tout le monde arrête ou presque. Je suis pas capable. Ouais. Je réussis avec une manette turbo, genre, mais pas de manette turbo, je suis pas capable. Je pense que le meilleur truc, c'est d'avoir un fusil qui est boosté au moins au level 2 minimum, parce que si tu tires pas assez loin, il va falloir que tu t'approches bien près du crabe. C'est ça, je boostais pas mes fusils. Puis dans Blaster Master Overdrive, que t'as pas aimé, toi, Bruno, je sais pas si tu l'as essayé. Non, j'ai pas joué à lui. Moi, je l'ai adoré, Bruno l'a détesté. Mais faut que tu boostes tes guns constamment là-dedans, là, dans le fond. Fait que ça m'a comme mis ça à traque un peu de boostage de guns dans Blaster Master. Je vais me réessayer en faisant ça. Ouais, pourquoi faire facile quand on peut faire c'est ça, vraiment rough, tu sais. C'était chien, ça. Mais on se faisait frapper une fois, hein, ouais. Tourne au level 0. Commence, tu sais. Ouais, c'était chien en crise. Mais revenons à Castlevania, c'est ça, ouais. Les personnages. Donc, t'as Grant Danasty, d'ailleurs, qui s'appelle, je le sais, parce qu'on ouais, avait le livret, puis c'était écrit dedans. T'as Sifa, Belle Maids. Ouais. On sait pas si c'est un gars ou c'est une fille, d'après le dessin dans le livret. Mais je pense que c'est un gars, parce que dans le jeu, ils disent « him ». Oui, mais à la fin, quand tu finis le jeu, elle enlève sa capine, il y a une grande chevelure blonde bas au vent. Moi, j'ai toujours pensé que c'était une fille. Ouais, c'est ça. Fait que, mais aussi, quand elle se fait toucher, ça fait « ça fait un bruit. Ouais, c'est vrai. Malgré que des personnages dans Bloodline, t'as un personnage qui a les cheveux longs, mais c'est un gars. Ouais. C'est peut-être un gars aussi. Ah, Bloodline, j'ai pas assez joué. Tu parles des personnages principaux. Ouais, t'as Eric, puis un autre, je me souviens pas de son nom. Spike, là, lui qui se bat. Non, pas Spike. Non. Lui qui se bat avec un bâton. Ouais, avec une grande lance. Ouais, c'est ça. Avec une fille un peu. Attends, t'as Maurice. Ouais, t'as Maurice. Puis l'autre, c'est... T'as John Morris, puis t'as Eric Lagarde. Eric Lagarde, c'est ça. Puis lui, il se retrouve dans Portrait of Rune, au DS. Ouais, lui, j'avais son fils, en fait. Non, lui, il est là. Puis Jonathan Morris, c'est le fils de l'autre de Bloodline. Si tu veux faire si tu veux suivre l'histoire de Castlevania, c'est compliqué en tabarouette. Ah ouais, c'est... On l'a déjà fait. En fait, on a fait un podcast. Ben toi, tu t'en viens pas pire, là. Juste à soir, t'es comme le petit Larousse de la famille Belmont. Mais sinon aussi, dans Castlevania 3, il y a Alucard. Alucard, ça, je sais pas si c'est le même que dans Symphony of the Night. Il y en a qui disent que c'est pas le même Alucard. Ah non? Non. J'ai tout le temps pensé que c'était le même. Ben, moi aussi. Il n'y a qu'un Alucard dans ma tête. Ouais, ben c'est ça, c'est le fils de Dracula. Ben c'est ça. Dracula est plié à l'envers. Ouais, c'est ça. Mais moi, je l'aimais moins, par exemple, parce que c'est cool, il se transforme en chauve-souris, mais ça consomme des cœurs. Mais son arme est pas forte. Non, il faut que tu abuses au moins un level 3 pour qu'elle ait une certaine puissance. Puis le personnage, si tu compares à Grant et à Sifa qui peut utiliser de la magie, ben Alucard est un petit peu. C'est sûr que se transformer en chauve-souris, c'est pratique. Là. Ouais. Mais c'est pratique surtout à la séquence où il faut que tu montes. Tu sais, t'as des blocs qui te tombent sur la tête. Ouais, quand tu prends ce chemin-là. Là. C'est ça, il faut que tu montes vers le haut. Avec lui, ça va mieux. Parce que tu te transformes en chauve-souris puis tu vas directement en haut. Ouais, parce que sinon, c'est long, c'est emmerdant. C'est emmerdant. Il faut vraiment que tu fasses la moindre gaffe, sinon tu vas te faire garocher en bas bien souvent. Ben moi, j'ai toujours trouvé à Castlevania 3 qu'il y a deux chemins. Un le fun, puis un plat, tu sais. Le fun étant celui que tu passes où est-ce qu'il y a un bateau, puis après ça, tu fais le bateau, puis là, tu fais comme tous les autres petits tableaux jusqu'au château de Dracula. L'autre, il contourne la mer, genre, puis il passe dans des cavernes. C'est là qu'on pogne Alucard, d'ailleurs. Il passe dans des cavernes. Ouais, avec des sons mouvants. Des sons mouvants. Puis c'est comme plus lugubre, super long. C'est vrai, ça. C'est que je l'aime moins, ça. Puis il est plus difficile aussi, il faut dire. Mais il y a beaucoup d'options de tableaux. Mais moi, je fais jamais le même chemin à toutes les fois. Puis là, j'ai commencé ma run définitive de Castlevania 3 récemment. Parce que t'en avais parlé, je me souviens plus quand, t'en as parlé un dernier rétro nouveau. Ouais. Puis je joue sur Virtual Console, sur ma Wii. Puis c'est le fun parce que justement, tu peux jouer ta game, la mettre sur pause, puis revenir dans 4 ans si ça te tente. Ah ben, il y a un système de password, Bruno. C'est facile. Une H dans A1, un cœur dans B3. J'ai ça, ces affaires-là de password, ouais, c'est ça. C'est tout croche, ça, c'est comme les passwords. Prends ça en note, faut que tu fasses des dessins, man, genre. Moi, j'aimais ça dans le temps, des jeux de NES, qui avaient un password, que c'était un mot que tout le monde peut se souvenir. Ouais, tu sais, comme je me souviens d'avoir joué à un Terminator sur Nintendo, c'était John Connor, le password. Je me disais, c'est parfait. C'est comme dans Castlevania, ton truc de la semaine passée, c'est Help Me. Ouais, ça va être connaissais ça. Fait que c'est génial, ça. Ça devrait tout le temps être ça, des passwords. Non, c'est clair. Le pire, c'est que les jeux qui n'ont pas mis de batterie de sauvegarde, c'est parce qu'ils étaient cheap. Ils voulaient juste pas en mettre, qu'ils ont mis des maudits mots de passe à la place. Ouais. Mais au moins, aujourd'hui, quand on rachète ces jeux-là, on n'est pas obligé de changer les batteries dedans parce qu'ils sont mortes. Ah, mais ça dure assez longtemps, les batteries, quand même. Hein. Moi, j'ai un jeu que, depuis que je suis adolescent, depuis que j'ai 15 ans que je l'ai, je suis rendu à 33, puis la sauvegarde est encore là. Lequel, ça? Wow. Zelda 1. Ah ouais? Ouais, il est tough. Moi, je suis tombé sur un Zelda 1 que la batterie était finie, mais je l'ai racheté une coupe dernièrement pour les revendre, puis il était tout correct. Baseball Stars, c'est bon, Star Tropic, tout est correct. Mm-hmm. Ah, il y en a qui font attention à leur jeu. Ouais, ben, je sais pas qu'est-ce qui fait qu'il y a des batteries qui lâchent puis d'autres qui toffent plus longtemps. Moi, je pense que c'est ça a rapport à l'humidité, la place où tu les mets. Ah, puis moi, c'est humide chez. Oui, c'est humide. Un gars très humide. Chaud humide. Un gars humide. Fait que, ça serait-tu dans ton meilleur Castlevania ou dans Moi, mon préféré, c'est Rondo of Blood. Là, t'avais pas l'air à l'aimer beaucoup. Moi, c'est mon préféré. Non, je l'aime. Ah non, c'est beaucoup. C'est Dracula moins. X, comme qui est, je trouve qu'il est pas pareil. Ouais. Moi, je te parle pas, vraiment de la version Super Nintendo. Non, non, je parle de la version PC Engine. PC Engine, c'est ça. Ben, nous, on est capable d'en parler parce qu'on l'a downloadé sur la Virtual Console. C'est ça. Fait qu'on a pu y jouer, là. Non, je dirais que dans les vieux Castlevania Old School, le 3, ce serait mon deuxième après Rondo of Blood. Ouais. Ah, c'est vraiment bon. Moi, c'est Castlevania 3, puis direct après, c'est Super Castlevania. Ben moi, je mettrais bon Symphony of the Night pas trop loin aussi. Mais Symphony of the Night, là, je l'aime super gros, mais je sais pas, on dirait que je l'ai tellement usé à la corde. Ah, il est vraiment brûlé, ce jeu-là, moi aussi, pour c'est moi. C'est ça, là. Je l'ai tellement joué que maintenant, j'ai comme pas le goût d'y rejouer. Mais pourtant, Castlevania 3, écoute, ça doit faire, là, je sais pas ça fait combien de fois je recommence ce jeu-là sans le finir en plus. Mais je recommence tout le temps à jouer, je veux tout le temps revenir. Je trouve tellement que le système est fiable. Le fait que tu peux changer de personnage. Dans Castlevania 4, c'est le fait de pouvoir t'agripper à des éléments avec ton fouet. Je trouve ça tellement cool. Puis ils n'ont pas refait ça, à part dans le nouveau Castlevania, tu sais, si je me trompe pas, que j'adore. Ouais, que t'aimes pas. Tu l'aimes tout, Brian? Le dernier, là. Lord of Shadows. Ah, celui-là, je pensais que vous parliez de Rebirth sur la Wii, OK? Non, lui, j'ai pas joué beaucoup. Je trouvais que ça ressemblait à un clone de God of War. Je me trompe peut-être. Totalement, je trouve. Là, non, vraiment, sauf qu'ils ont respecté ce qu'est Castlevania, à mon avis. T'sais, c'est sûr que là, c'est dans un environnement 3D et tout ça. Fait que c'est tout le temps plus difficile de faire un parallèle avec les 2D. Mais moi, il garde. Très fiable ce jeu-là. Là. Parce que moi, c'est ça, je dirais, mais mon top 3 de Castlevania. Castlevania 3, 4, puis Lord of Shadows. Ah, moi, ça me prend un top 5, je pense. Non, top 3, maintenant, Symphony suite, of the Night, on the spot. Le 3, le 2 au Game Boy, Belmont's Revenge, qui est vraiment pas à sous-estimer. Là. Il est excellent, celui-là, là. Vraiment, vraiment bon. À ce point-là, Ah, ouais, vraiment. Et là, j'ai de la misère à décider entre genre Area of Sorrow ou ben Dawn of Sorrow. Là, t'as pas le choix de même. Ils ressemblent beaucoup, les deux, hein, sont beaucoup aussi bons avec l'autre, moi aussi. Ah, ouais. Ben, je pense que j'ai plus. Non, moi, je préférais Area, moi, personnellement. Ben, moi, oui, parce que c'est le premier que j'ai joué. L'autre, j'ai trouvé comme plus complet, mais trop de personnages, ça m'a gossé. Je sais pas, tu sais. Bon, tu joues, c'est Area. Area, d'abord. Area of Sorrow. Ton 3, c'est ça. Puis toi, ça serait quoi ton top 3? Moi, c'est Rondo of Blood, Symphony of the Night, Castlevania 3, Bloodline. Et je dirais peut-être Castlevania 1. Okay. Ouais. Castlevania 4 aussi. La 4, moi, je l'ai pas aimé autant que la plupart du monde. Pas aimé, j'ai trouvé que les couleurs étaient ternes pour du Super Nintendo. C'est vrai que les couleurs étaient ternes. La musique était très bonne, par exemple. Ouais. Ah, il y avait son ambiance à lui, là. Il était vraiment unique. Là. Ah oui, vraiment, là. Puis le fait que le personnage soit aussi grand dans l'écran, ça changeait plein d'affaires pour moi. Ouais, je sais pas pourquoi, c'est comme Actraiser, ça a fait ça pour moi. Ah ouais? Le personnage était grand, fait que je tripais plus. Strider, ça a fait la même affaire aussi. Vous voyez-vous, c'est l'inverse. J'ai trouvé le personnage trop grand, justement. J'aime ça quand les sprites sont plus petits, moi. Ouais. Ça permet plus de mouvement, puis tu vois mieux. C'est vrai. Tu vois mieux les environnements autour de toi quand ton personnage est plus petit. Effectivement. Une question de goût remarqué, là. Ouais, mais c'est ça, c'était le changement. Le changement était le bienvenu. Là, c'est ça, c'était bienvenu, c'était Super Nintendo, tu sais. À part le fait d'encore nommer ça un super quelque chose. Ouais, ça, il était dans les premiers quand même, fait qu'on peut. Il n'y a comme pas eu le choix, là. Hey, c'est super Nintendo, là, man. Ah ouais, c'est tout super. Ah oui, vraiment, là. C'est vraiment du super concept. Au moins, on n'a pas eu Super Zelda, c'est déjà ça. Hey, c'est vrai, hein? Ça serait Super plus. Zelda. Super Link. Ah, ça arrête à la recherche de Zelda. Rétronouveau.ca. Ok, moi, cette semaine, sur le site, dernièrement, vous avez pu voir, on a mis pas mal de bandes-annonces de jeux. Il y a eu bien des annonces dernièrement. Mais moi, l'affaire qui m'a le plus marqué, c'est Mario, qui est un mélange entre Super Mario Bros. Et Portal. Ouais, c'est un fan qui nous a envoyé ce lien-là. Non, toi, tu l'avais-tu découvert? Ça faisait 2 jours que je jouais à ça. Ok. Là, il m'a envoyé ça. Hey, les gars, si vous avez pas vu ça, puis tout, puis... J'haïs ça quand je fais ça, par exemple. De quoi, quand ça fait 2 ans... Quand ça fait... Tu sais, quand, mettons, je joue à un jeu, puis là, il y a un gars qui me dit ça. « Hey, man, check ça, c'est super cool. » Puis là, j'y réponds. « Ouais, je sais, ça fait 2 jours que... » Ouais, tu veux pas avoir de l'air prétentieux du gars qui connaît ça. Prétentieux, chiant, genre « Ouais, je sais tout, moi. » Non, je sais pas tout. Puis je suis désolé, je me souviens pas de ton nom. Puis je sais que tu suis rétro-nouveau, mais... merci du lien. Puis n'hésitez pas à nous envoyer des affaires, là, même si j'ai joué puis je réponds que je jouais déjà. Ça veut pas dire à cause que. Ça veut pas dire que t'es pas content de le faire. Ouais, dire, c'est ça. J'aurais pu pas le savoir aussi. Mais anyway, c'est ça, j'aurais pu pas le savoir pareil, mais juste penser que c'est jamais prétentieux puis c'est jamais mal placé, déplacé de ma part. J'apprécie tous les tweets qu'on a. Fait que c'est ça, bref, je jouais à Mario, puis ouais. C'est le fun, c'est un gars qui a développé ça, c'est un fan game, parce que évidemment il pourra pas faire une scène avec ça, parce qu'un peu comme à Bobo, c'est Mario il modifie all the way. Un jeu qui fait des millions, fait que dans tes Mario, puis avec ta souris, tu peux lancer des portails. Ouais. Fait que tu peux cliquer avec la souris de gauche, avec le clic de gauche, tu lances ton entrée, puis avec le clic de droite, tu lances ta sortie. Fait que c'est super le fun, genre t'as un Goomba qui arrive. Ah, c'est ça, tu right-click, puis tu left-click. Oui. Moi, je cherchais, tu comprenais pas. Je cherchais comme un malade, puis ben, là, j'ai comme dit « fuck this game ». Encore une fois, t'as fait « fuck this game » à quelque chose que tu connais pas. Oui, c'est ça. Ben, alors, j'ai découvert finalement que c'était dans le Angry Video Game Nerd là, que ça m'a locké dans la tête, là, ce « fuck this game-là », quand il pogne sa manette, tire ça à terre. Fait que, ben écoute, moi j'ai rien posté d'ailleurs, là, ben très peu de choses. C'est pour ça que j'ai pas vraiment de nouvelles annoncées pour RetroNouveau.ca parce que je suis dans le jus au bureau, puis ma vie professionnelle change beaucoup, puis ça va pas aller en s'améliorant. Donc, j'ai pas pris le temps de jouer plus, là. Quand j'ai vu que ça répondait pas, là, puis que ça me buguait, là, que je trouvais pas le contrôle, j'ai dit fuck this game, je joue pas à ça. Mais, j'ai regardé le démo, par exemple. Oh, oui. Je trouvais ça vraiment nice. Mais, essayez-le, tu sais. Faut le télécharger. Il est disponible, tu sais. Ah, je l'ai téléchargé. Je le vois ici, là, le petit icône, là. Mario qui PC, Linux. Ouais. Mais c'est disponible sur toutes les plateformes, ben, en tout cas tous les ordinateurs. Ouais. Puis c'est juste le fun d'expérimenter avec ça. Juste de fucker le tableau solide. Ouais, c'est ça. Parce que là, tu sais, t'as des Goombas qui arrivent, puis là, tu mets un trou à terre, puis t'es fait sortir en haut, puis là, ils sont comme perdus, ils sont complètement perdus en haut, puis toi, tu sautes là-dessus, puis tu t'en vas les bumper d'en dessous. C'est juste le fun de modifier Super Mario Bros. Ouais, ouais, c'est clair. Ben, c'est pas la première fois qu'on voit ça modifier non. Super Mario. Ben, comme le Super Crossover, mais, là, ben ça, ouais. C'est malade. Mais ce Mario Portal-là, il est quand même vraiment bien fait. Oui. Puis l'animation est belle, tu sais. Puis les sons, c'est vraiment en tête. Puis surtout que, tu sais, des fois, là, tu vas modifier des choses qui vont t'aider à terminer un tableau. Ouais. D'une certaine façon que tu n'y arrivais pas auparavant. Tu sais, comme moi, entre autres, le tableau avec des plateformes quand t'es dans les airs. Mm-hmm. C'est tellement plus facile, là. Ouais. T'attends sur le bord, tu te mets un portal sur la plateforme, tu pops sur la plateforme. Bonsoir, tu continues ton tableau, c'est super facile. Fait que non, c'est vraiment le fun, allez essayer ça, ça coûte rien, puis ça prend quelques secondes à télécharger. Mais tu sais, dans le fond, tu fais un trou en dessous de Bowser, puis tu fais un autre trou en arrière de toi, puis ouais. Dans le fond, il tombe dans le trou, puis il s'en va en arrière de toi, puis tu pars. Ça, faut que je l'essaie, j'ai même pas pensé à le faire, parce que moi, j'étais comme nerveux, j'ai vu Bowser, j'ai le réflexe, là. J'ai couru, j'ai sauté, j'ai pogné la hache. Mais ah, c'est non, une hache. J'ai tout le temps pensé que c'était. Hein? Ben non, c'est pas une hache. C'est une roue qui tourne pour fermer le pont-levis. Là. C'est comme. Ah ben là, j'ai une deuxième opinion qui pense que c'est une hache. Je pense qu'on moi gagne. Moi aussi, je pense là-dedans. Que c'est une hache. C'est une hache. Peut-être c'est juste hache comme tu dis, là. Mais en 8 bits, fait qu'on peut-être mal. Moi, je pensais que c'est comme une roue qu'on. Mettons, un jouet qu'on crinque, là. Tu sais, un petit crinqueux en arrière, là. Ça, ça a deux pattes. Ouais. Mais un crinqueux à quatre pattes qui se tiendrait debout comme ça, que Mario il tourne comme pour enlever un pont-levis, mais tu sais. C'est tellement plus compliqué, comment tu ben l'expliques? C'est compliqué à expliquer, là, mais mettons si t'avais un château, là, toi, là, puis que tu voulais lever le pont-levis, là, tu tournerais une roue. Non, moi, je me dis qu'il pogne une hache, justement, pour couper le pont, parce qu'ils se sont dit, l'explication la plus littérale qu'on moi, je pense que c'est une un roue, pont. Genre, qui fait qu'il enlève le pont, puis... Une hache, man, dans Mario, tu sais. C'est vrai, par exemple, qu'une hache dans Mario, hein. Quand il me semble que ça n'a pas sa dis, place, là. Ouais, c'est vrai, ça n'a pas sa place, mais en même temps, tu sais, ça a-tu sa place qu'il y ait un petit bonhomme qui s'appelle Toad qui est là à la fin de tous les châteaux? Mais non, mais lui, il n'est pas deadly, tu sais. Mario, c'est gentil. Une hache, c'est tueur, tu sais. Il n'y a jamais eu rien d'aussi tueur que ça dans Mario depuis jamais, là. Rien. Ça, c'est un bon point, par exemple. Mais j'ai comme une hache, tu sais, je trouve ça vraiment violent, tu sais, pour Mario, surtout dans ce temps-là. Ça n'a pas sa place. Il faudrait le revoir, le petit sprite de ça. Ouais, hein? Sors ton iPhone, toi, là. Moi, je sors mon iPhone. Hey, là, ça va être dur à trouver les affaires là-dessus. Là. Mario Axe. Puis je suis persuadé que ça existe, man. Mario Axe. Là, je le cherche right now. Le gars Dominique, il va avoir de la misère à chercher exactement qu'est-ce qu'il veut trouver s'il cherche. Ouais, il n'y a pas de nom. Là. Ouais. Moi, je te le dis, mais moi, c'est, je suis dans, c'est je suis dans Google Images, là, puis je vois pas roule, de hache, Mario. Il fait dérouler un pont. Ouais. Tadam! Mais il y a une hache dans les mains ici. Ouais. Ça, non, vu, ça, c'est un anchor. Attends, non, là, j'ai comme plein d'images random, cheap. Puis j'ai pas la hache. Non, écoute, on trouvera pas ça. Ben, regarde, j'ai une image ici, là, mais... OK. Regarde. T'sais, Brian, il peut se lever son micro. Regarde ici, là. Non, vois-tu? Ça a vraiment l'air d'une hache, là. Ben oui, je sais, puis je vous comprends. Mais regarde ici, là, il y a une petite coche qui part par en arrière qui suggère un troisième, peut-être, côté à cette affaire-là, tu sais. Mais c'est vrai que ça ressemble à une hache. Ouais, hein, moi, ouais, je pense que c'est une hache. Ouais, ben, il couperait la man. Petite corde qu'il y a ici, là. Ouais, il y a comme une petite corde avant, ouais, c'est peut-être ça qui coupe. Hi. Ou c'est peut-être, comme tu dis, quelque chose qui fait que ça lève le pont, mais regarde la corde comment elle est courte pour lever un gros pont comme ça. Ouais, c'est ça, mais tu sais, ben, ça serait pas tant pour lever Colin, le pont, mais... J'ai un YouTube, man, puis la personne qui a fait le YouTube, qui est probablement un fan complètement aléatoire, dit que c'est une hache. Ouais. Que ça doit être vrai. Bon. Non, mais minute, je check la fin, le présent. Ben là, c'est... Ben, il clairement fait juste sauter dessus hache, tout disparaît, tu sais. C'est clairement une hache. OK. Mais l'hache, elle a comme deux... Ouais, c'est une hache à deux tranchants. Elle ouais, pareil des deux côtés, là. Ah oh, oui. C'est plus une axe, quasiment, on dirait. Même. Mais moi, je trouve ça vraiment drôle, pareil, que Toad, il soit là à la fin de tous les châteaux. Tu sais, lui, ben, il a fait le chemin, il s'est rendu après Bowser. Il a ben, contourné toutes les maudites bébites qui existaient. Il s'est pas rendu, il s'est fait kidnapper. Là. Mais pourquoi il est là à la fin de tous les châteaux? Ben, il y en a plusieurs, Toad, non? Non, il y en a dans rien Mario Galaxy, il y en a comme des tonnes, là. Des Toads. En tout cas, dans celle-là, c'est des Toads, c'est des Minions, là. Il y en a comme t'en veux, là. Dans celle-là, c'est tout le temps le même Toad. Ouais, ben là, tu peux pas leur demander d'en faire un différent à chaque château, là. C'est Mario Bros. 1, là. C'est louche. Moi, je te dis, ils ont coupé quoi rond, man. Ils ont fait une hache. L'auto, tu penses que c'est un tourniquet. C'est drôle de voir comment est-ce qu'on a vraiment pas la même vision, tu sais, pour les détails là-dedans. Fait que, en tout cas, on veut vos opinions. C'est-tu une hache? C'est-tu une hache? Écrivez-nous ça sur Twitter. Hache, ouais, c'est une roue qu'on tourne, tu sais, pour faire enlever le pont. Là. Ton explication est logique. Mais t'as compris mon explication. J'en comprends tu sais, bien maintenant. Ben maintenant parle, que je l'ai là. Revu, je comprends l'espèce de petit tourniquet, ouais, mettons. C'est un tourniquet là. Que tu tournes, tu sais, puis ça fait. Là, sauf que dans ce temps-là, Nintendo était pas assez cheap pour ne pas faire d'animation de tourniquet. Ce qui me fait penser que c'est une hache. Ouais, mais ben, ils n'ont pas fait d'animation de hache qui coupe une corde non plus. Elle fait juste disparaître quand tu passes de là. Non, ça aurait été. Ça aurait été tough quand même. Ouais. En Mario Brosson, il n'y a presque pas d'animation aussi. Là. Non, c'est ce genre-là. Il n'y en a pas. Okay. C'est vrai qu'il n'y en a fait, pas. Colin, c'est donc bien c'est quand même un des premiers jeux aussi. Là. Ouais, c'est ouais. Ça. Eh boy, on veut des réponses. On veut des réponses. Alors, la série cette semaine, c'est une série dont on va parler. Et puis, c'est pas la plus petite des séries, hein, comme je me suis rendu compte en faisant les recherches, là. Mais je le faisais un peu pour Brian, justement, parce que il est devenu un grand fan de cette série. Devenu un grand fan en 2011, assez en retard. C'est ça, hein. J'ai vu ça sur ton site. On va parler de Tomb Raider. Une série que moi, étrangement, ben, pas étrangement, parce qu'on dirait... C'est drôle dans ce podcast-là. J'arrête pas de dire, on dirait que j'ai joué à rien, tu sais. Ouais, je sais pas à quoi je jouais pendant que Tomb Raider existait, mais je jouais à quelque chose. Hey, attention, rectification, là. Parce que je veux pas que tu passes pour un tweet auprès de tout le monde. C'est Tomb Raider. Parce que si c'était ouais, Tomb Raider, ça serait un jeu de snow ou quelque chose du genre. Ah, right, ouais, Tomb Raider. Ouais. Je veux pas que tu te fasses niaiser, non, Twitter. Ben, ouais. Si c'est Tomb Raider ça. Aussi. Raider, ouais. Ouais, je veux pas que ça fasse comme Dan Vaillancourt avec son Castlevania. Ouais. Ou... Brian l'a dit Castlevania tantôt, par exemple. Castlevania, ouais, c'est ça. Mais c'est parce que ça, c'est des affaires qui s'impriment dans ta tête quand t'es un enfant. C'est ça, c'est quand ça t'es reste jeune. Barré là pour toujours, tu sais. Ouais, c'est vrai. Tu te reposes jamais la question. Tu sais, imaginez-vous, à l'époque, moi, je disais Punch-Out. Punch-out. Punch shoot! Comme mes amis disaient, là, ils disaient tout ça, punch shoot. Là. Fait que moi aussi, je disais punch shoot. Wow. Tu devais être content quand le punch nouveau shoot. Super il punch shoot. Il y en a un qui m'a repris à un moment donné et il m'a dit c'est pas punch shoot, c'est punch out. Il m'a dit de façon bête. Là, j'ai compris. Que... Ah, imagine, t'appelles au Future Shop. Ouais, est-ce que vous avez le nouveau punch shoot pour oui? Il part à rire puis il raccroche. Il dit hey, Michel, viens voir ça. Il y a un gars qui pense que c'est punch shoot. Hey, Michel. J'avais 10-11 ans aussi. Là, ah, mais là, c'est comprenable, là, surtout dans ce temps-là, on avait aucune idée c'était 32, quoi l'anglais. C'est très comprenable aussi. J'ai quel âge, moi, donc? J'ai-tu t'as 30... quel âge, là? Tu t'en souviens-tu? J'ai-tu 32 ou 31? Caline, je te donne 20 à peu près. T'es né, t'es né en quelle année? 79. Moi, j'ai 38. Bon. Ok. Moi, j'ai 34, je suis en 77. C'est-tu pas drôle à quel point? Fait que 77, 34, 33, 32. T'as 32 ans. Ah, c'est là. Moi le genou de la place. Fait que ouais. C'est toi le genou. Fringant. Ouais, très fringant, man. Bon, écoute, on va enchaîner parce qu'on a du pain sur la planche. Mais puis, je vais essayer de survoler ça du mieux que je peux. Puis Brian a joué pratiquement à tous les Tomb Raider. Ouais. Toutes, là. Oui, pas mal toutes. J'ai fini les 5 sur PlayStation. J'ai quasiment fini Underworld. OK. Moi, je les ai toutes faites, toutes finies. Toi aussi, Bruno? Ouais. OK. Tabar. Ben, il a fallu que je les critique aussi à Monsieur Net. OK. Bon, ben écoute, je suis bien entouré. Fait que moi, dans le fond, je vais faire un survol, puis vous me donnerez, genre, les impressions, vos impressions sur les jeux, là. Magnifique. Alors, on va... écoute, Lara Croft, tout le monde la connaît. Oui. J'ai découvert qu'elle était née le 14 février, jour de la Saint-Valentin, mesdames et messieurs. C'est-tu pas... Hey, le résultat de l'amour, c'est ça que ça donne. Ah ouais, c'est clair. Ben... Ouais, en fait, c'est parce que si tu fous la Saint-Valentin, 9 mois plus tard, c'est plus la Saint-Valentin, tu sais. C'est vrai. Il faudrait que tu fous 9 mois avant. Ça marche pas. Fait que c'était gagé, en tout cas. Ouais. C'était prévu. En tout cas, whatever. Elle mesure 5 et 9, elle paye 130 livres. Et puis, elle représente une franchise de 15 billions de dollars. Pas millions, billions, là, tu sais. Wow. En mettant tout ensemble, tu sais. Fait que c'est assez intense. Alors, Tomb Raider. Tomb Raider est né dans... c'est une création de Core Design. C'est un studio à Derby, en Angleterre. Et puis, c'est un studio qui était connu pour livrer des jeux, des bons petits jeux solides, tu sais, de tous les genres. Ils ont eu des side-scrolling combat, des point-and-click, des puzzles, des kart racers, des first-person shooters. Rien de trop... hot, là, puis j'ai fait des recherches, puis j'ai pas trouvé vraiment des jeux que je connaissais ou qui ont marqué ma vie, mais des jeux qui ont tout le temps eu, tu sais, des bons reviews, là, finalement. Oh, oui. Donc, Core a été acheté en 1996 par Eidos. Oui. Je l'ai-tu bien dit, là? J'ai super bien dit, mon gars, il serait fier de toi s'il nous écoute. Excellent. On est à Montréal, là. Ouais, c'est ça. Vous êtes bien plugués, vous autres, monsieur Net. Moi, j'aurais dit Eidos. C'est moi qui se trompe. Eidos. Hein? Ah, peut-être parce que tu viens de Wigan. Eidos, qu'on dit? Ah ouais, Eidos. Okay. Ben, si le gars de Eidos dit Eidos... Ouais, ben Stéphane Destou, il dit Eidos. Ouais, c'est ça. Bon, ben, on va y aller avec ça. Ouais. Fait que, puis, chez Core, il y avait un artiste qui s'appelait Toby Gard. Il a eu une idée un jour de faire un jeu qui allait ressembler à un film avec des environnements 3D détaillés, tu sais, des pyramides, des temples, des tombes, des jungles. Il voulait qu'il y ait du puzzle, du platforming, du combat, tout dans le même jeu. Yes. Fait qu'il s'est lancé là-dessus, puis il voulait que, dans le fond, pour que tout ça soit dans le même jeu, puis que ça soit possible, il n'avait pas le choix de créer un third-person game. Ouais. Une formule que le grand Shigeru Miyamoto a travaillé pendant des années avant de réussir à faire de quoi de bon avec ça. T'sais. Fait que c'était pas rien. Là. Fait que son projet a eu le go de travailler là-dessus, mais le héros, non. Parce que, écoute, c'était comme... la copie conforme d'Indiana Jones. Là, ah oui, c'est sûr, parce que c'est Indiana Jones. C'est Indiana Jones. Il ne pouvait pas se lancer avec ça. Fait que Gard a eu l'idée de remplacer, dans le fond, un gars par une fille. Mm. Puis, faut dire que dans ce temps-là, les filles dans les jeux vidéo, c'était surtout perçu comme des victimes ou des otages. Ouais. Il n'y en avait pas tant que ça des jeux où de c'était héroïne. Les acolytes, c'était jamais c'était jamais le protagoniste principal. Non, là. C'est ça. À part pour Metroid, Brian. Ouais, c'était comme des toads, finalement. C'était toujours ceux qui se faisaient capturer. Ouais, c'est ça, c'était des toads, vraiment. Non, mais à part Samus, là, puis Tomb Raider, là, mettons dans ce temps-là. Là, il y avait filles. Athena, peut-être, sur NES, mais c'était pas un bon jeu. Athena, ouais. C'est vrai. Mais tu sais, mettons, la fille de Alien Syndrome. Il n'y avait pas grand-chose. Il n'y en avait pas beaucoup. Non. Fait que, OK, ben ils se sont setés finalement pour une Sud-Américaine en hot pants, une athlète olympique, une expert en antiquité. Et puis, Gard l'a appelée Laura Cruz. Donc, ils sont allés avec ça, mais Eidos, ils n'ont pas aimé le nom. Ils voulaient quelque chose qui soit plus UK, tu sais. Je pense qu'il disait aussi que les Américains n'étaient pas capables de prononcer Laura comme il faut. Ah ouais? Ah. J'ai compris Lara, puis ils ont réalisé que même les Américains avaient de la misère à dire Lara. Eh oui. Ils disent comment ils disent ça en anglais? Lara. Lara. Lara. Lara. Ah ouais, ils disent Lara Croft. Ils disent ça, Lara Croft. Hmm. Ah, je savais pas ça. Ouais. Parce que britannique, britannique. Ils disent tellement bien. Oh, ouais. Lara Croft. Croft. Ça va être la classe. It's a big shite in my pants. Ben, pour trouver le nom, justement, ben, ils ont ouvert le bottin, puis ils se sont mis à caler des noms, puis ils ont passé au vote. Ça a été Lara Croft qui a été sélectionnée. Fait qu'avec son nouveau nom, son background a changé un peu. Ils en ont vraiment fait une chasseuse d'aventure, une archéologiste, une anglaise, une comtesse de 11e génération qui a rejeté sa vie de confort pour comme vivre l'aventure. C'est vrai. Fait que ça l'a pris à Core 540 polygones pour construire Lara. Puis dans ce temps-là, elle avait, à ce qu'ils disent, vraiment l'air plus réaliste que tout ce qui se faisait sur le marché. Là. Mais c'est vrai qu'au début, c'était assez impressionnant. C'était malade là, durant le premier. Oh, oui. Tu regardes ça aujourd'hui, c'est baraque un peu. Hein, mais là, on parle des FMV, là, les films pré-rendus. Ouais. C'était là où elle avait l'air réaliste, parce que dans le jeu, c'était dans pas jeu, c'était le même type de polygone. Là, c'était bloqué. Ouais, c'était bloc-bloc. Hein. Oui. Ah, c'est clair. Puis, donc, c'est ça. Puis là, ça dit que pendant que Toby faisait des ajustements au personnage puis jouait avec les proportions, il aurait comme glissé. Puis, il aurait eu un accident. Puis, il aurait comme augmenté la poitrine à 150%, tu sais. Fait que là, quand ces autres chummers dans l'équipe ont vu ça, ils ont dit « Hey boy, mon gars, on reste avec ça. C'est génial, génial. » Au génie, mon gars. Au pareil. Tu sais, c'est une erreur, puis paf. Ben, tu sais, une erreur. C'est sûr que le gars, il s'amusait un peu à lui faire ouais, grossir le tonton. Mais quand même, là, tu sais, c'est incroyable. C'est comme si, je sais pas, Shigeru Miyamoto, il s'était trompé, puis ouf, il glisse avec sa flèche, puis finalement, Mario, il a une moustache de 400 livres. Ouais, puis il l'a regardé. Ça reste ça, ça le fait voler, finalement. Tu sais, la série prend un autre sens. Ben, c'est un bel accident, puis ça a bien fonctionné, là, tu sais. Fait qu'ils sont allés voir Sony avec ça, mais Sony n'ont pas été impressionnés par le jeu. Ils en voulaient pas. Ça fait que Core sont allés vraiment, ils ont poussé à fond. Ils ont, comme, mis les contrôles plus tight. Ils ont engagé une dame qui s'appelle Shelley Blonde pour donner une voix à Lara, chose qu'il n'y avait pas. Ils ont rajouté de la musique, là, au max. Ils ont poussé l'histoire. Ils ont fait des cinématiques, la motion vidéo cinématique. Quoi d'autre? C'est ça. Fait en plus, son accident à garde de grossissage de poitrine a fait quand même un bon petit buzz de marketing. Là, oui, c'est sûr. Ça allait bien. Donc, suite à tous ces ajustements-là, ils sont retournés voir Sony et, excusez-moi, ça a fonctionné. Mais entre-temps, il avait sorti le jeu sur Saturn en premier. Ouais, sur Saturn. Ouais, c'est ça. Mais il est sorti Saturn en premier, PlayStation en deuxième et PC. Moi, c'est certain que la première version, c'était la version PC. Non, c'est contradictoire. Il y a du monde qui disent que ça a été commencé sur Saturn. OK. Il y en a qui disent que c'est PC. Ben, Rayman a commencé sur Saturn. Oui, lui, il est arrivé sur PlayStation 2 semaines après. Mais ça a l'air que... Sur Atari Jaguar, ça a l'air que malgré tout, ça a l'air que Eidos avait développé pour PlayStation à la base, malgré tout. Okay. Juste que PlayStation avait rejeté le jeu. Donc, ils sont allés voir Saturn. Ils sont allés sur Saturn en premier et après ça sur PlayStation. OK. Mais c'est-tu sorti longtemps après, tu le sais-tu? Ah, ça, je pourrais pas dire une date fixe, là, mais pas tellement longtemps après, je pense bien. Ouais. Oh, c'est intéressant, ça. Ouais. On va le pogner sur Saturn, ça va coûter cher. Tu l'as-tu? Ah, il coûte pas cher sur Saturn, il coûte une vingtaine de piastres si tu magasines un peu. Ah ouais? Ouais, il est pas cher, étrangement, là. Ouais, je vais checker ça. Fait que Tomb Raider est arrivé 6 semaines après Mario 64. Oui. Puis à la fin de la première journée, il était déjà numéro 1, puis il est resté comme numéro 1 pendant des mois et des mois. Là, oui. Lara avait plus de sex appeal que Mario. Là, c'est ça, c'est devenu une héroïne pratiquement du jour au lendemain, là, dès que c'est sorti. Même que genre le jeu était devenu moins important qu'elle-même, parce qu'elle a fait le front page du Financial Times, qui est un journal de business anglais. Elle a eu des articles dans le Time, dans le Newsweek, un spécial de 8 pages dans le magazine The Face, qui est un magazine fashion européen. Elle a fait des commerciaux pour Visa, des energy drinks, des voitures de sport espagnoles. Là, je ne sais même pas c'est quoi. Hey, c'est mon gueule, pareil. Elle a été sur des timbres français. Elle a eu une apparition dans la tournée Pop Mart de U2. Puis elle a enregistré, entre autres, aussi un single avec Dave Stewart des Eurythmics. On la voyait dans tous les magazines en bikini, en cocktail dress, en robe de cocktail, tu sais. Il y a tellement de monde qui l'imaginait nu, là, Lara Croft. Ben oui, le phénomène est allé global là, d'une shot, là, tu sais, puis personne ne s'attendait à ça. Fait que, juste Lara, elle seule, a fait de Eidos une compagnie qui était en déficit de 2,6 millions à une compagnie de 14,5 millions de profits en un an. Là. Wow. Fait qu'un virtuel sex symbol, c'était comme le nouveau marketing, là, tu sais, puis ils ont poussé là-dedans à fond, là. Fait que Lara est devenue une icône de la pop culture, finalement. Oui. Mais Toby, son créateur, pas le chien, là. Bon. Il y avait un problème avec ça. Parce que lui, c'est Lara Croft qui a inventé, tu sais. Aurait pas posé comme une gadaille, tu sais, pour tout le monde, puis était une fashion model, puis faire des cochonneries de même, tu sais. Lui, c'est Lara Croft, était fashion, était sophistiquée, était puissante, était deadly, là, tu sais. Mais, par exemple, Lara était la propriété de Eidos, ça fait que lui, il n'avait pas son mot à dire. Fait qu'il a perdu le contrôle créatif, tu sais, il pouvait plus... Mais lui, en même temps, ça le faisait passer pour une sorte de pervers aussi, que Lara soit un sexe symbole, puis une fille avec des gros seins. Je pense qu'il voulait pas trop jouer cette carte-là, parce que c'est lui qui l'avait créée. Ouais, ben, lui, il voulait plus qu'elle soit reconnue pour une fille intelligente, dangereuse, aventurière, mais peut-être pas cet aspect-là. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, en même temps, il pouvait pas rien contrôler de ça. Non, c'est ça. Non, c'est sûr. Il a claqué à la porte, man. Il est parti. C'est fou, pareil. C'est bien triste. Fait que Tomb Raider 2 est arrivé, malgré tout, une année après. Et puis, tout ce que Tomb Raider 1 faisait, ça le faisait en mieux, à ce qui paraît. 18 niveaux, plus d'ennemis. Il y avait aussi des véhicules maintenant. Pas la même ambiance, par exemple. C'est ça. Pas la même ambiance? Non, pas la même ambiance du tout. Dans le premier, tu explores des temples, des tombes. Ouais. Dans le deux, c'est plus des environnements comme une usine pétrolière, station pétrolière, je pense. C'est ça. Mais le 2 était plus basé mission, je trouve, que le premier. C'était plus basé sur l'action, le deuxième. C'est ça, parce que dans le premier, t'avais comme un gros côté exploration que tu voyais pas dans le jeu, vraiment. Là, t'étais là, pis t'avais pas énormément d'indications sur où aller, c'est quoi ce que je faire. Ben, dans le 2 non plus, par exemple, ils disent pas vraiment où aller. Non, c'est ça, sauf que je trouve que c'était plus... Dans le 2 était plus linéaire... en fonction de progression, tu sais, je trouvais que dans le premier, t'avais plus l'impression d'être dans une grosse caverne. Dans le premier, c'est une ambiance solitaire, t'as l'impression que t'explores des places, que t'es le premier à mettre les pieds là depuis des années. Mm-hmm. T'as pas de musique, t'entends les gouttes tomber du plafond. C'est ça, ouais. Le deuxième, t'as plus d'ennemis qui sont des humains aussi. Oui. Ça l'enlève un peu à l'ambiance solitaire parce que t'as toujours des humains qui sont là pour te tirer dessus. Oui. C'est plus basé sur l'action, à mon avis. Mais ils ont ajouté de l'action parce que c'était la demande des fans. Aussi, il y a beaucoup de gens qui ont déploré qu'il n'y avait pas assez d'action. Ben, ils en ont vendu 8 millions, en tout cas. Fait que, à partir de ce moment-là, c'était bel et bien vrai. Corp et Ada, c'était vraiment dans la business de Lara Croft. Oui. Fait que, puis le but est devenu de sortir un Tomb Raider à tous les novembre, à chaque année. Fait que Tomb Raider 3. Ça, je savais pas que c'était un but qu'ils avaient mis, vraiment. Ouais, moi non plus. Je les ai tous achetés, mais je savais pas que c'était ça. Un nouveau Tomb Raider tous les mois de novembre. C'est comme Assassin's Creed, ça. Ah, quasiment. Assassin's Creed, c'est pratiquement le même principe à toutes les années. Ah, c'est clair. Fait que Tomb Raider 3, 1998, des nouveaux moves, des nouveaux véhicules, des nouvelles armes, tout le gros kit. Mais là, il disait que Lara était plus en surface encore dans ce jeu-là. Mais d'après ce que vous venez de dire, elle était déjà en surface pas mal dans le jeu. Au lieu d'être tout le temps dans des tentes, dans des tombes, dans des trous, tu sais. C'est que dans le 3, même, ils l'ont fait ramper à quatre pattes. C'était un peu louche. Ah ouais, hein? J'ai trouvé. Mais je sais pas si tu l'as fini, le 3. C'est le troisième, j'ai vraiment aimé. Moi, il m'a presque rendu malade, ce jeu-là, tellement qu'il était mêlant. Là, on se perdait tout le temps, mais j'ai persisté quand même à jouer parce que je le trouvais bon, là. Il est bon. C'est juste, c'est les batailles comme tel sont vraiment intenses. Puis le design des niveaux était cool. Puis... Ah, c'est épouvantable. Le level design est fantastique, mais la première fois, tu te perds. Oh oui, vraiment. Non, c'est vrai. Ah. Mais ça, dans la trilogie, dans la première trilogie, parce que moi, je le vois un peu de même. Les trois premiers, je les vois pratiquement séparés complètement de tous les autres jeux qu'il y a eu de Tomb Raider. Puis... Celui-là, là, le troisième, je trouve que c'est... En tout cas, moi, c'est mon meilleur des trois premiers. Moi, je comprends que du monde ne puisse pas l'aimer. Ouais. C'est à la fois le meilleur et le pire des trois premiers. C'est vrai. Moi aussi, c'est presque mon préféré des trois premiers, moi aussi. C'est parce qu'il n'y a pas de... Comme tu dis, il n'y a pas d'indication. Ça peut sembler un peu flou, mais... Il y a beaucoup de passes que c'est du essai-erreur, ça. Ouais. C'est évident, là. C'est vrai. Hmm. Eh bien, à partir de ce moment-là, Eidos a commencé aussi à faire du cash sur les anciennes séries. Ils ont ressorti les anciens jeux, excusez. Ils ont sorti les deux premiers en Gold Editions. Mm-hmm. Le premier qu'ils ont comme nommé Unfinished Business, puis le deuxième, The Golden Mask. Ils ont fait aussi un mini-sequel du troisième qui s'appelle The Lost Artifact. Parce que dans le troisième, ça parle de météorites. Il faut que tu trouves des fragments de météorites. Fait qu'avec The Lost Artifact, t'avais comme un fragment de plus, à ce qui paraît. T'as-tu joué, Brian? Oui, même que lui, c'est le premier add-ons, on peut dire, qui ont sorti comme étant un jeu complet. Les deux autres, tu pouvais les télécharger gratuitement si t'avais Tomb Raider 1 et 2. Okay. Et celui-là, Lost Artifact, était sorti comme un jeu à part entière. Okay. J'avais un coloc qu'ils avaient téléchargé sur PC parce que j'avais pas accès à ça sur mon PlayStation 1. Okay. Parce que les autres, moi, j'ai joué sur PlayStation 1. Les trois premiers, j'ai joué sur PlayStation. Je pense que c'était tout sur PC, ça, ces versions-là. Oui, les téléchargements, ça se fait. Sur PlayStation, ils n'avaient pas. Sur PlayStation, par exemple, pour Tomb Raider 3, il est vraiment sombre. Je ne sais pas si tu avais joué sur PlayStation. Oui, là. C'est vrai. Comparé à la version PC, il est sombre en tabarouette. Ah oui. Oui. Eh bien, en tout cas, avec autant de Tomb Raider en une année, là, le 3 plus toutes ces nouvelles sorties-là et ces affaires, tu sais, comme le monde commençait à se dire que c'était tough, là, tu sais. Puis en plus, il y en avait un autre à sortir en novembre qui s'en venait, là. Fait que ça en fait pas mal. Alors, le quatrième, qui s'appelle pas Tomb Raider 4, mais The Last Revelation, quand c'est sorti, ça faisait déjà 4 ans que Core était en gros développement de Tomb Raider, là, tu sais. Fait qu'il commençait à s'essouffler un peu, à ce qu'il paraît que ça paraît. Je trouve pas, je l'ai trouvé bon le 4, moi. Ouais, bon. Ben, il disait que les avancements technologiques étaient quand même assez minces, là, puis que ça se passait strictement en Égypte. Ouais, mais au ça, lieu c'est de vrai qu'il n'y avait pas. Sauf que ça, par exemple, je dirais que c'est parce que Eidos savait que s'il sortait le jeu sur PlayStation, il vendrait plus que juste sur PC. Ouais. Fait que je pense qu'ils se sont arrangés pour qu'ils puissent fitter sur PlayStation aussi. OK. C'est pour ça que pour la technologie, c'était pas plus avancé. Là. OK, OK. Ils voulaient être sûrs que ça puisse rouler sur PlayStation parce qu'ils savaient que la version PlayStation vendrait plus que juste une version PC. Ben, c'est malgré tout un jeu solide, là, à ce que j'ai lu, qui est qui est très identique aux versions Gold. Il revient à la base de Tomb Raider 1, c'est-à-dire que tu explores des temples en Égypte, des tombes. Ouais, c'est ça. C'est ça que j'avais aimé dans Last Revelation. Moi. Oui. Ben, le monde à Core, après ça, tu sais, il y a comme... Là, ça en faisait bien de l'ouvrage, là, puis il commençait à trouver qu'il y avait comme... Il manquait de possibilités, là, tu sais, puis avec un autre Tomb Raider à sortir pour novembre prochain encore, il commençait à tout capoter dans ce studio-là. Mais c'est là que je suis pas d'accord quand que tu dis qu'il y avait comme objectif d'en sortir un par année, parce que je pense que dans Last Revelation, ça c'est un peu un spoiler, mais à la fin, Lara, on sait pas si elle est morte ou pas. Ouais, c'est ben moi je pensais qu'elle mourait. Elle meurt. Ben je vais vous l'expliquer là. Ouais. C'était ça leur solution à eux autres pour se donner un break là, c'était de la tuer. Là, parce qu'après ça c'était comme une espèce de reboot. Ils l'ont tué. Après ça c'est Chronicles qui est arrivé. Ouais. Fait que ils ont pas laissé Lara morte. Chronicles. Chronicles en fait c'est les amis à Lara comme son butler en anglais, son maître d'hôtel là qui. Il se rappelle ses aventures. Ses aventures passées. Puis tu refais 4 de ses aventures passées. C'est ça. Mais à la fin. Parce que dans Last Revelation, elle meurt, genre le temple s'écroule sur elle. Vrai, et puis elle veut sauver un de ses chummers, puis finalement elle meurt là avec. Ben, dans Chronicles, le chummer en question, on le voit au début, qui cherche Lara à travers les décombres, puis à la fin, il y a un petit garçon qui la trouve, puis elle trouve, puis ça finit en disant on l'a trouvé. Ouais, la fin, c'est pas clair. Il trouve son sac à dos. Mais c'est pas clair si ils l'ont retrouvée morte ou vivante. Là. Ben, ils disent pas morte ou vivante, mais bon, on présume vivante parce que quand il y a un doute, y a un autre jeu qui est sorti vivante, après. Là, mais ce jeu-là, je pense qu'ils l'ont sorti entre autres parce qu'ils voulaient. Ils remettaient souvent la sortie de Angel of Darkness sur PS2. Ouais. C'était souvent repoussé. Angel a été repoussé 3 ans. Je pense que c'est pour ça qu'ils ont sorti Clear Chronicles. C'était pour donner aux fans un jeu à se mettre sous la dent en attendant. Ben, c'est ça que j'ai lu là-dedans. Ils ont donné ça au monde. Ils disaient, bon, rangez-vous avec ça, puis faites-vous-en pas. On a une équipe qui travaille comme des malades pour le prochain Tomb Raider qui va sortir sur le PlayStation 2, puis ça va être vraiment, vraiment big. T'sais. Puis, c'est ça. Puis, dans ces moments-là aussi, il commençait à avoir des rumeurs d'un film de Hollywood. Là. Oui. Fait que les affaires avançaient malgré tout. Mais, j'ai découvert, excusez ma feuille, que aussi en 2000 ou je sais plus quand dans l'année, il y a eu des jeux portables de Tomb Raider. Oui. Il y en a eu 3 sur Game Boy Advance. 2 sur le Game Boy Color puis 1 sur le Game Boy Advance. Donc le premier sur Game Boy Color, c'est The Nightmare Stone, qui a été développé par Core, publié par Eidos et THQ. Le deuxième, Curse of the Sword. J'ai bien dit, yes. Développé par développé par Activision, publié par Eidos et Activision quand oui. même. Puis le troisième, The Prophecy au Game Boy Advance, développé par Core, publié par Eidos et Ubisoft. Fait que, avez-vous joué à ça? Je les connais pas beaucoup, eux autres. Moi, il y a juste The Prophecy là-dedans qui dit quelque chose. Là, parce que... Ouais. Mais les deux autres, ça a l'air vieillot, là. C'est... Ouais, mais c'est ça. Les deux autres sont pas. C'est Tomb Raider en 2D aussi, là. Non, c'est ça. C'est pas pareil. Pas pareil en tout, non. Ben, c'est parce que l'idée au départ, c'est de faire un peu un genre de pitfall. Ça. Ouais. Ça marche pas, plus ça ou moins. À partir que... après le premier. Ouais, ça, je pense qu'il y a celui au 2005 qui a pogné. Ouais, peut-être le deuxième. Ben, Pitfall 2 au 2005, ouais. Pas si pire quand même. Mais sur Nintendo, sur Super Nintendo. Nintendo, c'était pourri. Mayan Adventure, c'était pas yard à ce qui paraît non plus. Ouais. Fait que, non. Bon, et aussi en 2001, donc, pour continuer, le film Lara Croft, Tomb Raider est sorti. Ouais. Le 15 juin. Est-ce que vous l'avez aimé, le film, déjà? Moi, je l'ai aimé, Colin, OK. Moi, je l'ai écouté les 10 premières minutes, puis j'étais plus capable. Aïe, aïe. Ben, ça, on y a moi, c'est parce que... critique. Moi, j'étais un méga tripeux de Indiana Jones. Fait que ce genre d'univers-là, ça me parle. Puis, tu sais, faut pas oublier, là, c'était Angelina Jolie puis Daniel Craig. C'est quand même solide comme cast. Ah, c'est solide comme cast, mais ça veut pas dire que ça fait un bon film. Le film, c'est pas le meilleur film de tous les temps, mais je trouve que comme film de Lara Croft, moi je trouve qu'elle faisait bien Lara Croft. Je trouve qu'elle a quand même réussi. Je pense que le deuxième, c'était The Cradle of Life. Ouais, je vais y revenir dans ça a l'air qu'il est meilleur. En 2003, hein, lui, Cradle of Life. Ouais, c'est ça. Puis ça, c'est vraiment un bon film de Tomb Raider. Il y aurait eu des meilleures critiques. Là, mais les gens bâchent ce film-là déjà en partant juste à cause que c'est un personnage qui est tellement adoré des fans que c'est comme quelque chose auquel tu peux pas toucher. C'est dur de toucher à c'est dur de toucher à quelque chose d'aussi gros que ça, ouais, tu sais. Mais moi je trouve qu'ils ont fait une bonne job. Le casting était bon avec Angelina Jolie. Ouais. Moi c'est les premières minutes quand elle se bat contre un genre de gros robot là. Ouais. Ouais, mais ça je trouvais que ça faisait pas Tomb Raider. Non, c'est vrai, mais si tu continues, tu vas voir que ça. C'est ça que j'aurais dû faire, moi j'aurais comme arrêté là tout de suite là, tu sais. Parce que c'est ça, par la suite, justement, les passes d'un temple puis tout ça, j'avais l'impression de voir les scènes de Tomb Raider 2 sur PlayStation. Ouais. Ça, j'ai trouvé ça très bien. Comme Dominique, avec des jeux, des fois, c'est fuck this movie. Ouais, là. C'est ça, fuck this movie. Fuck that. Je vais m'acheter un Dorito. Ben écoute, on va enchaîner avec Angel of Darkness, qui est quand même un point marquant, qui est sorti en 2003. Donc, on est 3 ans après le dernier Tomb Raider officiel. Là. Ouais. Donc, on suit plus là, la... Ça suit plus pas en tout. Non. Puis ça, c'était supposé starter une trilogie, ça, Angel of Darkness. T'sais, ils l'ont vendu comme étant là, la grosse affaire. Puis bon, dans ce jeu-là, il y aurait du hand-to-hand combat qui a été ajouté. Ouais. Et du stealth aussi à la Splinter Cell. Puis ils ont ajouté aussi un deuxième personnage qui est jouable un petit peu, Curtis Trent. Ouais. Qui est aussi un gars qui veut buter le méchant dans ce jeu-là, ça a l'air. Fait que, en gros, moi, j'expliquerai pas l'histoire. Voulez-vous l'expliquer? Moi, ce que j'ai pas aimé de jeu-là, c'est que j'ai l'impression que Core Design était tanné de Tomb Raider, puis ils l'ont repoussé tellement souvent parce que ça leur tentait pas de le faire, le jeu. Ben, t'sais, c'est ça. Il était plein de bugs. La date a été repoussée et repoussée et repoussée. Là, l'équipe a été avertie de, genre, couper dans le gameplay, puis d'en enlever le plus possible. Il y a des tableaux qui étaient disponibles d'un château, là, je sais pas quoi, qui ont été enlevé pour le mettre dans le deuxième de Lost Dominion qui n'est jamais paru. Ouais. La plupart des niveaux de Curtis Trent ont été scrappés. Beaucoup de choses autour de lui ont été scrappées. Eux qui voulaient en faire une franchise, ce personnage-là. Et puis, l'animation des personnages a eu la priorité. Ce qui fait que le contrôle a chié, tu sais. Comme les contrôles sont bien mauvais dans le jeu-là, à ce qui paraît, là. Moi, ça fait un bout de... Ce jeu-là, je t'avoue qu'il m'a pas marqué. C'était-tu dans celui-là que le méchant, c'était une femme? Ah, j'ai presque pas joué. Dans le premier, je l'ai pas aimé, lui. Je me souviens plus, mais c'était pas terrible comme jeu, de toute façon. Non, mais c'est tout mauvais. Là, tout la mécanique du jeu, si tu compares au vieux Tomb Raider, c'était pas pareil. On dirait qu'elle était déficiente, la mécanique. C'est parce qu'ils ont essayé de l'amener ailleurs. Ça se passait à Paris, puis à Prague, en surface. Puis ils ont tellement coupé dans l'histoire, puis partout, qu'il y avait plein de trous, puis c'est comme ça avait. C'était un non-sens. Il y avait plein de tableaux qui servaient à rien, puis elle se promenait tout seule dans les rues de Paris, qui étaient vides, allait dans les nightclubs, qui n'y avait personne. Ça virait vraiment en rond. Il y avait des éléments RPG, tu sais, qu'on sentait qui avaient juste été comme taqués là. Puis il y avait encore une fois des glitches et des bugs là, dans la version PC. Moi, j'ai l'impression qu'ils ne savaient plus où que la série devait s'en aller, puis ils ont essayé les affaires pour voir comment le public allait réagir. Aussi, quand ça fait presque 5 ans que tu développes à chaque année un nouveau Tomb Raider, tu tombes dans un nouveau Tomb Raider, il faut que tu refasses tout le moteur du jeu. Ils étaient rendus à leur faire le moteur parce qu'il n'avait pas été refait pour les autres avant. Puis c'est un moteur qui datait de 95, là on est en 2003. Fait qu'ils ont cochonné ça. Là. Puis Core, eux autres, ils savaient que le jeu n'était pas prêt, mais Eidos, ils ont poussé là, pour sortir ce jeu-là, ce jeu-là au plus sacrant, pour matcher la sortie du film Cradle of Life, justement. Mais là, c'est ça. Le film, même s'il y a eu des meilleurs reviews, il n'a pas eu un grand succès non plus. Là, Paramount Pictures se sont mis à blâmer le jeu, dire que le jeu était plein de marde. Là, ça cochonne. Ça cochonne. Ils ont trouvé un coupable, finalement. Ben, c'est ça, tu sais. Fait que là, ça se lançait à la balle, ça s'envoyait promener. Fait que ça a vraiment tué aussi le troisième film, Tomb Raider, qu'il aurait pu avoir avec, à ce qui paraît, Halle Berry. Donc, voilà. Fait qu'après tout ce bordel-là de marde qui n'a pas fonctionné, il y a plein de monde de Core qui sont partis, les autres se sont fait mettre dehors. Et puis là, on pouvait vraiment dire que Lara Croft était morte. Mais il y a encore une autre page. Une autre page, et c'est la dernière. Ça, on était en 2003. Trois ans plus tard, en 2006, Eidos décide que c'est plus Core qui va s'occuper de Tomb Raider, ça va être Crystal Dynamics. Oui. Là, c'est une bonne job, moi, je trouve. Quel bon choix. C'est un revival. Mais maintenant, attention, Lara était dans les mains des Américains. C'était plus les Anglais qui s'en occupaient. Mais ils ont fait une bonne job. Ils ont mis ça entre les mains d'une équipe qui ont produit la série de Legacy of Kain, qui est une très bonne série auquel j'ai bien joué, à ce qui paraît. Ils ont fait une bonne job. Le premier et le deux sont très différents, là, mais c'est une bonne série. Soul River. Il y en a cinq là, de ça? Non, il y en a deux. Il y en a deux, me semble. Juste deux? Oui, il y en a deux, puis il y en a un qui est disponible présentement sur PlayStation Network. Je pense que c'est Soul River. Un au PlayStation 1, puis Soul River au PlayStation 2, c'est ça? Il y en a deux sur PS1. Oui, hein? Oui, Soul River. Il y en a un sur PlayStation 2. Oui, il me semble sur PlayStation 1, c'est Legacy of Kain 1 et 2. C'est ça, ouais. OK. Puis sur PS2, c'est Soul River. PS2, je sais pas s'il y en a un. Ben, il me semble que j'ai vu la pochette. Il y en a un sur PS2. OK. Mais c'est une bonne série, en tout cas, vraiment. Puis Crystal Dynamics ont fait un excellent move que tous les fans ont capoté. Ouais, les contrôles, là, c'est ça? Non, ils sont allés réengager Toby Gard. Qui avait été laissé de côté, le créateur original du personnage. T'sais. Fait que 7 ans, lui, séparé de sa création, quand il a été engagé, puis ils ont dit « Toi, mon boy, tu vas t'occuper d'une équipe de 60 personnes, 10 fois plus grosse que l'équipe originale de Tomb Raider. » Ça en allait vendre ses bouteilles au dépanneur, puis ça avait un chip. Il était vraiment content. Là, fait que c'est ça, pour ce nouveau Tomb Raider-là, qui s'appelle Legend, ils ont beaucoup joué dans le background de Tomb Raider. Ils ont changé un petit peu des éléments de son passé, joué avec sa mère et tout ça, avec un scénario vraiment plus tight. Lara, elle a été redesignée un petit peu aussi pour rester dans les normes possibles de la biologie des seins plus petits, là, finalement. Ce que j'avais aimé de son sprite dans Legend, c'est que c'était un bon mélange d'une personne plus réelle, tout en gardant un peu le même look qu'elle avait sur PlayStation. Parce que c'était comme un mélange de cartoon puis de réel. Ouais, c'est ça. Ça fonctionnait super bien. Puis la pochette, moi, je la trouve super belle. Là. On voit sa face en gros, c'est tellement joli. Tu sais, tellement des beaux yeux avec le soleil en arrière. Je sais pas, à chaque fois que je tombe sur ce jeu-là au magasin usagé, tu sais, je suis comme, trouve ça beau. J'ai envie de l'acheter. T'sais. Moi, le bout que j'ai le plus aimé là, dans Legend, c'est le bout au Japon quand t'es dans la ville, là, sur le top des buildings. J'ai trouvé ça tellement beau. C'est là. Vraiment beau. Moi, j'aime ça être en hauteur dans les jeux. Ben là, Dom, je te le passe, parce que moi, chez moi, j'ai Tomb Raider Trilogy. OK. Et dans le fond, la version HD, qui a tout le graphisme a tout été rehaussé sur PlayStation 3. Là, tu parles de Anniversary, toi, là? Non, mais c'est Tomb Raider Trilogy. Dedans, t'as Legend, t'as Legend, Anniversary, puis Underworld. Ah, ok, voilà. Bon, dans le fond, les trois derniers, les meilleurs. Sauf que pour Legend, ils disent qu'il était refait en HD, mais il était déjà en HD sur 360. Ouais, c'est ça, exact. Quasiment la même version, je pense. Oui, c'est juste on l'a sur PS3. Ils disent pour la première fois en HD, mais c'est pour la première fois sur PlayStation en HD. Exact. Ok. Non, c'est différent quand même. Ben, ce jeu-là est en tout cas un super hit, puis ça a bien fonctionné, puis la série était vraiment partie. Ben, c'est des bons jeux. Ben, c'est ça. Bien. Fait qu'un an plus tard, en 2007, est arrivé Anniversary. C'est un remake de l'original, ça, en fait. Puis bon, ça jouait un peu dans l'histoire encore, mais ça mettait la table pour le prochain qu'il allait avoir, qui est Underworld. Puis bon, qu'est-ce que j'ai écrit ici? Pas grand-chose. C'est ça. Ben de quoi, à propos d'Underworld? Non, ben j'y arrive à Underworld, mais c'est ça. Dans le fond, Guard, encore une fois, qui était là, puis qui est toujours là d'ailleurs aujourd'hui. Oui. Maintenant, il est passé de consultant à designer pour ce jeu-là. C'est cool parce que, tu sais, on lui a demandé... Il refait le premier, fait il refait tout ce qu'il a fait au départ, tu sais, toutes ses trappes, toutes les tombes, tout le jeu, mais tu sais, il le refait avec du power. Là, non, ça doit quand même être cool. Un bon feeling de faire ça. Oui, c'est sûr. Ça doit vraiment être le fun. Fait qu'en 2008, un an après, et c'est le dernier, Tomb Raider Underworld est dans le fond la suite directe de Legion. Ouais, c'est une forte déception. Une déception. Ouais, alors moi, j'avais donné, je pense, un 6 à Monsieur Net. OK. C'est un jeu qui est bourré de bugs avec un système de combat déficient. L'intelligence artificielle des ennemis existe pratiquement pas. Tu arrives à côté d'un ennemi, puis il est là avec sa mitraillette, puis il est de côté. Il est de côté. Il se tourne pas vers toi pour te gunner. Il se tourne pas vers toi. Toi, t'es à côté de sa face, là, puis il se tourne pas vers toi pour te gunner. Il faut que t'ailles devant lui, puis là, intruder! Puis là, il tire. OK. Maudit épais. Wow. Fait que là, tu sais, c'est ça. Les ennemis ont comme pas une vision à 180 degrés, ce qui est très absurde. OK. Fait que non, c'est un jeu qui est comme bourré de bonnes idées, puis mauvaise exécution. Je trouvais qu'il était très beau aussi. Malheureusement, c'est vrai qu'il y a plein de bugs. C'est dommage pour ça. Ah. Parce que les bouts de plateforme de ce jeu-là, quand t'es seul et qu'il n'y a pas aucun ennemi, là, impeccable. C'était vraiment le fun. Mm. Mais sinon, moyen. Oh, ah, c'est bizarre. J'étais sûr que c'était un bon jeu, moi, ça. Ah, j'aurais aimé ça que ce soit un bon jeu. Ben, peut-être le dernier, le nouveau qui est le annoncé nouveau, là, cette année. En 2012, paraît que ça va être bien, bien hot. Ah ouais, moi non, pas pantoute, là. Moi, j'ai trouvé ça terrible qu'ils fassent un reboot, honnêtement. Là. Pas vrai? J'ai trouvé que c'était un claque dans la face aux vieux fans. Là. Ben moi, les reboots, je suis jamais tant un fan de ça, sauf quand c'est nécessaire. Mais tu sais, mettons, les films, là, ils vont rebooter Spider-Man après trois films, tu sais, relax. Mais là. Combien de remakes ou de reboots qu'ils ont fait qui étaient meilleurs que l'original? Autant dans les films que les jeux. Ouais, non, c'est vrai. Là, mais... Il n'y a pas beaucoup. Non, c'est vrai, ça. Sauf que Lara Croft, par contre, une affaire qu'on peut pas nier, c'est que ils l'ont jamais fait... totalement réel avec la vraie réalité de ce que c'est d'être un archéologue. C'est ça, mais c'est obligatoire, ça reste un jeu vidéo. Pour moi, le côté fantasy, ça y est pour beaucoup aussi. Ouais, je sais, mais moi, je trouve ça intéressant de voir ce côté-là, tu sais, le côté un petit peu plus... même si Lara Croft, elle tombe en bas d'une falaise, ben elle va se péter une jambe, tu sais. Puis moi, en tout cas, j'ai des contacts qui ont essayé le jeu un peu, puis qui me disaient justement qu'il faut que tu ris de tes blessures, puis t'es blessé grave, là, puis tu vis cette espèce de douleur-là que ces archéologues-là, ces chasseurs au trésor-là vont trouver. Puis, ils auraient pu exploiter ce côté-là dans Uncharted, qui est la série qui se rapproche le plus à Tomb Raider. Puis pourtant, ils l'ont pas fait. Fait que je me dis, ça mais serait quand même intéressant ça, de voir ce côté dark-là. C'est pas juste comme un artifice t'sais, pour masquer le fait que t'as pas eu des bonnes idées pour sortir un vrai nouveau jeu, genre. Pas que lui-même, que... le vrai nouveau jeu, non, aurait pu que... avoir ses mêmes artifices. Mais Crystal Dynamics essaie vraiment d'amener Lara Croft ailleurs pour amener un nouveau public. Parce que veux, veux pas, oui, les fans du premier sont toujours là, mais... Dans l'industrie du jeu vidéo, tu n'as pas le choix. Il faut que tu essaies d'aller chercher des nouveaux fans qui ne savent même pas c'est qui. Puis maintenant, pour aller chercher les nouveaux fans, le keyword en entertainment, n'importe où, c'est « fais-moi de quoi qui ressemble à Batman ». Fais-moi de quoi qui ressemble à Batman Begins. Oh, c'est vrai, par exemple. Tout le monde veut voir le côté dark. Spider-Man, il y a un remake à cause de ça. Ils disent, on va avoir un Spider-Man dark. Tout le monde va triper. On va faire X-Men. On va faire un X-Men dark. Fait que rebooter dark, c'est ça la mode. Reboot, c'est ça qu'ils font, là. Dark, c'est la formule, puis ça fonctionne. Je peux pas t'ostiner là-dessus, mais moi, je demeure à dire qu'un jeu, ça n'a pas besoin d'être réaliste. C'est un jeu vidéo, c'est fait pour être le fun. Ah, c'est vrai. Mais comme tu dis, s'ils veulent vendre, s'ils veulent rejoindre les fans plus jeunes, si c'est ça qui est tendance, ben malheureusement, c'est ça qu'ils vont. En même temps, peut-être ça va être une belle surprise. Peut-être que mais tu sais, les Batman, les deux premiers étaient bons. Après ça, ils ont tellement cochonné, mon gars, que tu te dis, oh boy, ça ne pas. Presque à vous jurer que ça ne sera pas aussi excellent que vous pensez. Ah, je sais pas. J'ai un feeling que c'est un jeu qu'on va oublier assez rapidement. Ah, wow, non, moi, je pense pas. Moi, je pense ben que toi, ça... Bruno, t'as été ébloui par les images au E3 l'année passée, là. Puis comme ben, tout le monde, t'es bien bandé sur le fait que Lara, elle saigne, puis tout ça. Ben, j'ai mis tout le temps ben, aussi, cette année. Non, mais c'est pas juste ça. Moi, c'est le côté immersion, pour moi, dans un jeu, c'est l'affaire la plus importante de nos jours. Parce que sinon, j'aime bien mieux jouer à un jeu rétro. Mm-hmm. Si je joue à un jeu next-gen, puis que c'est juste beau, mais j'en ai rien à foutre, ça me fait pas grand-chose. Ce que j'aime des jeux next-gen, c'est que maintenant, t'as l'impression de jouer à un film. Puis ça, je veux avoir cette expérience-là. Mm. Ici, puis je trippe sur Uncharted. Fait que, tu sais, je trippe sur Uncharted, puis il va y avoir un Lara Croft, un Tomb Raider, qui est dans la même lignée qu'Uncharted. C'est comme si quelqu'un me donnait un... un wish list, là. C'est comme, OK, coche les affaires que ça te tente de voir l'année prochaine. Ben, ouais, c'est ça. Quasiment toutes mes affaires sont là, tu sais. Fait que... J'espère, puis en même temps, c'est parce que moi, le dernier Underworld, j'avais des attentes là, incroyables par rapport à ce jeu-là, parce que j'aime cette série-là, puis j'ai vu que d'essayer de faire Tomb Raider comme ils l'ont toujours fait, malheureusement, c'est pas assez maintenant. Ça pogne plus maintenant. C'est ça. C'est qui va le développer déjà? C'est tout Square Enix qui le développe? Ouais, c'est... Square Enix, ouais. Square Enix. Mais c'est Square Enix... C'est Square Enix qui vont le publier, je pense. Je pense pas que c'est le développeur qui le développe. Ça va sûrement être encore... Je vais trouver le développeur, mais non, c'est ça, c'est pas eux autres. En tout cas, moi, j'aime pas qu'ils aient changé la signature de Tomb Raider, le logo. Lara Croft, tu touches pas à ça, à mon avis. Ils ont changé ses yeux. Ben, elle a comme des grands yeux. Elle ressemble plus à Lara Croft du tout. Là. Non, elle y ressemble plus. Tu trouves pas qu'elle y ressemble? Pas du tout, man. Non, c'est vrai qu'elle y ressemble. Les yeux, là, c'est pas pote. Les yeux, là, ça m'a fucké ben raide. Regarde ses yeux. Elle a des petits yeux de chat, un peu, là, des grands yeux de Bambi, là, tu sais. Moi, j'ai toujours dit qu'elle a l'air d'une princesse en péril. Ouais. Je sais pas pourquoi, je regarde, puis Lara Croft, l'original, elle a l'air méchante. Ouais, c'est ça. Quand elle tire avec ses fusils, elle grogne quasiment, tu vois sa face qui change. Ouais. L'autre, elle a l'air plus d'une... En péril. Ben, on la voit en péril aussi, il faut dire, là, dans ce qu'il nous montre. Là. Exact. On l'a pas en train de buter du monde, on l'a en train de souffrir tout le temps. C'est sûr que dans le jeu, elle va sûrement tuer une coupe d'affaires, j'imagine. Là. Ouais. Peut-être juste des animaux, je sais pas. Là. Ben, ça serait le fun dans le prochain trailer qui nous la montre un peu en tabarnak. Ouais, au lieu ça, d'être je serais en train de ça, patcher. Ben, regarde ça, laissez-moi vous lire une nouvelle là, qui me fait triper solide. Il y a Corey Balrog qui est un des développeurs de God of War. Il est scénariste et réalisateur et directeur créatif de God of War Chains of Olympus, scénariste en chef de God of War Ghost of Sparta, qui est maintenant avec Crystal Dynamics puis qui a travaillé sur le nouveau Tomb Raider. C'est okay. Pas rien, c'est vraiment pas un 2 de pique. Moi, j'ai joué à toutes ces affaires puis c'est très solide. Fait que tu sais, c'est ça jusqu'à date, en tout cas, le pas juste le buzz. Des fans, mais dans l'industrie, il y a un gros buzz sur ce jeu-là. T'sais. Tout le monde dit que faut on sait pas, on sait pas qu'est-ce qui s'en vient. Là, on est au courant de rien, puis ça va être gros, ça va être important. Fait que, je sais pas, moi, ça faisait longtemps que j'avais pas eu aussi hâte pour un jeu de Tomb Raider. Là, parce qu'Underworld, j'avais hâte, mais pas à ce point-là. Moi, pour être franc, c'est le reboot qui m'a donné envie de revenir aux vieux Tomb Raider. Parce que je ne connaissais pas avant les vieux Tomb Raider. J'avais joué un petit peu au premier, un petit peu au deuxième. Okay. Je me suis dit, vous jugez qu'ils sont plus assez bons maintenant, fait que moi, je vais aller les revoir, ces jeux-là. Ouais. Parce que pour moi, ces jeux-là, ils valent quelque chose, historiquement parlant. Ouais. Ben oui. Le nouveau Tomb Raider, pour moi, ça va être juste être un autre jeu, c'est tout. Ben, c'est ça, mais encore là, faut attendre d'y jouer. Faut attendre d'y jouer avant de... Ouais. avant de se mais faire. Mais je suis pas excité à la sortie du nouveau Tomb Raider. Je pense même que je ne l'achèterai même pas, à okay. moins que les critiques soient vraiment très bonnes. Oh oui. Moi, je m'intéresse pas plus que ça, personnellement. Fait que, au final, c'est quoi votre Tomb Raider préféré, les boys? Moi, ça reste le premier, par exemple, pour moi. Là. Ouais. En fait, moi, c'est dans l'ordre. J'ai réalisé ça il n'y a pas longtemps. C'est le 1, 2, 3, 4, 5. OK. Wow. Mon ordre de préférence. Plus ils vont, moins ils sont bons. OK. c'est comme ça, mon ordre. Moi, je pense que c'est Anniversary ou Legend. J'hésite entre les deux. Là. OK, mais moi, je parlais plus des vieux Tomb Raider. J'ai quand même parlé de tout. Là. Tout okay. Tomb Raider confondu. Ouais, parce que sinon, mon meilleur Tomb Raider d'un vieux, ce serait le troisième. Je pense que je préfère quand même Legend à Chronicles. Ouais. Personnellement. Legend, définitivement, en tout cas, il pop en premier pour moi. Là. J'ai adoré ce jeu-là. Nous qui l'ont pas aimé parce qu'il était trop facile, trop court. Ouais, bon, ben, c'est ça la mode aujourd'hui, mais les jeux faciles et courts. C'est un bon petit jeu. C'est vrai. Ouais. Bon, ben, calme. Voilà, c'est l'histoire ça de Tomb Raider. Raider. Hey, c'était tout un spécial, hein, finalement. C'était quasiment un épisode, ça. Là. Quasiment. La discussion. Fait que la discussion cette semaine, on parle du collectionneur. On parle du collectionnage. Ouais. Entre autres, parce que là, on a un grand collectionneur. C'est quasiment que ça le rend malade de parler de ça. Ouais, c'est ça. Trop de jeu. Mais c'est ça, justement, parce qu'on a un des plus grands collectionneurs du Québec avec nous autres. Fait que, puis en plus de ça, on a demandé au monde sur Facebook de nous donner leur commentaires ou s'il y avait des questions. Il y a Kevin Brasseur qui dit « C'est un super projet qui me permet de rejouer à des jeux qui nous ont fait triper durant notre enfance. J'ai commencé à me faire une collection et j'utilise le site de coverproject.net pour me faire des boîtiers rétro. » Bonne idée. Puis je suis allé dans fortement suggéré. Ouais, je suis allé sur ce site-là. Puis dans le fond, c'est quelqu'un qui scanne toutes des boîtes rétro ouais. Puis il refait dans Photoshop. C'est puis cool. La résolution. Je n'ai downloadé un. Thunder Spirits au Super NES, version européenne. Rien à faire avec ça. Mais la résolution est belle. Là, c'est sûr, il n'y a rien comme l'original. Là, mais je ne sais pas si tu veux te faire un petit package maison libre à toi. C'est une bonne solution de recherche. Un beau database. Il y a Patrick Sans Souci qui dit « Je suis pas un grand collectionneur de jeux, mais quand une série de plusieurs jeux m'accroche vraiment, exemple Silent Hill, Metal Gear Solid, God of War, Final Fantasy, même les pas bons, je trouve ça cool de toutes les avoir et parfois je ressors les vieux et je trippe, sauf pour les pas bons, mais je les ai pareil. Tiens vraiment à préciser. Ça, pour le reste des jeux, je les garde pas toujours. C'est vrai quand même, c'est pas tout à ça. Ben, toi, de Brian, t'es gardes-tu toujours? Moi, j'ai acheté des jeux, j'ai des jeux que je considère marde, mais je sais pas, je les garde. J'ai de la misère à les vendre, même les jeux que j'aime pas dans ma collection. À moins qu'ils valent cher, tu peux peut-être les revendre, mais vendre des jeux de marde, c'est pas évident non plus. Ouais, non, non, temps, c'est sûr. Là, ben, tu vends ça en bundle, là, les jeux de marde, t'sais, un paquet de marde avant. Non, je vends ma marde. Ou m'en débarrasser. Là, j'ai de la misère à revendre, moi, personnellement, à moins d'avoir un bon prix pour. Ben, ouais, mais même à un bon prix pour, tu sais, je me dis. Je sais pas, je l'ai, tu sais. Je veux pas m'en départir pour, mettons, 100$, tu sais. Parce qu'après ça, 100$, c'est quoi dans une vie comparé à essayer de retrouver un jeu, tu sais. Non, c'est vrai, ça. Des fois, même pour un 20, des fois, tu dis pour 20$, on a quoi maintenant? Tu as commandé une pizza, puis c'est fini. Ben ouais, c'est ça. 20$, c'est passé, tu ne vois plus. Et moi, je le compte vraiment de même, des fois, tu sais. Moi aussi, c'est comme ça, une caisse de bière, un jeu, tu sais, ça n'a pas de sens, là, tu sais. J'hésite à acheter un jeu, genre 15$, puis je m'en vais au resto parce que j'ai pas fait de lunch, genre. Fait que faut que j'aille dîner sur l'heure du midi, puis ça me coûte 10$. C'est mon jeu vient de passer. Mais quand même, une chose que vous parlez, vous dites que je suis un grand collectionneur, mais moi, le terme collectionneur, je l'aime pas beaucoup. Ouais. Je trouve que ça fait comment t'appellerais ça? Je trouve que ça fait quelqu'un qui regarde surtout la valeur monétaire de ses biens. Ouais. Il va dire ce jeu-là, il est en parfait état, il vaut rien. Ouais. Moi, je suis plus un joueur. T'es moi, un joueur, jouer. Toi. C'est j'aime ça. Jouer, puis par le fait même, j'aime avoir les jeux que j'ai aimés. Ouais. Fait qu'au final, vu que je m'intéresse à plein de jeux, ben, je regarde ce que j'ai acheté comme jeu, puis ça fait une collection. Puis je suis rendu à tant de jeux, puis ça fait une collection. Fait que dans ta collection, t'as juste des jeux que t'aimes, là. En général, sauf quelques que exceptions, des fois, ouais. Quand tu vas dans une boutique, tu te dis, si je vois un jeu que je sais qu'il vaut cher, même si je l'aime pas, si je l'ai pas cher, je vais le prendre. T'sais. Ouais. Mais en général, oui, c'est pas mal tous des jeux que j'aime. Parce que c'est ça, toi. C'est cool, ça. Parce que toi, t'aimes jouer au jeu, tu sais. Moi, je suis un joueur. T'es, c'est t'es ça. Pas un ramasseux, y'a que pour ramasser. Ben, c'est qu'il y en a quand des fois. Quand t'achètes un vieux jeu, tu y joues profondément. Au si complet. C'est si assez bon, oui. Ouais, c'est ça. Fait que souvent, les gens, ils vont se mettre comme objectif de ramasser, par exemple, tous les jeux NES, mm-hmm. tous les jeux Genesis. Fait qu'ils vont commencer par la crap. Ah, les jeux qui valent pas cher, 2$, on va avoir une pile de jeux à 2$, mais c'est des jeux qui vont mettre ses tablettes, puis la valeur sentimentale, ils l'auront pas envers ces jeux-là. Ouais, c'est ça. Fait que souvent, au bout de 2 ans, ils vont cette année, ils vont dire, ouais, ça sert à quoi de faire ça, puis ils vont tout revendre. T'as raison. Tandis que quand t'aimes les jeux que tu ramasses, ben t'as plus de misère à t'en départir par après. Mm-hmm. C'est vrai ça. Ben moi, je suis pas un grand collectionneur comme vous autres. J'ai vraiment la... Moi, ce que je veux, c'est jouer au jeu, puis une fois que j'ai fini, je passe à autre chose. T'sais, comme vu que je suis critique, je vais jouer à un jeu sans bon sens pendant 1 ou 2 semaines. Quand j'aurai fini, je vais vraiment avoir fini parce que je vais y avoir joué beaucoup, beaucoup, puis je vais l'avoir analysé en même temps. Fait qu'après ça, moi, je les vends pour en acheter d'autres. Mais quand j'étais collectionneur, j'ai déjà été collectionneur de comic book, mais j'étais le même type de collectionneur que toi. Moi, je collectionnais pour lire mes comic books. Fait que si ça m'arrivait, je sais pas, moi, j'avais un accident, puis qu'il y avait un de mes comic books, je sais pas, moi, il y a un verre d'eau qui était proche, puis il y a un petit ring sur le bord de mon comic book. Ça me dérangeait pas, c'était pas grave, parce que je comptais pas le revendre non plus. C'était plus pour le plaisir de pouvoir lire ce comic book-là. Il y en a qui vont prendre ça avec des pinces. Même affaire pour les jeux, il y en a beaucoup qui vont les remettre à neuf, puis ils vont essayer de les garder même dans leur plastique d'origine. Toi, t'es fort, de même. Moi, je suis de même, par exemple. Un peu, moi aussi. Je veux pas que mes jeux se brisent. Parce que tu te dis, il n'y en a plus beaucoup de copies, c'est plus en production, fait que tu vas faire attention à ce que tu as. Il y a un côté de préservation aussi qui rentre en ligne de compte. À ce moment-là, t'es quand même... T'es quand même collectionneur, même si t'aimes pas le thème. Toi, t'achèterais pas un jeu à étiquette toute déchirée. Là. Parce que le problème avec ça, c'est que si j'en prends un à étiquette toute déchirée, je le sais que je vais garder l'œil ouvert pour une plus belle copie éventuellement. Ouais, tandis que quand tu l'achètes et il arrive en bon état, t'as l'esprit tranquille. C'est réglé. Lui, là, c'est réglé. c'est un jeu que j'ai et il est en bon état. Mais c'est ça. Ça veut dire que t'es quand même plus collectionneur. Avant, je collectionnais des cartes de hockey. Oui. Puis, ce que j'aimais pas des cartes de hockey, c'est qu'à un moment donné, c'est maladif aussi. Tu regardes les coins, sont-tu beaux, sont-tu parfait état. Ça, c'est fatigant à longue. Les jeux vidéo, moi, ça me dérange pas qu'ils soient pas top shape. Tant qu'ils sont assez beaux pour être présentables, ça fait mon affaire, c'est correct. Ça me rend pas malade là, qu'ils soient un petit peu usés. Parce que moi, j'ai des jeux de Nintendo. Là, je regarde, j'ai une copie de Roller Games. Magané. Est super magané. Non, elle est belle. Je pense que c'est Sunset Riders. Sunset Riders, il y a des marqueurs dessus puis tout. Mais moi, j'étais super content quand je l'ai vu au Pawn Shop parce que je voulais jouer au jeu. Je me fous carrément de la pochette. Fait que c'est ça. Moi, je suis plus de type consommateur, si je pourrais dire. Collectionneur. Je sais pas toi si c'est comme ça. C'est quand on aime un jeu, on veut l'avoir complet. On va avoir une copie physique du jeu pour dire je l'ai ce jeu-là. Mais vous aimez l'objet. C'est ça la différence. J'aime bien l'objet. Moi, j'aime l'intérieur. Moi, ce qui compte à la limite, là, c'est la chip. C'est vrai. Il faut que j'avoue que c'est vrai. Ouais, j'aime ça avoir un jeu qui est en bon état. C'est ça. Mais tu sais, tu prends ton gaz à lighter, ton Google. J'enlève mes collants comme tu as montré sur YouTube dans une de tes vidéos. Ouais, c'est ça, là, tu sais. Tu recolles tes collants aussi. Des fois, tu sais, les petits coins là, qui roulent. Ouais, ça, tu mets un petit peu de colle, du leur colle à bâton, ça marche très bien. Moi, quand t'as des labels noirs qui sont comme égratignés, tu passes un feutre noir dessus pour cacher le blanc. Oui, déchirure, là. Oui, je fais ça aussi, la déchirure. Moi, j'ai fait « Le jeu marche-tu? » Oui. Bon, bien content. Okay. Mais il y a un fan qui, suite à mon vidéo, justement, il y a deux personnes qui m'ont parlé de Spray Net. Pour enlever le marqueur noir. Ouais, c'est vrai. Et je l'ai essayé. On m'a dit que ça prenait le axe. Là, chez nous, j'ai juste du très aimé. Fait que je l'ai essayé. Puis ça a marché. Ben, pas complètement parfaitement pour le marqueur noir, mais tu sais, ça l'a enlevé à 80%. Là. Ça fonctionnait marqueur avec du vert. Ça marche mieux que du gaz à briquet. Gaz à briquet, j'ai jamais réussi à enlever du marqueur avec ça. Sur du plastique, ça peut marcher dépendamment du marqueur. Il y en a qui fonctionnent, il y en a qui ne fonctionnent pas. Là. Ah, c'est ça, hein, parce que les marqueurs font une différence. Essayez ça du Sprinet, peut-être pas sur un jeu que je tiens à cœur, mais je vais peut-être l'essayer. Ça veut dire que c'est la marque Axe qui fonctionne le plus. Ben, c'est ce qu'on m'a dit, mais moi, j'ai pas essayé Axe et ça marche. Ce que ça fait à tes cheveux, man. Ben ouais, c'est ça. Ça colle pas, ça, après le limbo. Non, étrangement, ça un petit peu, là, mais tu sais, ça fait pas comme un gâchis dégueulasse, là. Ça se manipule bien. Tu sais que pour enlever des collants, un séchoir à cheveux, ça marche. Ah ouais? Ouais, tu fais chauffer ça là, juste un petit peu, là, puis le collant, après ça, il s'enlève tout ça. Mais tu sais, les maudits collants gris métalliques, Ouais, quand tu les enlèves, ils laissent des traces. Oui. Ouais. Ah, c'est le cancer, ça. Comment est-ce que tu enlèves ça? Une gaz à briquet. Oui, mais c'est parce qu'ils sont collés sur les étiquettes déjà en arrière. C'est quand c'est collé sur un collant, ça c'est moins évident. Il faut que tu y ailles vraiment délicatement, tu l'enlèves bien tranquillement. Ah ouais. Mais des fois. J'ai rien trouvé de mieux que du gaz à briquet. J'avais essayé du Goo Gun. Ouais, Goo Gun, j'en ai entendu parler, je l'ai jamais essayé. Puis moi, je trouvais que c'était moins bon que du gaz à briquet. Ouais. Moi, j'aurais peut-être une solution pour vous autres parce que c'est quelque chose que j'utilise souvent à la maison pour enlever des taches extrêmement tenaces. Du Goo Puff. Goof off. Ouais, goof off. Ça, c'est pas un personnage dans Dragon Warrior. Ça, c'est ça. Non, c'est ça. C'est un des films de Goofy. Ça s'appelle Goof Off. C'est okay. Comme un mélange de Face Off pis de Goofy. Avec Nicolas Cage dans le rôle de Goofy. Non, c'est ça, mais du Goof Off, c'est comme une espèce de petite bouteille qui ressemble à du WD-40. Ça sent le bâtard, mais ça enlève à peu près n'importe quelle tâche qui existe. C'est comme le sirop Bentley, ça goûte mauvais, mais ça marche. Oui, c'est ça, exactement. Ça sent mauvais, mais ça marche. Okay. Mais ça enlève n'importe quelle tâche, puis des affaires là, vraiment tenaces, là, genre une vieille tâche d'huile sur un sol, ça peut l'enlever. Ça enlève du marqueur aussi. Une fois, j'avais du marqueur sur un mur, il n'y a rien qui l'enlevait. Ça l'enlevait, puis ce qui est le fun du Goof Off, c'est que ça irrite pas le matériel sur lequel la tâche est. Okay, okay. Ce qui est très difficile. D'habitude, si tu passes ça, mettons, sur du bois, ben tu vas tout massacrer ton bois. Puis là, ça fait pas ça. Fait que Goof Off, c'est ça. Ben moi, j'ai essayé du vernis à ongles remover. Puis, pas pire, mon idée, ça peut-être. Non, ça marche pas. Ça l'attaque, le plastique. Comme gris de la cassette, là, ça l'a comme tourné, c'est devenu blanc. C'est malade, il y a de l'acétone là-dedans, puis ça, dans le plastique, ça réagit super mal. Là. Mon gars. Fait que c'est pourri, essayez pas ça. Mais, fait que vous êtes vraiment collectionneur. Ben ouais, vraiment. Là, c'est malade, tu sais. On dirait qu'on va se faire une manucure tantôt. Là, nettoyer les dents en dessous, tu prends quoi, toi, Dominique? L'alcool à friction. Il y en a qui prennent du Windex aussi, ça a l'air que ça fonctionne bien. OK. Oh, moi, j'ai une grosse bouteille d'alcool à friction. Puis, tu peux acheter chez. J'enlève bien des autocollants avec ça aussi. Chez La Source, c'est un nettoyeur de tête de contact. OK. Ça va bien aussi. Ouais, c'est vrai, ça, c'est pas fou. Ouais. Mais venons-en au fait, là. Ta collection, ouais. Brian, là. T'en as combien des jeux, là? Je sais pas. Au début, je les comptais. Tu sais, quand t'en as, genre, 1000, t'es compte. Je n'ai pas tant que ça. C'est ça, 1000 n'a pas bien. Au début, tu commences. Tu vois du monde qui passe leur collection, ils disent qu'ils ont 2000 jeux. Fait que toi, tu comptes tes jeux, savoir combien tu en as. Mais à un moment donné, j'ai arrêté de compter. C'est pour ça qu'il m'intéresse de savoir combien j'en ai. Moi, c'est plus la qualité des jeux que j'ai, en fait. C'est les jeux que j'aime. Puis, ouais. Mon but, c'est pas d'en avoir plus que le plus gros collectionneur. Là. Moi, j'en ai. Je dirais peut-être 3000, peut-être 4000, je sais pas. Ah, ben, attends, c'est pas tous des jeux de Neo Geo là, que la cassette est grosse comme un VHS. Là. Là-dedans, t'as des jeux de Game Boy DS aussi, c'est petit. Ben, quoi que le cas, c'est gros. Mais là, attends, là, il te faut une méga cave pour mettre ça. Je veux dire. Non, c'est tout ça que tu mets ça. Chambre, là. Une petite chambre avec des armoires. Là. Non, c'est pas tant de place que ça. Ben, j'ai vu que dans cette pièce-là, dans ton appartement, t'as comme. T'as sacrifié la fenêtre. Comme une planche. Ça, un c'était un peu maniaque. C'était pour que le soleil rentre pas. Tu sais, le soleil, quand ça tape sur les cassettes, c'est ça, quand fait ça tape sur tes affaires, ça fait jaunir tes consoles. Ouais. Je me suis dit, je vais condamner ça. Puis non seulement ça, t'as pu mettre des belles tablettes devant ça. Le propriétaire l'a pas vu encore. Je sais pas ce qu'il va dire s'il voit ça. À chaque fois qu'il vient, je ferme la porte pour qu'il voie ça. Puis j'entends pas les musiques. Il nous écoute ce soir. Bon, je pense pas qu'il écoute. Ouais, c'est ça. Tant qu'ils disent, il faut que tu enlèves ça de là parce que. Ben, fait que t'as une pièce pleine de bibliothèques, dans le fond, qui sont chacune remplies de jeux. Là. Ouais, c'est ça. En gros, c'est pas mal ça. J'ai un meuble pour Genesis. En fait, je suis rendu à deux meubles pour le Genesis, Nintendo, Super Nintendo, etc. Quelle console que t'as le plus de jeux? Sega Genesis. C'est ta console, ça? Ouais, c'est ma console, celle-là. Ah ouais? C'est ta préférée? Je pense que t'es le premier que je rencontre qui trippe autant Genesis. Ah, c'est parce que le Genesis et le Super Nintendo, c'était deux types de consoles différentes. Hein. Sur le Genesis, tu avais plus des shoot'em up, des jeux type arcade, si on peut dire. Oui, c'est vrai. Super Nintendo, tu avais surtout des RPG. Tu avais une couple de jeux semblables au Genesis aussi, mais en gros, c'était des RPG surtout. C'est quoi ton meilleur jeu de Genesis? c'est Contre Hardcore. Okay. C'est mon jeu préféré à vie. Hey, c'est drôle parce que le premier épisode de Rétro Nouveau, on a parlé. Ça, c'était Russian Attack. Mais, mais Contre Hardcore, quand est-ce qu'on en a parlé? Mais c'était dans les premiers, là, d'ailleurs. Puis moi, je savais que ça existait parce que je l'avais lu sur Brian, là, justement. Mais lui, puis, il t'en avait bien gros parlé. Puis lui, c'est toi qui l'avais acheté, justement. C'est moi qui l'ai acheté pour qu'on en fasse une critique Rétro Nouveau. C'est quand même dommage pour ce jeu-là parce que je pense qu'il n'a pas été aimé à sa juste valeur parce qu'il est sur Genesis. Parce que tu as quatre différents personnages, tu as un paquet d'armes différentes, tu as des chemins différents que tu peux prendre. Moi, je trouve qu'il clenche la version Super Nintendo. C'est sûr qu'il est sorti genre une couple d'années après, je pense. Là. Ah ouais, ben, je sais pas, je les trouve quand même différents. La nouvelle version, le remake sur PlayStation Network et XBLA? Tu parles de Contra Rebirth? Non, de Contra Hardcore. Oui, lui, je l'ai fini aussi. Oui, ça, c'est la suite ou le préquel à Hardcore, je me souviens plus. C'est la suite, c'est supposé être la suite. Oui, c'est ça. Oui, lui, je l'avais fini, j'avais quand même aimé ça, mais j'ai trouvé les tableaux un petit peu longs. C'est vrai. C'est juste ça que j'ai pas aimé de ce jeu-là. Tableau un peu long, mais... Sinon, tes meilleurs jeux de Genesis, c'est quoi? C'est-tu les classiques à Restore? Ça, j'ai bien aimé aussi, ouais. Non, moi, c'est Contra Hardcore, Alien Soldier... Si vous connaissez Treasure, c'est un jeu de Treasure. Mais Treasure, tout le jeu quand même. Là, comme là, tu dois aimer Gunstar Heroes. Je vois aussi, c'est un bon jeu. J'ai préféré Contra Hardcore à Gunstar Heroes. Ouais. Il y a Gaia Ares. Ça, je l'ai pas. C'est pas la première fois que je l'entends parler. C'est quoi qui est spécial? Lui, je pense qu'il a pas été aimé parce que. Il a pas été aimé par tout le monde. Mais il y a un suivi culte. C'est pas la première fois que j'entends le nom. Lui, il est bon en tabarouette. Je pense que le problème, c'est que quand tu meurs, t'as un système de checkpoint qui te repousse un peu plus loin dans le tableau. Il faut que tu repasses la séquence où t'es mort sans power-up. Ok. Donc ça a découragé bien des joueurs, mais une fois que tu connais le jeu, il n'est pas si difficile que ça. Ben, c'est comme Gradius un peu. Genre, un coup que tu es bien équipé, il ne faut jamais que tu meurs, sinon tu as de la misère à te rebâtir. Ouais, ça c'est vrai pour Gradius. Ça c'est chiant. Non, lui c'est moins pire parce que tu peux te restocker assez rapidement en power-up. Ah, okay. Parce que tu as un item que tu peux lancer à n'importe quel ennemi, puis tu peux avoir son arme. Ça te permet n'importe quand de scanner un ennemi, avoir son arme, puis de power-upper, si on peut dire. C'est quoi les consoles que t'as chez vous, là? Énumère-moi les toutes. Ouais, j'en ai prêt. Si on compte pas les doubles, je pense que j'en ai trop pour énumérer ça ici. Ah ouais, t'as une trentaine? Ouais. Ben là, moi, je te parle pas les doubles, là. Dis-moi pas que t'as 5... Ben, je sais que t'as déjà, genre, 5, 6 Sega CD pour avoir vu les photos. Non, j'en ai 4 à peu près, là, mais... Mais à la limite, est-ce que tu pourrais dire que t'as toutes les consoles? Non. C'est laquelle la plus vieille? J'ai pas la Virtual Boy, entre autres. J'aimerais ça l'avoir. Par choix ou... OK. Non, c'est vraiment parce que ça a pas donné. Là. Ouais, c'est ça. La plus vieille que t'as, tu as un Odyssey, genre? Non, ça, j'en ai pas non plus, tu vois. Non, ça, oui, j'en ai un Vectrex. Même que j'en ai deux Vectrex. Parce que je voulais être sûr que si un de mes Vectrex, il brisait, que j'en avais un autre en backup. Parce qu'elle est dispendieuse quand même. Puis je me suis dit, si ça prend encore plus de valeur, ben, j'aurais pas payé comme 800$ pour en avoir un autre si l'une des deux qui brise. Ouais, c'est vrai, t'as raison. C'est quoi c'est quoi ta console la plus précieuse? Je pense que ça serait peut-être le Neo Geo, peut-être le Vectrex. OK. Peut-être le Turbo Duo aussi. Les consoles qui sont assez dispendieuses dans le monde. As-tu une 3DO? Il paraît que la 3DO, elle coûte pas mal cher maintenant. Non, maintenant, je sais pas. Les prix, ils varient tellement. Non, il y a pas longtemps, on pouvait en avoir une pour 100$. À peu près une 3DO. Parce que Neo Geo, ils commencent justement à démocratiser leur affaire. Là. Ils sortent leurs jeux sur pratiquement toutes les consoles. Ouais. Presque rien. Ils sont même pas 5$, ces jeux. Effectivement. Même ils sont sortis iOS, presque partout. Il y a eu des compilations sur PS2. Ouais. Oh, sur Xbox Live, il y avait des jeux de Neo Geo aussi. Puis justement, tantôt, t'as parlé du jeu des Flintstones. Moi, je me demandais, c'est quoi ton jeu le plus rare? Ça, je la voyais venir, cette question-là. Il y a un fan, et les fans veulent savoir ça aussi, Maxime Duguay. C'est quoi le jeu le plus fier? Dans lequel t'es le plus fier. Lequel t'es le plus fier? Là, ta meilleure pêche. Puis, j'aime pas ça parler de ça. Je trouve que ça fait. Ça n'a pas de. T'es collectionneur, c'est quand même le fun de savoir qu'il y a quelqu'un qui a ça. T'sais, d'ailleurs, c'est quand même un phénomène, un gars qui a 3000 jeux. Il y en a qui n'ont plus que moi, c'est juste qu'on n'entend pas parler, à mon avis. Là, on entend parler d'un, là, t'as un micro, c'est magnifique. Un gars comme qu'on parlait tantôt de Vidtendo sur YouTube, là, il n'a plus son account, mais il y avait beaucoup de jeux, ce gars-là. Mais... Ouais, d'ailleurs, on a un fan qui nous a parlé de lui. Ouais, il y avait beaucoup de jeux. Hey, c'est-tu Nintendo, votre invité? Non. C'est un phénomène, ce gars-là. Mon jeu le plus rare, ce serait peut-être, là je le prononce peut-être mal, là, c'est Hagan, mon Super Nintendo. Ah ouais. Sauf que ce qui fait qu'il est rare, c'est parce qu'il est neuf. OK. Et donc, ça fait monter comme la valeur. Comme il est sealed, 5. Comme on dit. Il est sealed, factory sealed, comme on dit. Ça, c'est drôle parce que je l'avais acheté sur eBay à un vendeur. Il m'a dit, la copie est mine, il n'y a aucun défaut. Fait que je l'ai acheté à 70$. À l'époque, c'était un bon prix à l'époque. Maintenant, il vaut plus cher que ça, mais à l'époque, 70$ pour Hagan, c'était un prix quand même assez raisonnable. Quand j'ai reçu le jeu, la boîte était en parfait état, mais la cassette était scrap. Il y avait la moitié du label qui était arraché. Ah. Il y avait, je pense, il y avait des collants de Club Vidéo dessus. D'ailleurs, c'est sur mon site, ceux qui veulent voir peut-être l'image de ce jeu-là. Fait que j'étais un peu en maudit. Mm-hmm. Je me suis dit, je vais garder mon calme, je vais le contacter poliment, je vais lui dire, regarde, écoute, ton jeu là, qui est mint, là, ben, il est pas mal scrap. Oui. Fait qu'il me dit, ben, retourne-moi là au complet, la boîte, la cassette, tout, puis il m'a envoyé la copie qui est mine. Je suis désolé, je me suis trompé de copie. Fait que j'y ai reposté au complet, puis il dit, regarde, il dit ici, là, j'ai un jeu qui est factory sealed. Il dit, si tu veux être sûr qu'il soit beau, là, lui, il est neuf. Il dit, pour 40$ de plus, je pourrais te le vendre. Ça faisait à peu près 120-130$. J'ai dit, OK, envoie-moi là, tu sais, puis c'est comme ça que j'ai eu une copie sealed, sans trop le vouloir. OK. Ah oui. Fait que tu l'as, elle est pas ouverte, là. Non, elle est pas ouverte, puis je l'ai mis dans un petit case en plastique, en acrylique. Ouais. Là, Est-ce que tu avais joué au jeu auparavant? Oui, ça, je l'avais fini en émulation. OK. Ouais. Puis maintenant, sur eBay, il s'est vendu récemment à 1500. Wow! OK! Puis en général, il part à peu près 800 ou 1000 sur eBay. OK, OK. C'est un peu hasard, en fait. Ben là, on parle, à ce prix-là, c'est la copie complète, là. Oui, la copie complète, oui. Oui, c'est LED, là, oui. C'est sûr qu'il est malheureux parce que c'est juste le fait qu'il soit sealed qui vaut si cher. Ouais. Ben pour les gens, c'est sealed ou sealed dans le fond. Sealed, ouais. Sealed. Sealed, ouais, je faudrait sais, dire. En québécois, c'est toujours sealed qu'on dit, genre. Là. Ça veut dire emballé dans le plastique d'origine, là, directement sorti c'est de ça, l'usine. Ouais, avec factory le, sealed. Avec le seam en arrière, tout. Ouais. C'est ça, le sleeve, tout le kit. Là. Le jeu n'a pas été touché d'aucune façon, pas ouvert. Rien. Parce que du monde, ça a l'air, ils sont prêts à payer des prix de fou pour avoir. Ah ouais, il y en a des collectionneurs de sealed. Moi, c'est pas mon cas. Ouais, c'est ça. Non, pas en tout. Mais justement, moi, je me demandais, là, toutes ces. Cette belle collection-là, un jour, penses-tu les vendre pour faire de l'argent ou tu penses que tu t'en départiras jamais? Mais je pensais à ça, tu sais, mais qu'on s'est rendu à 70 ans, 80 ans. C'est ça, quand tu n'es plus capable, mettons, tu es en famille, tu as deux enfants, tes affaires sont faites. Moi, je me dis que quand je serai tanné, au pire, je revendrai. Puis je peux pas être perdant parce qu'à quelque part, les jeux, ils prennent tout le temps de la valeur. Ouais, c'est ça. Fait que si un jour tu revends, tu vas faire peut-être un petit profit au final. Fait que, ben oui. Pour la fin du monde. Mais pour l'instant, je suis loin de m'en débarrasser. Là. Non, c'est sûr et certain. Là. Puis ici, Maxime Duguay qui nous demande aussi, c'est quoi la réaction des gens... Il n'y a pas un gars en bas qui dit « je m'en calisse aussi », non? vraiment pas. C'est quoi la réaction des gens quand tu leur dis que ta passion, c'est collectionner des jeux vidéo? Ah, mais ça, c'est de quoi tu vas pas dire à tout le monde non plus. C'est hein? ça. Ben, moi, je suis gêné un peu de ça aussi, d'ailleurs. Par contre, une fille, tu vas pas dire « moi, j'ai toute une collection chez nous, là ». Ouais, parce que ça pourrait faire peur à du monde. On va dire « OK, où la trappe pour que je revienne jamais chez nous ». Ouais, c'est ça. Mais le pire, c'est qu'avant ça, c'était un petit peu moins accepté. Hein? Je sais pas, début d'année 2000. Ben, là, les jeux vidéo, en général, ça a longtemps été quelque chose de weird pour moi. Mais depuis que les filles ont commencé à jouer parce qu'ils veulent parler avec du monde sur le live, j'ai plus accepté maintenant. Puis je me dis, si je m'en cache, que je suis un passionné de jeux vidéo, ben, je me mets à moi-même. Je suis jamais à l'aise avec personne si je cache ça. Là. Non, c'est important que le monde le sache. Puis tu sais, c'est une passion, puis c'est un hobby comme un autre. Tu sais, crime, il y a du monde qui collectionne des tailles. C'est ça, ou des effaces. C'est ça, ou des effaces. Des attaches à pain. Moi, je dis, à chacun son affaire, puis c'est une collection aussi. Regarde un gars qui est passionné de pêche ou qui est passionné de teint, mais il va être un peu fou dans son affaire aussi. Oui. Il va triper, puis il va avoir des affaires, tu comprendras pas. Oui. Mais souvent, collectionneurs, c'est des gens obsessifs, compulsifs. C'est ça que je. Non, ça, je suis pas comme ça. C'est ça, mais. C'est ça que j'aime pas. C'est l'image que j'aime pas, justement. C'est ça. Mais c'est ça qui est plate. C'est l'image qui est projetée. Du gars qui regarde surtout la valeur de ses biens. Ça vaut le temps, puis je veux ramasser tous les jeux de cette collection-là pour. Ah, pas juste ça, mais même le gars qui est là, puis là, il voit une poussière sur son jeu, puis il fait comme fuck, non, touche pas à ça! Puis là, il frotte son jeu comme un malade, là, puis c'est comme mon précieux, puis là, il cache, tu sais. Ça, c'est pas beau, ça. Ça, ça arrive ça. Souvent, mais c'est pour ça aussi, je pense, qu'il y a certaines personnes qui ont peur des collectionneurs. Moi, j'avais un chum qui collectionnait des comic books. qui était comme ça, puis qui a fait peur à beaucoup de monde dans son entourage comme ça, autant gars que filles, parce que trop intense son affaire. Là. Toi, je te dis que j'aime pas ça me faire appeler un collectionneur. C'est ça. Ouais, tu veux pas avoir cette étiquette-là non plus sur toi. Non, tu veux pas que ça soit négatif, mais en même temps, tu sais, c'est une passion. Moi, je trouve que ce qui est très respectable des collectionneurs comme toi puis Dominique, c'est que vous jouez au jeu aussi. Ben, je pense qu'il faut que tu t'attaches à ce que toi, si tu joues pas, tu fais un que ramasser pour ramasser, ben, à un moment donné, tu vas peut-être être tanné. Exact. Ben, ça prend de la place aussi, ces affaires-là. Là, ouais, si c'est ça. Ça a pas de personnalité, je veux dire, c'est une pochette quand tu connais pas le contenu puis que tu y joues juste en émulation aussi. Je trouve que on parlait de ça, moi puis Dominique, d'un début de Rétro Nouveau, tu sais, qu'on aimait pas l'émulation parce que ça enlevait de l'expérience. Tu sais, ce qui est le fun d'un jeu rétro, c'est de le sortir de sa boîte, tu sais, puis de l'insérer dans la machine d'origine, puis d'avoir vraiment le feeling d'origine. Je pense que ça, c'est propre à chacun. Hein. Je pense que si une personne se fait du fun en émulation, pourquoi pas? Oh oui. C'est propre à chacun. Moi, l'émulation, ça m'a fait découvrir un paquet de jeux que je pensais jamais acheter un jour. Là. Ouais, c'est ça. Des jeux qui coûtaient une fortune, puis j'ai joué en émulation, puis j'ai dit, tabarouette, c'est donc bien bon. Ça, c'est vrai. Là, j'en voulais une copie. C'était comme maladif, tu sais. En même temps, si t'as le choix, est-ce que tu préfères l'émulation au jeu? Non, je préfère la vraie cassette. C'est ça, parce que là, t'aurais pas besoin d'avoir 3000 jeux chez vous. Là, tu pourrais tout avoir ça sur un iPhone. Non, c'est ça, Je te dirais que je joue plus souvent en émulation pour la commodité. Okay. C'est direct sur ton ordinateur, tu loads le jeu, tu commences à jouer tout seul. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais je préfère avoir les copies quand même malgré tout. Ah oui. Ça enlève la personnalité personnellement, moi, je trouve. Toi, je sais que t'es pas un gros fan. Je sais qu'à un moment donné, dans l'épisode 19, tu disais que toi, ça serait juste en download, puis t'aurais pas de problème avec ça. Là. Ben, j'aurais pas de problème avec ça, mais moi, ce qui me... c'est plus les vieux jeux, vraiment, là, comme les jeux de Nintendo. J'ai de la misère, tu sais, ils sont là sur la Wii, sur la Virtual Console. Puis quand j'y joue, j'ai pas le même feeling, pantoute. Tu sais, c'est complètement autre chose que... Quand je sors mon Nintendo puis que je rentre une cassette dedans puis que j'ai vraiment le feeling, tu sais, ça me ramène en arrière. Moi, c'est une affaire de nostalgie personnellement pour moi. Fait que quand je mets le jeu, ça me ramène là, des années en arrière puis je trippe au bout où la seule préoccupation que tu avais dans la vie, c'était de jouer à un jeu vidéo. C'est ça. Puis moi, c'est ça que j'aime de ces jeux-là, là, vraiment. Tu sais, c'est que ça te ramène à une époque de ta vie où... mon gars, t'avais pas de compte à payer, là. C'était juste le jeu, that's it. C'était juste ça qui avait d'important dans ta vie, tu sais. Aussi, des fois, les gens, ils vont dire, t'as payé cher pour tel jeu, mettons, t'as payé un jeu 300. Oui. Ils vont dire, ça a pas de bon sens, t'as payé cher. Mais quand tu regardes sur eBay, tu vas dans les completed listings, tu regardes, mettons, si le jeu se vend 295, 310, 280, t'as payé à peu près 300, t'as pas payé un prix de fou, puis éventuellement, tu vas pouvoir le revendre 300 aussi. Oui, c'est vrai. Fait que tu perds pas beaucoup au final. Ben, c'est ce qui bug le monde, je pense, c'est comme, hey, t'as acheté un jeu vidéo 300$. T'sais, à 300$, t'aurais pu faire ci ou faire ça. Selon leur goût à eux autres. Ouais, mais c'est ça, c'est selon leur goût à eux autres. Effectivement, tu sais. C'est comme le gars qui tripe ses thèmes. Moi, je vais dire, crime. À un moment donné, il va s'en payer un thème de 1000$. Ouais, c'est ça. Puis c'est ça que ça va être. Moi, je suis un des premiers à dire que je mettrais jamais au-dessus de 100$ pour un jeu NES. Ouais. Finalement, je me suis retrouvé à le faire. Là. Ouais. Avec le temps, tu grandis avec ta collection, puis tu deviens plus obsessif un petit peu pareil. Veux pas. Ouais. Tu dis, ah ouais, donc un petit 100$ pour ce jeu-là. Mais ce qui est difficile, c'est de se contrôler, moi, je trouve. Ah, ouais, tu checkes le budget, là. Puis tu dis, ah, il faut se retenir. Moi, je me retiens d'aller dans les pawn shops, je me retiens d'aller sur Kijiji ou sur eBay. Bien, parce que je sais que je vais trouver quelque chose à mon goût. Tu sais, tu vas tout le temps trouver quelque chose. Il y en a tellement, là. Tu sais, c'est difficile d'arrêter. Tu sais, des fois, ce qui nous pousse, c'est quand tu vois un jeu que tu sais qu'il est pas cher et il vaut plus cher. Là, tu as le goût de l'acheter, mais tu dis, je veux pas l'acheter. En fait, je vais l'acheter juste parce que je sais qu'il est pas cher. Ouais, c'est ça. Je pourrais le revendre plus cher, mais je le revendrai pas. Ouais. Moi, j'ai toujours ce dilemme-là. Je finis par l'acheter puis je le sers. Ben, comment passer à côté d'un bon deal, là, tu sais? Ouais, c'est ça. C'est dur, là. Collectionneur, tu veux pas juste regarder non plus la valeur des choses, mais t'as pas le choix de vivre avec ça. Ça fait partie du domaine des jeux vidéo rétro. Ouais. Ouais, ils sont là, tu peux pas comme les ignorer. Il y a Martin Houle ici qui voulait savoir. Martin Houle, il vient de où, lui? Il vient de Longueuil. OK, parce que j'en avais un à mon école qui s'appelait comme ça. C'est beau. OK. il habite à Longueuil présentement, en tout cas, là, à ce qu'il m'a dit. Et puis, il voulait savoir où est-ce que tu t'achètes tes jeux, surtout eBay. Moi, c'est eBay. eBay, parce que les boutiques, en fait, ce qui arrive, c'est que souvent, admettons que je vais avoir Fear Effect sur PS1. Ouais. Je vais en boutique, mais ça se peut qu'il l'aille pas, là. C'est un jeu rétro. Fait que des fois, tu ressors de là, genre, pour 100$ de jeu, mais t'as pas le jeu que tu voulais. Ouais. T'es content parce que t'as pas payé cher, t'as eu un bon deal, mais t'as pas le jeu que tu voulais. Parce que sur eBay, t'achètes ce que tu veux, tu peux même choisir un jeu qui est dans l'état que tu veux. C'est vrai. Ouais. Fait que t'es comme toujours content au final, malgré tout, parce que t'as vraiment le jeu que tu voulais, t'sais, quand t'es joueur, là. Ben, ouais. Mais t'es payé full price, par exemple. T'sais, moi, ce que j'aime, c'est aller dans les marchés aux puces et les ventes de garage. T'sais, le monde qui font des ventes de feu qui n'ont aucune idée de la valeur des jeux. C'est là que t'es comme, holy shit, sauf ils que... vendent ça 2$. Sauf que là, tu fais une chasse au trésor dans ce temps-là. Ouais. Tu cherches pas un jeu spécifique. Non, c'est ça. C'est ça la différence. C'est du magasinage de. Ouais, c'est du chassage de jeux. C'est ça, tu cherches pas un... comme. Tu cherches des chercher billes, le jeu que tu cherches depuis un bout. En fait, pour la cassette des Flintstones que j'ai acheté, moi, ce que j'avais fait au début, j'avais fait toutes les boutiques à Québec. Ouais. Parce qu'un de mes amis qui m'a dit qu'il avait trouvé une Flintstone dans un free game à 10$. OK. Tel qui est rare, là. À Saint-Georges-de-Beauce. Oui, en plein ça. Je sais, moi, je viens de la Beauce, puis j'ai lu sur le forum que ce gars-là a trouvé ça, là. Flintstone c'est à ça, 10$. C'est ça. Puis moi, j'étais allé à Saint-Georges, genre, 2 semaines après, man. Je capotais, parce que j'y vais chez Free Game, mais continue. Fait que c'est ça, je me suis dit, je vais faire toutes les free games. Peut-être que je vais être chanceux, que je vais tomber sur une Flintstone. T'sais. Ouais. Évidemment, j'ai pas été chanceux. Fait que je suis revenu chez nous, j'avais dépensé 100$ de gaz, j'ai acheté pour 200$ de stock dans une boutique. Mais j'arrivais chez nous et j'étais pas content. T'sais, j'avais eu un paquet de guides, un paquet de jeux, mais j'ai pas ma montée de Flintstone. Fait que je me suis dit, au diable, j'aurais dû prendre ce 300$ là et l'acheter. J'étais plus content. T'sais. Ouais, c'était un fait. Maintenant, j'ai passé une pub et j'ai pu l'avoir pour 300$, mais au final, j'ai dépensé plus pareil. Puis, dernière question de Kevin Brasseur. Brasseur. Brasseur. C'est quoi la valeur totale, tu penses? Ouais. Aucune idée. Hein. C'est moi, dur à chiffrer. Non, je regarde pas ça. Non, regarde pas ça. Rough, moi-même, j'ai comme une collection qui est vachement plus petite que la tienne, puis je sais pas que ça vaut. Ben, faut que tu t'assoies puis que tu checkes, là, puis c'est long. Moi, j'ai jamais compté, j'ai compté combien que j'ai de jeux, combien que ça vaut au total. En même temps, je m'en fous. Ouais, c'est ça. Ce qui est le fun, c'est de les ramasser. Puis c'est ça, c'est juste amasser. Le reste, je m'occupe pas tant que ça. Excusez-moi si c'est pas que vous vouliez entendre. Non, c'est la réalité. C'est très bon. J'aurais voulu comme vous sortir un chiffre astronomique, mais je sais pas. Ben, en tout cas, avec des jeux à 300$ puis à 1500$ pour deux jeux, mettons, de rentrer à 1800$ pour deux jeux, puis tu sais qu'il y en a 3000. Fait que ça donne une idée. Ils valent pas tout ça, mais quand même. 3000, tu sais, s'ils valent 10$, t'es déjà rendu à 30 000$, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait des fois aussi. En bas de 10$, on a pas. Ben, c'est sûr, t'achètes des badges des fois. Il y en a, mais. Ouais, des fois, c'est un peu hors sujet, mais tu sais, des fois, les mondes, ils vont te dire. Toi, t'es un vrai passionné parce que t'as une grosse collection, mais des fois, il y a du monde qui ont les moyens d'avoir des grosses collections aussi. Ouais, ouais, vraiment. Des fois, t'arrives chez du monde, pis ben, tu vois ça sur YouTube. Le gars, il y a 3-4 bandes d'arcade, il y a des néons, il y a une méchante game room, mais. De quoi aussi. Là. Oui, ah, c'est sûr. Il n'est pas certain. Plus passionné que toi, il a juste un plus gros cash flow. Tu sais. Ouais. Oh, il va avec nos moyens. C'est ça. Là, c'est ça. Ouais. On n'est pas des milliardaires. Si j'avais autant d'argent que lui, je n'aurais peut-être plus de jeux que lui. Oui. Ouais, c'est clair. Mais des fois aussi, un passionné, ça, c'est une question d'opinion. Un passionné, il peut avoir aussi juste les jeux qui le font triper, lui, puis peut-être qu'il en a 100, puis that's all, à quelque part, c'est ça qui est le plus sain, je pense. Oui. Mais. Toujours par aller en boutique et trouver des jeux pas chers qu'on aime pas, mais on les prend parce que ça fait une maladie. Là. Ouais, c'est une maladie, c'est vrai. C'est vraiment une maladie. C'est quand même une maladie. Là. Moi, je suis là, je vous vois. Si tu regardes des collectionneurs, des fois, tu vas remarquer qu'avant de collectionner des jeux, ils collectionnaient des comic books ou des cartes d'hockey ou autre chose. Ah ouais. Des figurines. Moi, j'ai collectionné des roches quand j'étais petit. Les minéraux. Voilà, les ça a commencé avec la roche, mon gars. T'es comme l'homme préhistorique. Les comic books, après les cartes d'hockey. Tu t'es rendu à combien de roches aujourd'hui? Ah, j'ai laissé tomber le marché des roches. J'ai eu une demande sur internet de parler des artistes chiptunes parce qu'on met souvent des artistes chiptunes sur Rétro Nouveau, puis autant moi que Dom, on aime pas mal ça, mais c'est quand même une scène qui est pas évidente à connaître, fait que je vais vous faire découvrir 5 de mes artistes préférés. Le premier band, c'est Anamaguchi, qui est un quatuor de New York. C'est possiblement le band le plus connu dans la scène chiptunes. Ouais, il est vraiment connu. C'est vraiment connu. Ils font leur tourne avec un S hacké et un Game Boy. Durant leur show live, ils utilisent des guitares, des basses, des drums pour donner une autre dimension à leur musique. Puis entre autres, ils ont fait la trame sonore de Scott Pilgrim vs. The World, The Games, qui est pas rien quand même. Oui. Puis la pièce Airbrushed est disponible dans Rock Band. Donc on peut voir quand même que le band est assez gros. Leur deuxième album est Down Metropolis, qui est sorti en 2009. Puis je vous fais écouter ma meilleure pièce qui est Helix Nebula. Mon deuxième artiste que j'aime bien, c'est Henry Home Sweet. C'est un musicien d'Angleterre. Il travaille surtout avec des Game Boy. Il a fait énormément de shows live, puis il vient de sortir l'album Enter 5D. Il a 6 albums à son actif, quand même très populaire. Et ma meilleure pièce, c'est Simple Pleasure. Troisième artiste, Hikari, qui est une japonaise qui fait des tunes chiptunes assez hardcore quand même, mais très sympathique, ça reste tout le temps assez up-tempo. Elle fait plusieurs shows live, elle utilise elle aussi... elle utilise un Game Boy Color, différent quand même. Pour les faire Game Boy sont bien populaires dans le chiptunes. Hein? Oui, vraiment, ben c'est parce qu'il y a des logiciels aussi pour utiliser le Game Boy pour faire la musique. Le Game Boy Color, Hikari a dit qu'elle est mordue à son Game Boy Color puis qu'elle, elle ne changerait pas de machine pour rien au monde. Donc, il y a vraiment une différence pour elle. Toutes ses tunes sont disponibles sur le web. J'ai pas trouvé aucun album d'elle, mais vraiment une artiste tripante. Ma meilleure tune, c'est Help. Quatrième artiste, Chirobon, qui est un artiste de Londres, il utilise lui aussi un Game Boy pour faire toutes ses pièces. Il est reconnu pour avoir mélangé les paroles à la musique chiptunes, mais moi j'aime encore mieux quand il s'en tient un son instrumental. Il n'y a pas encore d'album, mais toutes ses tunes sont disponibles sur Internet. Ma meilleure tune, Lightspeed Lucy. Oh, Et le dernier artiste que je vous présente aujourd'hui s'appelle Unicorn Kid. C'est un artiste écossais, un des plus populaires au monde. C'est vraiment un des artistes chiptunes les plus populaires au monde. Son vrai nom est Oliver Sabin et il fait du chiptunes depuis 2009. Rares sont les artistes qui deviennent aussi populaires en si peu de temps quand même. On est en 2012, puis ça fait pas longtemps. Puis mm-hmm. il a fait des remixes pour les Pet Shop Boys et Drake récemment. Wow. Personnellement, j'aime pas du tout son matériel avec ces artistes-là. Okay. Parce que c'est du gros dance. C'est vraiment, là, c'est complètement autre chose. OK. Par contre, ses pièces chiptunes sont excellentes, vraiment, et je pèse mes mots. Ma meilleure tune, c'est Dreamcatcher. Dreamcatcher. C'est ça, fait que maintenant vous connaissez un petit peu mieux le chiptunes, puis il y a aussi toi, Dominique, tu m'as parlé de quelque chose qui Toy. Se passe à Montréal. Ouais, à Montréal, Toy Company, il y a quelqu'un de cette organisation-là qui a communiqué avec moi pour des jeux à vendre, mais c'est ça, donc écoute, j'ai pas eu le temps de faire de recherche ou de discuter avec lui parce qu'il répond pas vite à ses courriels, mais c'est... Ça semble être de la... Ils font des événements de chiptunes à Montréal, ouais. dans les bars, un peu partout. Ben, on voit... J'ai vu plusieurs YouTube de leurs événements, puis... Ouais. Puis, c'est ça, mais c'est parce qu'il y a plein de pages YouTube, plein de pages Facebook, plein de pages de ci, plein de pages de ça. Il n'y a pas de page officielle. Toutes les articles. Je suis comme tout mélangé, là. J'ai un petit misère à suivre, mais il y a beaucoup d'artistes, dans le fond, qui sont les artistes qui font les parties, là. Ouais. Puis ça a l'air bien swell. Moi, je vais mais essayer d'aller cas, pas longtemps. Mais en tout cas, s'il y a un là. De ces artistes-là ou un des organisateurs de Toy Company, communiquez avec nous. Moi, ben j'aimerais oui. bien ça parler de vous autres. Puis la scène chiptunes est tellement underground. On sait pas trop où aller, quoi faire, qui voir. Ouais. Fait que on à aimerait Montréal. Bien ça en parler. Fait que communiquez avec nous. Yes. Je vais vous donner des commentaires des fans sur la Vita. Moi, j'avais demandé aux fans de nous dire qu'est-ce qu'ils pensaient de la Vita maintenant que ça fait 2 semaines qu'elle est sortie et qu'il y a quand même beaucoup de monde qui l'ont. Puis je vais faire un résumé rapidement. Il y a Jesse Terrien qui dit « Maudite belle machine qui n'est pas exploitée à 100%. » J'ai vraiment l'impression de gamer au PS3. Beaucoup, beaucoup d'avenir. Pour ce qui est du moment présent, eh bien, j'aurais aimé avoir plus d'apps. C'est vrai, ce serait le fun qu'il y ait plus d'apps. Mm. Un genre de App Store pour la Vita. Pas fou du tout. Il y a Dave Hardy qui dit « J'aurais préféré une manette Bluetooth avec la tablette Sony. Mon cash discrétionnaire va aller sur une tablette de 10 pouces. » La Vita est belle et bonne, mais à la maison, c'est une PS3 et en déplacement, c'est des jeux iOS sur iPad. Deux types de jeux complètement différents. Je recherche pas la même expérience. Je recherche une nouvelle expérience de jeu. Ah, pas fou quand même. Mm-hmm. Nick Chalifou qui dit « Parfait compromis entre petits jeux de portable qui se jouent rapidement durant le transport ou autre, et le hardcore gaming, quasi même qualité que les consoles dites next-gen. Elle offre aussi de plus grandes possibilités que la 3DS, même si on parle peut-être pas du même public et au niveau de l'offre de jeu. Les nouveaux types de jouabilité sont intéressants, mais je l'ai acheté pour avoir un gameplay classique de qualité PS3. Je l'ai acheté pas mal pour les mêmes raisons, Nick. Carl Robert nous dit « Vraiment une superbe console portable pour les gamers sérieux qui aiment les jeux de type console. Le public cible semble être les gamers de longue date, contrairement au iPhone, etc. » qui vise surtout les non-gamers ou les gens qui n'ont jamais joué à des jeux de leur vie. Disons que pour les jeux, la PS Vita offre des contrôles précis avec deux bons sticks analogues, pas besoin de on-screen D-pad de merde qui répond super mal. Ouais, ça ouais. Je pense que Dominique serait bien d'accord avec ça. Ah, je suis bien d'accord avec ça. Il y a Martin Bro qui nous donne un très bon résumé. La preuve que Sony est capable d'écouter leurs consommateurs. Ils ont appris que de la PSP et de la PS3 et ça se voit qu'ils ont appliqué ce qu'ils ont appris à la Vita. La Vita est puissante et offre un launch line-up fort qu'on n'a pas vu depuis l'ère 16 bits. J'avoue, on a souvent l'impression que les jeux ne l'utilisent pas à son plein potentiel, mais ceci est vrai de toutes les consoles à leur lancement. Donnons du temps à Sony et aux développeurs quand même. Ah, ça c'est sûr. C'est sûr. J'aime beaucoup la prise en main. Pas trop petite. Oui, je te regarde, Nintendo, que j'ai tant aimé dans le passé. Trop petite. Trop pesante. Ouais. Et non, le monde se plaint que la 3DS. Non, ils disent qu'elle est pas trop petite. Au contraire, elle est pas trop petite. Elle est quand même assez grosse. Ah, ben, c'est un problème, ça, qu'elle soit grosse, non? Ouais, ben, tu sais, il l'aime. Non, il l'aime. Non, c'est, il dit que c'est pas grosse. Un problème. Il dit que c'est pas trop petit, justement. C'est okay, assez okay. Gros. Lui, il aime pas ça quand c'est trop petit. Ouais, c'est ça. Okay. Pour moi, un équilibre entre la taille et le poids. La durée de vie de la pile m'a beaucoup surpris. Si on contrôle le rétroéclairage et que l'on désactive le Bluetooth lorsqu'on ne l'utilise pas, on peut vraiment maximiser l'utilisation de la pile au-delà de ce que Sony avait annoncé dans le lancement japonais. J'aime moins le OS. Ah, moi aussi, mon gars. J'avoue, je m'ennuie du XMB, moi avec. Mais plus que je l'utilise, moins que le OS me déplaît. Ça mérite encore qu'on doit cliquer deux fois pour démarrer une application qui n'est pas un jeu, mais si Sony planifie des mises à jour et des fonctionnalités shortcut ou avancées comme Near et le browser, par exemple, à ces applications, je comprends le pourquoi et j'accepte un peu plus. C'est vrai. J'ai hâte de voir ce que les développeurs vont sortir. J'attends DisGA 3, Absence of Detention, presque avec impatience. En attendant, je termine DisGA 2, Dark Hero Days sur ma PSP que je n'ai pas encore abandonné. Il y a Robert Ouellet qui dit « Très belle machine, inquiet de l'absence des doubles triggers et des L3 et R3 pour équivaloir avec la PS3 en attente du Remote Play pour finir Assassin's Creed Revelation et Uncharted 3 de mon lit. Golden Abyss, wow! Escape Plan, un must pour 15$ en attendant les prochains. » Ouh, Joël Martel serait pas de ton avis, mon gars. On doit admettre qu'elle est un peu dispendieuse, mais pour avoir acquis une 3DS au lancement, la PS Vita en a plus dans le ventre. Ouais, au même prix, ça c'est clair. Il y a Min Vovan qui dit « C'est vraiment une console portable faite pour les hardcore gamers. J'ai beaucoup aimé la prise en main de la console avec ses deux analogues. Il y a un nombre de titres excellents présentement. J'ai beaucoup apprécié Uncharted Golden Abyss, mais je trouve encore les jeux un peu chers. » Moi, je trouve que c'est quand même pas pire pour les prix. 39, ça a de l'allure. Michael Lambert qui dit tout simplement « J'aimerais jouer à des jeux PS3 sur l'écran de la Vita. » Bon, OK. Il y a François Courchaine qui dit « Les plus et les moins du PS Vita. Les plus, l'écran 5 pouces OLED. Il boot en quelques secondes. Super puissant, devrait pouvoir être assez fort pour les prochaines années. Librairie de jeux intéressante et plus orientée hardcore. Les prochains jeux qui s'en viennent sont malades. C'est clairement une console pour adultes. Compatibilité des jeux PSP qui devrait augmenter dans les prochaines semaines et mois. Ergonomie de la console, c'est une PSP 2. » Les applications sont intéressantes, Twitter fonctionne très bien. Les moins, la petite fente pour insérer les jeux. Je suis tellement d'accord avec toi. Hein. La console pourrait être plus grosse avec un plus gros écran encore. Oh boy, non, je pense pas. Non. Je ne cherche pas la portabilité, je joue avec sur mon divan de salon. L'output du son n'est pas tellement fort. L'OS déficient devrait être mis à jour dans les prochains mois, selon moi. Le trouble de transférer des jeux PSP en devant les redownloader de nouveau, même si on les a déjà sur nos PS3. Ouais, c'est vrai. Le prix des jeux est trop cher pour certains titres, juste correct pour d'autres. Vrai aussi. C'est pas mal ça pour l'instant, j'aurais sûrement d'autres choses à dire, mais là, j'écris sur le coin de la table en mangeant des crêpes. Mon clavier collant vous remercie. Longue vie à Rétro Nouveau. Alright, thumbs up, mon gars. Et dernier commentaire de Anthony Gravel qui dit « À date, je suis vraiment impressionné par la quantité de jeux de lancement de qualité. J'adore aussi la prise en main ainsi que la qualité de l'image. Finalement, les deux joysticks et le touchpad amènent de quoi de vraiment intéressant sur portable. » Donc, on peut voir quand même que c'est une majorité de gens qui sont satisfaits. Qui sont satisfaits de la PS Vita. Puis plus ça avance, plus l'avenir est intéressant pour la PS Vita. Je pense que c'est une console qui n'est pas doomed, comme certaines personnes l'avaient prédit. Là, il va y avoir d'autres bons jeux, puis ça va lever. Ça va faire la PSP, genre. Exact. Fait qu'en tout cas, continuez de nous envoyer vos commentaires. On aime bien ça vous lire, puis on aime bien ça savoir ce que vous pensez des consoles, des jeux, de nous autres, de tout. Héros et vilains. Le héros de la semaine, il y a bien du monde qui ont essayé de deviner c'était qui. C'est Bomberman. Yes. Yes, Bomberman, je l'adore. Vous avez vu d'ailleurs que j'ai fait un mash-up sur Bomberman qui est... Ouais. Et Bomber Chief. Bomber Chief. Mélange de Bomberman et Master Chief. Eh bien, Bomberman a été développé par Atinsoft en 1983, où il a fait sa première apparition sur le ZX Spectrum. As-tu ça, Brian, le ZX Spectrum? Non, j'en ai pas. Non, hein? Ça a l'air poche un peu, c'est comme un ordinateur. C'est pas terrible. C'est lettre à regarder. C'est pas terrible, puis quand tu regardes le premier Bomberman n'était pas pareil. C'était comme une espèce de petit bonhomme avec un chapeau de forme. Ouais, ben je sais que le cover du jeu au ZX Spectrum, Bomberman, est vraiment laid. D'ailleurs, je vais regarder ça tout de suite. Oui, il est laid. Bref, son costume était bleu dans le premier jeu, dans le tout premier jeu. Maintenant, il est blanc avec un corps bleu et des extrémités roses. Le premier jeu s'est nommé Eric and the Floaters en anglais. OK. Bomberman s'appelait Eric and the Floaters. Attention, en espagnol, Don Pepe y los Globos. Puis le jeu d'arcade Warp and Warp de Namco serait l'inspiration principale pour la création de Bomberman. Puis j'ai regardé le jeu, puis on peut pas s'empêcher de penser que c'est vrai. Là. Ouais. Fait que là, t'es-tu arrivé à voir ce que t'avais cherché? Ah, ben là, j'ai juste trouvé le cover de Bomberman au Turbo Graphics 16. Ah, ben là. Et c'est très laid d'ailleurs. Il y a eu plusieurs pochettes affreuses, ben franchement. Mais la ZX, j'essaie de la trouver. Mais c'est parce que la ZX, c'est une machine d'arcade. Peut-être que tu peux chercher Bomberman ZX Spectrum ou Bomberman Arcade. Non, en tout cas. Bref, d'ici là, moi, je vais vous donner ses origines. Bomberman, c'est un robot. Dans originalement, son histoire là, est incroyable. C'était un robot qui travaillait dans une factory de bombes souterraines. Il est tanné de travailler là, donc il doit se faire un chemin dans les labyrinthes en évitant les multiples ennemis. Il a maintenant le pouvoir de générer des bombes avec ses mains. Dans ce temps-là, ben, il ramassait les bombes et il les mettait à terre. Mais that's it, c'est un gars qui était carré de sa job, Bomberman. C'est drôle. J'aurais pas pensé ça. Non, je savais même pas que c'était un robot anyway. Là. Non, mais c'était un travailleur, c'est un robot. Ouais, c'est ça. That's all. Fait que son histoire est un peu plate finalement, puis ça a changé un peu avec les années. Bomberman, c'est aussi appelé White Bomberman, White Bomber, Cheerful White, Bomber John, et au Japon, Shirobon. Il rappelle l'artiste dont j'ai parlé tantôt. L'artiste Chiptune. Ouais, l'artiste Chiptune de Londres. Ça, c'est le fun. Fait que check ça, mon gars, les liens. On en a plein à soir. Voilà. Dans le premier jeu, il veut se sauver de la factory de bombes, mais par la suite, c'est l'histoire typique où des ennemis arrivent sur une planète et on doit les éliminer. Ça a été ça tout le long. Il y a même eu un gros quest de Bomberman à un moment donné sur le 64. Okay. Ça a vraiment là, la série s'est en allée n'importe où, là, vraiment. Là, mais il y en a eu des Bomberman sur plein de plateformes. Oui, là, il y en a vraiment eu beaucoup. T'en as-tu, Brian, des Bomberman? Une coupe, mais j'ai pas une série que j'aime énormément non plus. J'ai pas joué à beaucoup, à part celui au NES, celui au Genesis. Ouais. Ben, c'est la formule parfaite, le premier, tu sais, c'est ça qui fonctionne. Mais le premier, quand même, il est comme plate un peu comparé à ce qu'il y a quand même, à ce qui s'est fait par la suite. Un des meilleurs était peut-être au GameCube, à ce qu'on m'a dit. Je pense que c'est un genre bon. De Bomberman. Ben, il y a Bomberman 64 aussi que les fans adorent. Je veux pas dire n'importe quoi, je pense qu'au Saturn aussi, il est bon, tu peux jouer à plusieurs joueurs. Ouais. Le premier, c'était genre juste en solo, puis c'était répétitif, c'était toujours les mêmes graphismes. Absolument. Et ça, sur TurboGrafx-16 aussi, Bomberman 93, que beaucoup de monde aime, qui est tellement un nom weird, Bomberman 93. C'est tellement pas sexy. C'est pas terrible. Ouais, continue. Bref, son ennemi juré, c'est Bajura. Ah, je savais même pas qu'il y avait un ennemi juré. Ouais. Non, est-ce qu'il y a une fin à Bomberman 1 au NES? On le connaît pas vraiment, tu sais. Ouais. Ben, il finit par s'échapper de la factory. C'est vraiment de même que ça se termine. Un vieil homme à la barbe blanche et à la grande cape. C'est un bonhomme weird. On le retrouve dans plusieurs jeux, mais ça fait un bout de temps qu'on ne l'a pas vu quand même. Ça fait un petit bout, je pense que ça fait depuis 1999. Des kangourous ont aussi aidé Bomberman dans sa quête. Les Louis sont apparus dans Super Bomberman 4. Les carabons, des petites créatures, l'aident aussi. Puis il y a le Dr. Ain, qui est aussi un allié, qui est pas sans rappeler le Dr. Light de Megaman. C'est vraiment des parallèles bizarres. Mais quand tu as dit un méchant avec une barbe blanche, je pensais à Willy. Exact. Ouais, c'est, c'est la même affaire. Fait que tu sais, c'est Hudson Soft. C'est pratiquement la même affaire que Capcom. Même que Megaman, il se fait appeler le Blue Bomber aussi. C'est vrai, ça. Fait que Bomberman est apparu dans pas moins de 75 jeux, ce qui est pas rien. Là. Il y en a vraiment beaucoup. J'ai regardé, je les ai comptés. Puis il y en a un peu plus que 75. Fait que c'est quelque chose. Son plus récent, c'est Bomberman Blitz sur DSiWare qui est sorti en novembre 2009. OK. Puis Bomberman 3DS était supposé sortir cette année, mais plus cancellé. Ah oui? Oui. Ah, ça aurait peut-être été mon moment de me plonger un petit peu dans cette série-là, puis après ça, de retourner vers l'arrière. Ben, moi, je te dirais, si tu veux triper Bomberman, va te chercher Bomberman Blitz sur n'importe quelle console, XBLA, PSN, DSiWare. Ah ouais. Parce que c'est, moi, à mon avis, là, en jeu de party, c'est un des meilleurs jeux de party qui existe. Là. De toute façon, Bomberman à plusieurs joueurs. Ouais, c'est ça qui est hot. C'est ça qui a fait que Bomberman a levé, en fait, là, le multijoueur, puis le monde qui se coince, puis qui s'attaque, puis qui vire fou avec ça. Là. Ah oui. Non, c'est trippant. Fait qu'en tout cas, maintenant, vous en savez plus sur Bomberman. Moi qui savais pas pantoute que c'était un travailleur qui était pas heureux à sa job. Il était pas heureux de faire des bombes. Là, ah donc. Oui, il était tanné. Arrêtez donc de l'écœurer. Le truc. Donc, mon truc de la semaine, en fait, c'est pour trois jeux. Et tu peux pas être plus classique que ça. Puis même, c'est ça. Là, c'est un petit peu. Quasiment un petit peu gênant, tellement c'est pas original. on y va avec le Konami Code pour Contra que tout le monde connaît. En haut, en bas. Gauche, droite, BA, BA. Qu'il faut faire avant que la petite musique embarque. Là, ouais. Pour avoir 30 vies. Et qui, à base, comme la plupart du monde le savent aussi, était. Dans Gradius. Ok. C'est le code de Konami. C'est le Konami Code, mais. Ça voulait dire, t'as pas dit c'est dans quel jeu qu'il fallait le faire. C'est ça. Ah, excusez. Ah ouais, j'ai même pas dit. Ben, t'as dit Gradius là, mais. Là, j'ai dit Gradius, mais il faut le faire dans Contra. Yes. Ouais. Là, je parle de Contra, de Contra, Super C, puis de Opération C. Puis, c'est ça, donc. Mais ça donne pas le même nombre de personnages, si je me trompe. Non, c'est ça. Dans Super C, c'est le contraire. Faut que tu fasses. Droite, gauche, en bas, en haut, A, B. Ah, bon. C'est comme tout le contraire. Ça donne Divi, je pense. Ça donne juste Divi. Dans Opération C, l'opération contre au Game Boy, qui est un très bon petit jeu, pareil. Là, court, mais bon. Non, vraiment pas bon. Trop dur. Il faut, avant... après l'animation du début, là, comme la signature du jeu, là, tu fais 4 fois en haut, 4 fois en bas, 4 fois à gauche, start. Là, tu vas avoir 10 vies. Mais tu peux faire aussi le Konami Code, encore une fois, le classique, en haut, en bas, gauche, droite, BA, BA. Ça va te donner un stage select. Ah. Alors, aussi simple que ça. Nice. Tu peux pas faire les deux, par exemple. Ouais, c'est ça. Avoir... Donc, t'es comme, yeah, je vais aller à la fin de suite, tu vas juste avoir deux vies. Fait que t'es aussi bête de te pratiquer à la place, tu sais, puis d'être capable de prendre ce que tu fais là. Alors, vite fait, c'était pour trois petits contrats du début. Ah, merveilleux. Ouais. Moi, mon truc, c'est pour Super Mario 3D Land. Oui. C'est les effets du drapeau à la fin du niveau. Tu peux avoir des effets différents quand tu finis un tableau. Okay. Faut terminer le tableau avec le dernier chiffre du compteur à 6 pour avoir des ballons. Okay. 3 pour avoir des feux d'artifice. Okay. Et 1 pour avoir de la fumée. Ok. Fait que c'est ça, c'est vraiment... Deux pour avoir des prostituées. Ça serait carrément. En fait, c'est comme dans Mario Bros. 1. Quand tu sautes sur le drapeau, à 6, t'as 6 feux d'artifice, à 3, t'en as 3. Il y a même des... je vais le retrouver, ce truc-là, cool. Mais il y a un truc excessivement complexe à Super Mario Bros. 3. Il faut que tu termines le tableau avec, je pense, comme 62 à la fin. Ouais. Ben, je l'ai mis sur le blog. Ça, c'est toi qui l'as mis sur le blog, ouais, c'est vrai. C'est un truc, je sais pas si t'as déjà... Je m'ai entendu parler de ça. Transformer Hammer Brother en bateau plein de scène, là. Ouais, c'est malade. Tu sais, sur la map monde, il y a des petits Hammer Brothers là, qui se promènent, tu sais, quand tu fonces dedans. Il me semble que t'avais dit que si bon, tu voulais devenir un homme, fallait que tu fasses avec genre X nombre de scènes, X nombre de temps. Puis, non, ça, je savais pas ça. Ça transforme ce Hammer Brothers-là dans le monde, tu sais, en bateau de scène. Dans le fond, c'est pas un glitch, c'est un truc... Un vrai truc. Ah ouais, c'est bon. Ouais. C'est fort. En tout cas, ben, je vais le redéterrer. Là. Ça fait un bout que je l'ai reposté. C'est vrai, ça fait un bout. Je vais vous mettre un lien. Là. Le jeu souvenir. Bon, le jeu souvenir de cette semaine, en l'honneur de Brian, notre invité, c'est un de ses jeux classiques d'enfance. Là, c'est moi qui lance, là. C'est moi qui commence. Ben oui, vas-y, non, ben oui, okay. Moi, mon jeu que j'ai choisi, c'est Kid Icarus. Ouais. Oui. Ça le prononce mal, je sais que c'est Kid Icarus en anglais. Ou ah ouais, non, là. Moi, il me semble, c'est, j'ai tout le temps dit Kid Icarus. Kid Icarus, c'est pas québécois, ça. Je pense qu'on a une attache québécoise. Je pense que oui, hein. Je pense pas. Kid Icarus. Je pense que c'est Kid Icarus. Kid Icarus. Ah, oh, ça sonne pas bien dans mes oreilles. Moi non plus. Anyway. ça, c'est le premier jeu que j'ai eu. Comment je peux dire ça? Une sorte d'attachement pour ce jeu-là. Tu sais, avant ça, j'avais un Atari, j'avais un Coleco. Ouais, ces jeux-là, le but souvent, c'était de faire des points. Puis c'est rare que tu t'attaches à un jeu Atari. Ah, c'est Coleco, ça. C'est de battre des records de points, ce qui est jamais si le fun que ça. Là. Ouais, c'est ça. Le but du jeu, c'est d'aller au-delà de tes limites sur Atari. Là. Tant que tu vas être capable de jouer, le jeu va aller toujours de plus en plus vite. Puis... Ouais. Mais sur Nintendo, t'avais des jeux avec un monde, un univers. Ouais. Kid Icarus, c'était le premier qui m'a vraiment accroché. Tombé en amour avec les personnages, avec l'ambiance du jeu. Un des premiers jeux que t'as eu, ça? C'est un des premiers que j'ai eu, ouais. Puis je me souviens, je regardais dans le manuel, puis on voyait toutes les artworks pour les ennemis, puis je passais pas le deuxième tableau. Là, quand je dis le deuxième tableau, c'est pas le 2-1, là, c'est le 1-2. Là, c'est le début. Là. Puis je regardais tous les ennemis, je me disais, oublie ça, je les verrai jamais. Ces ennemis-là sont... Je passe pas le deuxième tableau. Puis un jour, c'était le réveillon du jour de l'an, je pense. C'était une des seules journées où j'avais le droit de pas dormir. Ah ouais? Fait que je me suis dit, je vais jouer à Kid Icarus pendant toute la nuit, puis je vais le passer le monde 1-2. Je l'ai passé, je me suis... Toute la nuit pour un... Moi, je... pas pour finir pour le jeu, 1-2. Ouais, je dirais que je l'ai passé assez vite, ce coup-là, c'était bizarre, ça a comme coulé super bien. Non, mais pas dans le sens que t'es pas bon, mais tu sais, dans le sens que dans ce temps-là, les jeux, tu sais, étaient plus durs qu'aujourd'hui. Toute une nuit, là, 9h, là, aujourd'hui, tu finis un jeu. Là, mais c'est moi qui étais pas bon aussi à l'époque. Ouais, ben, même aujourd'hui, c'est non, mais on commençait à jouer, puis tu sais, quand on connaissait pas ça, un NES, on faisait tout, on prenait toute une manette NES, puis on la levait dans les airs pour sauter. C'est ça, puis j'avais réussi à passer le premier tableau, je m'étais rendu à la première forteresse, puis j'avais enfin vu le genre de chien à trois têtes, là, le Cerberus, que je voyais dans le manuel, puis c'était des beaux souvenirs. Le jeu, finalement, je l'ai battu pas longtemps après, parce qu'une fois que tu passes tes trois premiers tableaux, le jeu devient de plus en plus facile, on dirait. Ah, pour vrai? Ah, ben là, tu me réconfortes en honnêtement, là, tu passes au troisième tableau. Je suis complètement d'accord. Je suis même pas capable de me rendre plus loin que ça, en fait, parce que moi, je l'ai pris sur la Virtual Console. OK. Puis, fuck, là. Tu t'es rendu où? Ben, je suis gêné de dire que j'ai pas vu de Cerebrus. Là. OK. Mais c'est ça, si tu passes les trois premiers tableaux, t'es bon pour faire le jeu, à mon avis. OK. Puis, vraiment, c'est ça. Là. Parce que c'est ça, c'est. Kid Icarus, je trouve, c'est comme un gros abcès à crever. Là. Tu sais, le début, le premier tableau, là, je trouve que c'est le pire premier tableau quasiment de l'histoire des jeux vidéo parce que Ouais. Il est trop difficile par rapport c'est plus à le jeu. C'est le deuxième, je trouve, plus difficile, moi, que le premier. Ah, mais un petit truc comme ça, justement, on parlait de trucs tantôt là, dans Kid Icarus. T'as des ennemis à la fin du premier tableau qui réapparaissent tout le temps. C'est comme des trucs qui sortent de la terre. Ouais. Si t'en tues un assez bon nombre pour faire, je pense, jusqu'à 20 000 points, à la fin du tableau, tu vas avoir un carré d'énergie de plus. OK. OK. Ça, c'est pratique en tabarouette passer le deuxième tableau puis le troisième tableau. Hey, parce que moi je rentrais dans les pièces pour pouvoir gagner des cœurs ou des trucs comme ça. Ouais. Et à cause des maudites bébites qui bougent trop vite dans les airs de façon aléatoire, puis toi qui bouges pas super vite, super bien. Ouais, je me fais pense que c'est bien ajusté, par exemple. Mais les autres, ce qui est pratique, c'est qu'ils donnent des gros cœurs qui valent 10 cœurs. Ouais. Tu veux y aller, les tuer. Ben, c'est ça, c'est et ceux en du un gain, coup aussi. Hein. Ben, c'est ça, parce que quand tu ramasses des cœurs, ça te donne. C'est comme de l'argent. Dans c'est ça, c'est de l'argent. Ouais. Puis avec ça, t'achetais des items dans des shops. Ouais. Tu peux acheter une bouteille qui va régénérer un carré d'énergie quand tu vas mourir. Tu peux acheter une plume que quand tu vas tomber dans un trou, tu vas pouvoir dévoler et tu seras pas mort. OK. Ben, ça coûte cher le stock là-dedans, me semble. Faut vraiment que tu farmes au max là, pour te faire de l'argent. Ben, c'est pour ça qu'il faut aller tuer les gros ennemis avec les gros nez. Là, là faut les tuer. Les gros cœurs qu'ils donnent, c'est payant. Ben quoi d'autre aussi? Il me semble à un moment donné, tous les ennemis se transforment en marteau. Puis, Ouais, c'est quand tu ramasses une harpe, ça. Ouais, c'est ça. Puis là, avec ces marteaux-là, qu'est-ce que tu fais? Ça, dans le fond, c'est dans la forteresse, mais c'est pas utile vraiment. Tu vas avoir des petites statues de centurions qui appellent. Ouais. Tu peux les frapper, puis ils vont se transformer en petits bonhommes, puis ils vont s'envoler, puis ils vont t'aider pour battre le boss de la forteresse. OK. Mais t'aides pas beaucoup, ils meurent vraiment rapidement. Là. C'est un peu inutile, mais. Puis dans les forteresses, c'est 2D. Ah non, ben c'est un peu tableau qui avance, c'est pas juste un tableau qui monte. C'est ça? En fait, c'est un peu comme Zelda, mais avec une vue à l'horizontale. Ouais. C'est comme un donjon de Zelda, mais. Link, côté. Là, qu'on parle de Zelda 2. Là. Ouais, si on veut, mais moi je parlais plus de Zelda 1. Ouais. C'est comme une forteresse qui est non linéaire, faut que tu trouves le bon chemin pour te rendre au boss. Okay. T'as des chemins qui te mènent vers des vendeurs. T'as des chemins qui te mènent vers un hôpital. Ça veut dire que si tu te fais prendre par un. Comment qu'ils appellent ça en français? Je sais pas si tu connais les noms, là. Eggplant Wizard. Ouais, ben c'était l'aubergine. Ouais, l'aubergine, mais je sais pas c'est quoi son nom. Ouais, je sais pas c'est quoi son nom, c'était le magicien aubergine. Ouais, c'est le même appelé dans le dernier mais lui, épisode. Lui, quand il te lançait une aubergine sur la tête ou peu importe, tu devenais une aubergine. Ouais, fond, ouais, t'avais ça. Fallait aller à l'hôpital pour te faire enlever ça. Ah, mais qu'est-ce que ça faisait ça? Ça dérangeait-tu quand on avait ça? Oui, c'était fatigant en tabarouette parce que tu pouvais plus attaquer. Tu voulais que te défendre, il fallait que tu évites les ennemis. Ok, c'est ça. Mais il y avait des. C'est ça, je me souviens bien. Il y avait un tableau où tu volais de gauche à droite. Ouais, tu ça, juste à la tirer, fin. À la fin, c'est ça, quand complètement. T'es tout équipé. C'était vraiment cool, c'est ça. C'est drôle parce que dans ma tête, moi, Médusa, je l'imaginais pas comme ça quand j'étais jeune. Ouais. Je la voyais dans le manuel, c'est une sorcière qui est assez grassette avec des serpents dans les cheveux. Quand t'arrives à la fin, c'est comme un gros œil avec des serpents qui sont c'est vrai. Ça mais ça arrivait souvent, ça, que dans manuel d'instruction, t'avais un design, puis finalement, t'arrives au jeu, puis c'est pas ça pantoute. Non, c'est ça, puis tu vois l'ennemi, t'es un peu déçu. Ouais. J'ai tellement hâte d'avoir l'ennemi. Mais Médusa, à chaque fois que je la revois, je me fais pas encore. Je n'imagine jamais comme ça, même si j'ai fini le jeu au tout 100 fois quasiment. Mais Médusa, moi, je l'imaginais, tu t'arrives, puis tu vois une grosse sorcière, mais tu sais, ta voix au complet, là. Ouais. Pas juste un gros œil. Ben là, dans Uprising, tu donnes l'impression qu'il... Je sais pas s'il va être bon, lui, hein? Ben, moi, je pense qu'il va être bon, parce qu'en plus de ça, il y a des critiques qui sont sorties récemment, puis le jeu est considéré présentement comme le killer app de la 3DS. Moi, okay. Si j'achète une 3DS, fait ça va être pour lui. Ça, ouais, vraiment. Ah ouais, ouais. Ben moi aussi, depuis la 3DS, j'attends juste ce jeu-là. Mais ce qui me fait peur, c'est que j'ai l'impression qu'il a annoncé ce jeu-là parce qu'il y avait comme rien annoncé sur la 3DS. J'ai l'impression qu'il font un peu de force. Ah, ben non, ça fait longtemps. Non, ça fait longtemps qu'ils le développent quand même. Ouais. Fait ils travaillent. Puis moi, j'ai même l'impression qu'ils ont repoussé la sortie pour pas se planter là, cette fois-là. Là. Ben moi, je pense qu'ils ont repoussé la sortie pour peaufiner le multijoueur. Ouais. Puis parce j'ai oublié que le nom du multijoueur est important pour. J'ai oublié le nom du gars qui fait ce jeu-là, là, mais c'est lui qui fait les Super Smash Bros aussi. Ouais. Là. Puis il est comme je dis Smash Bros. Faut dire Brothers, en tout cas, whatever, j'aime ça dire Smash Bros. Puis il repousse, tu sais, toute production de Smash Bros sous toutes les formes, tu sais, il est complètement 100% sur Kid Icarus. Là, oui, oui. Il travaille dessus puis il veut que ça marche. Là. C'est correct. On veut ben, que c'est le jeu correct, soit, ça soit merveilleux. Moi, j'aime mieux qu'attendre pour un jeu puis qu'il soit bon à la place d'attendre super longtemps puis que finalement, c'est de la boîte. Moi, je souhaite qu'il soit bon parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de suite à Kid Icarus. Oui. C'est un des jeux, je pense, que plusieurs personnes voulaient une suite, ça fait longtemps. Ben oui. On a eu une sur Game Boy. Ben, parle-nous-en donc, la suite sur Game Boy, Of Myth and Monsters. Ouais, c'est semblable à la version NES. Ouais. J'ai fini une fois, ça fait un petit bout de temps quand même, là. Si t'as aimé la version NES, tu vas aimer la version Game Boy. C'est la même affaire, quoi? Non, c'est pas pareil du tout, en fait. Mais tu as des forteresses après un 4, je pense. Peut-être un 3 sur Game Boy, je suis pas sûr, ça fait tellement longtemps. C'est semblable à la version NES, en gros, mais c'est pas les mêmes tableaux. Okay. Un peu comme Contra, un peu comme... Quel autre jeu aussi qui est sorti sur NES puis Game Boy, mettons, tu sais, c'est semblable, mais c'est pas pareil. OK. Mais c'était-tu... Même que le boss de la fin, c'est pas, que... c'est pas Medusa à la fin, c'est... C'est quoi, ça? On dirait une carte de fête. Il y a un son buggant, là, qui vient d'apparaître. Je vais aller voir ce que c'est. Ah ouais! Le pire, c'est comme de pas l'entendre. Non, je suis sûr qu'on l'entend pas. Mais moi, la question que je me posais par rapport à ça, c'était est-ce que la version Game Boy était plus difficile que la version NES? Non, c'était semblable. Ok. C'était pas mal la même genre de difficulté. Ça, il faut leur donner ça pour le Game Boy. Il y avait. Ils ont quand même fait des bonnes versions de jeu NES sur Game Boy. Oui. En général, c'est comme Contra, ça ressemblait un peu à sur NES. Ouais. Pour DuckTales, c'était semblable à sur NES. Ah, j'ai pas essayé, moi, DuckTales. Ah, DuckTales sur Game Boy est super bon. Ah, ouais. Il ressemble beaucoup, par exemple, à la version NES. Oui. Peut-être vraiment trop identique, peut-être. Ouais, sauf qu'en même temps, tu sais, c'était. C'était comme. Tellement merveilleux sur NES que quand c'est arrivé, j'ai dit. Ah, c'est quand tu l'avais, tu savais à quoi t'attendre, puis t'en plein, ce que t'avais, dans le fond, tu sais. Mm-hmm. Oui. Mais ça, pour revenir à ça, Kid Icarus sur Game Boy, le boss final, c'est même pas Medusa. Là. C'est, je ne sais plus son nom, là, mais c'est pas Medusa à la fin. C'est quoi? C'est un lion? Ouais, c'est pas Medusa? Femme, c'est non, ça. Non, c'est un... Je sais pas son nom. Je pourrais le prononcer, mais je suis sûr que c'est pas correct. Oui, je l'ai pas fini d'abord. Au Game Boy, toi, t'avais ça, Bruno? Oui, moi, le Kid Icarus Game Boy, j'avais essayé, mais c'est le Kid Icarus sur NES... Là, c'est ça. Toi, tu dis Medusa, c'est pas le boss de la fin. Non, c'est pas le boss de la fin. Au NES, c'est le boss de la fin. Au Game Boy, au NES, oui. Mais pas sur Game Boy. OK, merci. Parce que je pensais qu'au NES, c'était pas le boss de la fin. Non, non, c'est sur NES et Medusa. Mais sur Game Boy, c'est pas Medusa. OK. C'est pas tout à fait le même jeu, mais c'est pas semblable. Il vaut-tu cher, ce jeu-là? Non, pas tant que ça. Pas tant. 20 piastres, peut-être. Combien? Une vingtaine de piastres. 20 piastres, OK. Je magasine, tu peux l'avoir pour beaucoup moins aussi. OK, OK. Hmm. Mais c'est ça, j'ai l'impression que Kid Icarus, ça a fait reculer plusieurs joueurs à cause que c'était trop hardcore. C'était vraiment difficile. Moi, je le trouvais dur. Mais non seulement ça, mais je pense que quand tu le finis et tu recommences, il y a d'autres affaires encore. Ça se peut-tu, quand ça? Quand tu recommences, tu recommences avec les armes que tu avais déjà. Fait que le jeu est encore plus facile. Okay. Mais il y a des pièces qui sont vides au début, dans le 1-1, genre, ou whatever. Ouais, puis ça, quand tu recommences, là, il y a quelque chose dedans. Tu vas avoir... mais ça, tu peux l'avoir même quand tu joues la première fois. Tu vas avoir un dieu qui va te donner une flèche de puissance de plus. Ça dépend de ta performance, combien de points que tu as, combien d'ennemis que tu as tués, ces trucs-là. Mais comment tu peux avoir des points et des ennemis au début du début? Non, c'est ça, mais la première pièce, au début, là, je pense qu'il n'y a jamais rien qui se passe là. Tu sais, la première qu'on peut entrer, il n'y a jamais rien là. Même quand tu rejoues, je me souviens pas qu'il y ait déjà eu quelque chose. Il me semble que j'avais déjà lu sur des walkthroughs, moi, ou quelque chose qui. Ça se peut. Que quand tu finis le jeu d'une certaine façon, là, après, il y a de quoi, tu sais. Tu m'en poses une bonne, il me semble que non. Il me semble que c'est le même jeu, mais tu as juste les power-ups que tu avais déjà, tu les conserves. C'est tout. OK. Ah, ben. Ah! Bon, peut-être, là. Mais ben, peut-être que je me trompe, moi aussi, là. J'ai peut-être que j'étais sous-raide. j'ai vu ça dans ma tête. Mais il y en a combien de monde à Kid Icarus, donc? T'as le 1-4, là, t'as le 1. Comment tu fais ça? T'as le monde 1, 2 et 3 qui sont divisés en 4 tables. En ouais, 3 tableaux, pardon. En 3? Plus la forteresse. Avec 2 tableaux. Ouais. OK. Dans le fond, tu en as 12. OK. 12 fait plus le 13e qui est le dernier tableau. OK. Moi, je me rappelle le dernier tableau. Dans le fond, j'avais le code rien que pour aller là. Ouais. Je pense que c'était 8 avec tous des petits U. Ouais, ça, c'est vrai, c'est un code. Ça, c'était le code pour aller tout de suite au dernier tableau de la fin, full équipe. T'en as un code qui est assez connu, c'est Medusa Fights Icarus Angel. OK. Angels avec un S. Qu'est-ce que ça fait, ça? Là? Je pense que tu commences à la troisième forteresse. Le pire, c'est que t'es même pas tout boosté, rien. Là. Tu commences juste à la troisième forteresse. C'est juste que... Quasiment un désavantage. Parce que... Ouais. Mais tu commences quand même assez puissant, mais on dirait que le code il est juste là parce que c'est comme quatre mots. Ouais, c'est ça. C'est un truc qui est connu dans le fond. C'est comme dans Metroid, t'as des mots de passe qui sont connus juste parce que. Non, je pense que c'est Justin Bailey avec tout les oui. Opinions. Oui. Dans le fond, il est connu juste parce que c'est un comme un nom où ça peut peut-être signifier que Justin Bailey qui est juste en costume. Mais Just Bailey, c'est pas un nom de costume, mais il y a tout le monde qui suggérait que c'est peut-être on voulait dire qu'il est juste en costume. Là, elle a plus son armure quand tu rentres le mot de passe-là. Ouais, c'est vrai ça. C'était-tu hot un peu pareil dans ce temps-là? C'est ça, parce que Nintendo avait été trop cheap pour mettre une batterie dans le jeu. Ouais, c'est ça. Bon, moi, ça nous fait de quoi parler aujourd'hui, parce que sinon, on parlerait pas de batterie plus qu'il faut, je pense. Il y avait un autre, c'était not a password, de quoi comme ça. OK. Ou not a real password, de quoi comme ça, je me souviens. Okay. Dans Metroid, ça? Ouais, dans Metroid. Okay. Moi, je me souviens Kid Icarus, et à un moment donné, j'ai eu le Nintendo Power sur Kid Icarus. C'est là que j'ai tout compris. C'est là que je suis arrivé à passer au travers. Parce que moi, je l'avais acheté, Kid Icarus, j'ai rushé comme un mongol. Mais Kid Icarus, il a jamais fait la couverture de Nintendo Power. Non, mais il était à l'intérieur à un moment donné avec toutes les maps, puis ils ont donné des codes, puis tout ça. Ouais. J'ai l'impression, moi-même, que ça, c'était peut-être, avec le recul, c'était peut-être un call de Nintendo parce que les joueurs le trouvaient trop difficile. Parce que même aujourd'hui, les joueurs le trouvent encore trop difficile. Ben, moi, je trouvais très difficile, là, vraiment. Là, puis, je vais m'y remettre. Là, ce que je dirais, c'est passer le... Ben, moi, j'aurais essayé 3. Sur Virtual Console. Je suis poche. Ben, je suis pas charmant, moi, avec. Je suis pas capable de me rendre. Je pense que je dois être au tableau que tu parles, là. Passer le 1-3, après ça, ça va couler tout seul. Ouais, c'est ça. Après ça. Ah, il faut, là, parce que j'aimerais ça connaître ce jeu-là pas mal plus, là. Ah ouais, t'arrêtes pas de dire au monde sur Internet, là, si tu veux devenir un homme, faut que tu fasses ça, faut que tu fasses ça. Ah, je suis homme dans d'autres jeux, mais dans celui-là, je sais pas, ça marche pas pendant. J'ai la misère à être homme. J'aime pas ça, moi, les tableaux à verticale, tu sais, que tu tombes dans le néant tout le temps, là, c'est pas... À verticale? Ouais, un peu comme Contra quand tu montes en haut. Ben, Contra, c'est horizontal. OK, qui est vertical quand tu montes vers le haut, tu voulais dire ça. Vers le haut, tu sais, que ta plateforme devient un trou, tu sais. Ouais, quand c'est ça, quand tu montes. Parce que Icarus, c'est rien que ça, pas mal. Tu sais qu'il y a une plateforme qui est en bas, mais vu qu'elle est hors écran, c'est un trou. Ouais, mais des fois, elle est encore là, mais t'en vois plus, tu sais. Fait que là, tu tombes, t'es en calice. Puis là, hop, hey, ton bonhomme, il tient sur quelque chose. Mais là, tu sais plus, tu sais, il est où le trou de part et d'autre. Ça, c'est une autre affaire, c'est à cause des bords de l'écran des vieilles TV. Ouais. Maintenant, tu sais, on peut voir certains de ces détails-là qu'on voyait pas avant. En fond, on perdait comme un demi-pouce autour du téléviseur partout. Mm. Fait qu'eux autres, ils le codaient et ils disaient « Ben non, ouais, j'ai la plateforme. » Tout à voit pas à cause de ton gros bord de TV et ton Gérald. Mais en tout cas, il y a quand même une bonne petite track là, de Kid Icarus. Là. La musique est bonne, puis la musique à la fin est vraiment exceptionnelle. Là. C'est une longue track de musique en plus à l'eau. Presque pas pendant 5 minutes quasiment. Là. Hey, ça, je m'en souviens. Je l'ai passé le jeu parce que j'ai fait le code pour aller tout de suite à la fin, puis c'est super facile. Mais je serais curieux de voir si cette track de fin-là dont tu parles, qui est vraiment hot, si elle se retrouve dans Uprising. Tu sais. Je vais aller l'écouter rien que pour rire. Ben, on va finir le jeu rien que pour checker. Puis je vais acheter Uprising là, quand ça va sortir. Ça va d'ailleurs être mon deuxième jeu physique de 3DS que j'achète. Il sort quand en fait? Est-ce qu'il y a une date d'annonce? Bientôt. Il sort, fin mars. Attends un peu. Je vais le trouver parce que c'est quand même une sortie importante. Je pense que c'est là que je vais m'acheter une 3DS qui va sortir. C'est, moi, je peux définitivement dire que ça vaut la peine. Là. Parce que c'est... Le 23 mars que j'ai ici. Ah, ben oui, c'est ça, bientôt, c'est le 23 mars. Ouais, c'est très bientôt, là. On est le 8. Donc, c'est ça. Ouais, le 23 mars, ça s'en vient. Puis, on a tous hâte, là. Moi, c'est pour ça que j'ai acheté une 3DS. Simple que ça. Là, j'avais acheté ça pour ça, puis Super Mario 3D Land. Mm-hmm. Super Mario 3D Land, j'ai trouvé bon, mais tu sais, un. Vrai original de Nintendo. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu un. C'est comme si c'était un nouveau personnage dans le fond. Parce que ça fait tellement longtemps. Ben, il était dans Smash Bros, là, justement. Ouais, sauf que, tu sais, une nouvelle aventure, là. Tu sais, t'as des Donkey Kong, des Mario, mais ça. Moi, ce qui me fait peur un peu de la 3DS, c'est que je me suis habitué avec le DS XL. Les gros écrans. Là, j'attends avec un petit écran encore. Ouais, peut-être. Ben, moi, c'était cool, la DS XL. Moi, j'ai bien aimé celle-là parce qu'elle était grosse. Ouais. Ah, j'aimais le stylet aussi, qui était comme un crayon. Là. C'est vraiment génial. C'est tout comme des crayons, le stylet, non? Non, il y a, les stylets de la 3DS puis de la DS. Ok, toi, tu parles de la 3DS. Vraiment, oups, c'est vraiment un minuscule bâton. Je pensais que tu faisais... Que la DSi XL, c'était comme... Je pensais que tu parlais du stylet de la DS XL et la DSi ou DS. Non. C'est vraiment la XL, c'est gros, là. Un gros crayon, là. Ouais. Okay. Un gros crayon là, rond, là, un peu bombé. Là, mais c'est vraiment, tu as l'impression d'avoir un stylo dans les mains. Il semble que le crayon de la DS XL, il est pareil comme la DS. Attends une minute, moi je parle de la DSi XL. C'est peut-être d'autres choses. Non, chose. C'est la même chose. Je pense qu'il n'y a pas de DS XL. C'est tout des DSi XL. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ben moi j'avais un gros crayon qui venait avec. Là, c'était large. Ben, là. Tu peux pas le rentrer dedans. Non, c'est ça. Tu peux pas le rentrer dedans. Il venait avec. Il y en avait un qui rentrait dedans. Moi j'avais pas ça par exemple. Mais il y en a un autre qui venait avec. Moi je l'ai acheté à sortie. Puis il y avait ça avec, puis c'était merveilleux là, pour dessiner, pour faire des affaires. J'avais fait des critiques de Art Academy, puis de WarioWare DUI, dans lesquelles il fallait que tu crées des choses. Okay. Ça allait tellement mieux là, qu'avec un petit stylet minuscule. Hmm. Fait que, ouais, on s'écarte, mais Kid Icarus, c'était quand même un bon jeu. Ouais. Mais Dominique, lui, s'est dit fuck that game puis arrêtez. Ouais, fuck that game. Fuck that game 8 par exemple, parce que c'est pas un jeu que je veux fucker, tu sais. c'est un jeu que je respecte, puis c'est un jeu que je considère qu'il faut le faire, tu sais. C'est un classique, puis c'est important d'y jouer, puis c'est important de le connaître, puis c'est important pour moi de le passer. Donc, vu ma faiblesse qui a été mise à jour ce soir. C'est en évidence. Mais là, tu me réconfortes en disant que ça se calme par après le 1-3. Si tu finis le 1-3, 1-2, 1-3, tu vas pouvoir finir le jeu. C'est bon. Et tu nous as prouvé à soir que t'es pas encore un homme. Non, j'ai des faiblesses. T'es pas un hardcore gamer. ouais. Ben, c'était ainsi que se conclut ce 21e épisode de Rétro Nouveau, une fois de plus très long. Très long épisode. Ouais, on rattrape là, le temps perdu du mois qu'on a raté. Là, je pense qu'on égale le Titanic avec ça. Là. Mais c'est bien meilleur que le Titanic. Ouais, c'est meilleur que le Titanic. Hein, meilleur que le Titanic puis Avatar. Au moins, ici, à la fin, on broille pas. Là, tu sais. Ouais. Non, on broille pas. On va peut-être brailler, mais qu'on voit l'heure qui est quand on va vouloir aller se coucher. Surtout toi, Brian. On va se coucher. Parfait, mon Dieu. Non, c'est ça. Mais au moins, tu finis plus tard. Tu commences plus tard à travailler demain matin. Ouais, 11h demain matin. 11h, c'est quand même mieux que 7h. Ouais, 7h, ça serait terrible. Ouais. C'est clair. Ben écoute, merci beaucoup vraiment. Merci à vous. Merci d'être venu. C'était vraiment le fun. Ben, j'espère que ça n'a pas été trop pénible pour vous. Ben non, ça a été super le fun, très intéressant. Puis j'étais très content que tu acceptes l'offre, même si on a repoussé ta venue de 3 semaines parce qu'on avait, on pouvait pas. Puis des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent. Puis malgré mes mauvaises indications aussi, tu m'en voudras pas. Non. Alors à gagner cette invitation là. Me dis à quelque part c'est une sorte de paye de venir ici. Tu sais, t'es pas payé pour faire un site web ou parler sur des forums. Ben au moins quand on te reconnaît un peu comme ça, c'est bon. Ben écoute, moi en fait je pensais que t'étais un gars qui voulait pas être. Non, je suis très low profile. Ouais, c'est ça. Oui. Venir ici, c'est le fun, c'est un podcast, j'ai pas une caméra d'en face. Là. Non, c'est ça, tu exactement. Tu sais pas, là, mais il y en a une ici, en haut. Là, mais c'est ça, on jase, puis c'est intéressant. C'est intéressant pour nous autres, fait que ça va être intéressant pour le public. Moi, j'espère bien, en tout cas. On va mettre le lien de ton site dans nos affaires. On va rediriger les gens vers ton site. Ouais. Et ton YouTube channel aussi. Ouais. T'en mets-tu souvent vidéos sur ton YouTube channel? De temps en temps, là, je veux commencer à en mettre plus. Là. Parce que je trouve que c'est plus interactif sur YouTube, les commentaires. Là. Oui. Est-ce que tu parles par-dessus tes... Ouais, mais là, j'ai commencé à faire ça récemment, ouais. OK. Ouais, c'était plus personnel, plus intime quand tu parlais. Oui, c'est ça. Juste mettre du gameplay comme ça. C'est bon, sûr. On va checker ça, c'est clair. Great. Merci, là. Ben, merci à toi. Merci, puis salut, on se revoit, on se réécoute la semaine prochaine. Puis si t'as pas fini ta vaisselle, lâche ta vaisselle, t'es pas faite pour ça. Oui. Bye, tout le monde. Ciao.